Issam, viens ici enregistrer le podcast, espèce d'enculé! Ta gueule! Oh, nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est quoi ça, mon petit balai? Je suis vraiment un gros tadou. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Oh, je ne cherche pas à te vexer. J'ai simplement à te faire comprendre ce que t'as pas compris. Car tu ne l'as pas compris, c'est ça le plus fort. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ils ont toujours raison! N'essaie pas de me baiser, mon vieux, je te fous dans un tel état qu'il faudra déboutonner ton col pour chier. Mais ne... Vous ne le faites pas! Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bonjour et bienvenue pour votre nouveau numéro de la Guerre des Claps. Avec moi aujourd'hui pour parler cinéma et séries télé, je suis avec Alex. Salut. Issam. Salut. Et Necro. Salut. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. un petit tour de table, ouais, ça va? Ouais, ça T'es va, sûr tranquille. Ouais, en plus il fait beau aujourd'hui. Exprime-toi, n'aie pas peur de t'exprimer si t'as des trucs à dire. Non, bah je trouve que des fois en ce moment, la politique dans certains pays, on s'en fout. Comme d'habitude, un petit tour de table rapide. Qu'est-ce que vous avez fait hors podcast, messieurs? Commençons par Issam, puisque Alex me le pointe du doigt. Connard. Non, bof. Comme d'habitude, j'ai eu un tournage à Paris il y a quelques temps pour l'archiviste du cinéma. On essaie de rendre ça plus ambitieux petit à petit, donc c'est cool. Sinon, pas grand-chose. Monsieur nous fait donc croire qu'il a une vie professionnelle. Non, ma vie professionnelle, c'est à l'hôtel. Ah. Et c'est de la merde. Un magnifique hôtel de passe. Si les clients m'écoutent, je vous signale que je vous emmerde tous autant que vous êtes. Il vous emmerde et il rentre à sa maison. Necro, quelque chose à... Non, bah moi j'ai fait de la peinture ces derniers temps. Et puis sinon, bah j'ai eu un petit incident qui m'a fait perdre une dent. Du coup, je réapprends à parler avec une dent de devant en main. C'est magnifique. Donc si jamais vous voyez que je fourche un petit peu sur certains trucs, c'est normal. C'est compliqué. On n'hésitera pas à te le faire remarquer comme des gros sacs. Alex ? Eh bah pour changer, j'ai trop de travail. Comment ça, t'as... Je croyais que c'était et calmé voilà, c'est au bon. Boulot. C'est fini. Ah ouais, ça s'est calmé, mais... très récemment quoi, il y a une semaine. Donc pas vraiment de news, des lectures VO qui se passent bien. J'ai enfin pu lire l'intégrale d'Écho de Terry Moore, je vous conseille d'y aller, c'est excellent. Oui, ça c'est une recommandation de fin de podcast de Casse ouais, sur table. Donc il faut toujours le petit calé, le petit Terry Moore comme ça tout le temps. Ouais. Le troisième Fairyland, il est bien. Je l'ai pas lu. D'accord. Comme je l'ai fait en VO, c'est pas sorti encore. Ah, c'est pas sorti en dur, c'est pas sorti donc sérieux? Ah, en fait, il y a les TP en souple et puis l'hardcover, ça met beaucoup plus de temps okay. à sortir. Donc, Parce que chez nous, on a directement du dur, mais eux, ils passent par du souple d'abord. Ouais, mais je pensais qu'il fallait quand même que le dur soit sorti chez eux. D'accord. Ça non, on les emmerde. Beaucoup plus de temps. On les emmerde et on sort directement en dur chez nous. Et c'est à moins cher. Nul ces amerlocs. Okay. Si, sans que ce soit une recommandation, moi, j'ai acheté la collector de l'atelier des sorciers et bah, elle vaut le coup. Mmh. Elle est cool. On en parlera dans notre teasing, prochain. On en reparlera. Case sur table. Et si on passait aux news sélectionnées par ce cher Issam? Et toi, les actualités? Non, rien, de toujours à nous, rien de spécial, cette fois-ci tu as mal choisi ton mois pour me le demander. Ouais, donc on a tous des vies de merde. Quoi. C'est ça, c'est à peu près ça. C'est la peut-être France sauter en cette rubrique, hein, c'est un peu navrant. Et toi, la déprime, ça va? Ouais, ça va, ça se passe bien. Non, mais sinon, bah, comme d'hab, du jeu vidéo et beaucoup de Xenoblade 2 en ce moment. Toujours pas terminé? Enfin, je m'y suis remis activement il n'y a pas longtemps en fait. J'avais fait une pause pour. Ah, et la mise à jour de Mario alors, c'est bien. Avec Luigi tout ça. Truc des ballons ouais. J'ai pas testé. T'as pas testé? Ça m'intéresse pas plus que ça donc. Donc non, pas testé, mais je me suis mis activement à Mario Kart 8. Moi c'est FF9. Bah, voilà. Je me suis remis à FF9 à fond. Toujours des compètes. Il y a plus de gens en ligne qui écoutent. Il était à 10€ sur ouais. Steam. Moi je joue pas beaucoup en ce moment. Pas le temps. Bah non, tu gueules sur les clients. Bah oui, du coup j'ai pas le temps de jouer. Bah oui, c'est connard. C'est un magnifique jeu. Issam, rubrique news. Rubrique news. Et bah c'est parti. Jingle. Ah bah non. Bah. On l'insérera au montage. Ah ouais, c'est pas bon. On l'insérera en vrai jingle au montage, peut-être. Les news du jour. On s'excuse pour la gêne occasionnée. Quelle Alors. Gêne. On va commencer par une très bonne nouvelle, le tournage de L'Homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam est terminé. Ouais. Voilà, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de suicide, ah, sauf si on y nous a pas caché, eu de quoi. Catastrophe naturelle. Sauf si on nous a cachés. Sauf si on nous les a cachés, effectivement, si ça se trouve, ils ont creusé une fosse commune pour enterrer toute l'équipe. Derek Williams n'a fait que 2 infarctus pendant ce temps-là. Non, il va bien, il va bien. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au final, son film, il a quasiment tourné en secret, quoi. Parce qu'on a tous un peu appris que, bah, hey, les gars, j'ai bientôt fini le film. What? Ouais, c'est... je me demande s'il a pas fait ça exprès, des fois, en se disant, des fois que ça foire. Des fois que ça porte malheur aussi. Je veux pas trop m'avancer. C'est ça. Mais c'est histoire d'exorciser la malédiction. On est très content d'apprendre que le tournage est terminé. Il va être attendu au tournant, par contre. Par contre, on n'a pas encore de date de sortie, il me semble. Non, pas encore. On en est qu'au tournage terminé, il reste encore tout de l'aspect post-production à faire, donc nous affolons pas. Peut-être qu'il y a 4 ou 5 monteurs qui vont mourir. Mais après, c'est... je pense pas que ce soit la post-prod la plus compliquée de l'histoire du cinéma. C'est et puis... Ah, putain. Je m'en fous de la case, Michael. Et au fait, non. Toi, t'es encore plus près de moi. Non, ce que... Tcha. Je m'en fous. Ah, enfin, on a réussi. Enfin. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Je trouve que ça apporte beaucoup de capital sympathie, le fait qu'il ait vraiment autant de mal avec ses films. Oui. Parce qu'on voit vraiment le mec qui galère à faire son truc à côté de ça. Clairement, oui. On regarde, on se dit, oh putain, c'est cool. C'est cool. Mm-hmm. Il y a beaucoup de films qui... Ça marche pas avec tout le monde. Hein. Ça, que, non, par exemple, Bernard-Henri Lévy aussi, il a du mal à financer des nouveaux films. Bah, il galère parce que... Ma sympathie envers lui reste limitée. Je veux dire, par exemple, quand il... Quand il va dans un coin à la con pour soutenir les gens, bon, bah, il y a le décor à faire en studio à Paris, il y a le ventilateur de façon à ce que la coupe de cheveux part bien sur le côté, il faut que la chemise soit ouverte comme il faut. Il faut penser à enlever les protections de paintball sur les fusils. Non, c'est du boulot. Ah ouais, non, c'est délicat. Hein. Ce bâtard. Tout en écrivant un livre par semaine. Hein. Ah, c'est lui qui écrit. T'appelles ça des livres, tout toi. En signant un livre par semaine. Ah oui. Et puis t'appelles ça des livres, toi. Non, bah après, en plus, je suis sûr qu'il les écrit, je veux dire. Des torchons. C'est... Une autre news, peut-être ? Alors, autre news par rapport au... Dans le genre film un peu maudit, le Dune de Denis Villeneuve, apparemment, c'est un projet très ambitieux. Il veut le faire en au moins 2 films, si ce n'est plus. Donc, il annonce une préparation d'au moins 2 ans. Donc, on verra pas ça tout de suite. Tu es en train de partir exactement comme le Dune d'Aronofsky, comme cette histoire. Genre Rodorowski, tu vois. Ah, Rodorowski, ouais. Ouais, après, ça a l'air quand même beaucoup plus, entre guillemets, académique que le Dune de Rodorowski. Oui, mais dans le sens grosse prod, ouais. Qui va nécessiter des moyens et du temps de réal, de création. Ouais, bah la différence, c'est que Rodorowski, en plus, n'était pas forcément hyper bankable comme réal. Et qu'il était toujours sous coke. Ouais. Ça peut aussi ne pas aider. Je sais pas s'il l'était tant que ça, Rodorowski. Oh. Ceux qui l'entourent, oui, mais lui, je me demande. Je sais pas. Et en plus, il n'y a pas Moebius pour travailler sur le projet, là. Mais ouais, bah, il y avait Moebius, il y avait les Stones, les Beatles, Pink Floyd. Enfin, pour moi, le Dune de Rodorowski, je regrette vraiment qu'il ne soit pas fait. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a même pas Giger qui a été approché pour ça. Enfin, c'est de la folie. C'est-à-dire, derrière, tu mets un réalisateur bankable sur un projet comme ça avec ce qu'il y avait derrière, tu dis, mais waouh, vas-y, fais-le. C'est ça. Alors, Rodorowski, dont j'ai appris par un ami que de temps en temps, dans un bar parisien, je ne sais plus lequel, il fait des lectures, parce qu'il tient les cartes de tarot et il fait des lectures à des clients. Comme ça, il se pose à une table. Et après, tu vas me dire qu'il n'est pas sous coke. Il est mystique. Alors, nous avons cité son nom. On va quand même lui rendre hommage, puisque aujourd'hui, ça fait exactement 6 ans que Jean Giraud nous a quittés. Donc, Moebius. Ouais. Ça fait 6 ans aujourd'hui que l'auteur est décédé. Ça fait tant de temps que ça. Ça fait déjà 6 ans. Ça fait déjà 6 ans. Ça passe vite. On a perdu ce grand monsieur de la bande dessinée française. Oui, bah, je l'ai partagé d'ailleurs, l'information. Ouais. Donc, petit hommage à Jean Giraud. Bah, il a apporté beaucoup à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il a apporté au cinéma, il a apporté à la bande dessinée, il a apporté finalement aussi aux jeux vidéo parce qu'il a inspiré beaucoup de personnes sur des univers justement un peu différents. C'était quelqu'un vraiment un passionné. Au style auquel il a participé, finalement, donc à la SF en général, voilà. Et justement, c'est là que ça, justement, ça a transpiré dans beaucoup, beaucoup d'œuvres. Il avait beaucoup d'amour pour la pop culture en règle générale. Il avait déjà dit qu'il était né, pour lui, il était né à la mauvaise époque, il aurait voulu naître plus tard. J'ai vu donc beaucoup de visuels de 2049, le... Blade Runner. Blade Runner, et pour moi, il y a des trucs, pour moi, c'était du Moebius. C'est-à-dire, s'il n'avait pas été là, je me demande si les scènes auraient été comme ça. Bah, même le premier, Blade Runner, il n'aurait pas été comme ça s'il n'y avait pas eu Moebius. Ah oui, non, c'est... C'est efficace. C'est ça. Bon, alors après, d'ici que le podcast soit monté, ça fera probablement 7 ans hein, qui sera Putain. Allez, news suivante. News dire des suivante. Conneries. Alors, une news un peu triste. Star 80 a bidé. Enfin, la Star 80, la suite, parce que le premier avait bien marché. C'est à cause de la censure, ça. C'est à cause de la censure, c'est à cause alors, que les gens, ils aiment pas une petite blague pédophile quand... Ah, ça va! La France, couche, franchement! Un mec qui couche avec des ados c'était... qui fait une blague pédophile, c'est drôle quand même! Oh hein. La vache! Et puis niveau musique, attention! Et ça a mis son producteur Thomas Longman quasiment en faillite, enfin pas tout à fait en faillite, mais il a mis ses deux sociétés, La Petite Reine et La Petite Reine Production, en procédure de sauvegarde. Donc j'imagine que tu saurais mieux nous éclaircir sur ce que c'est exactement, non? Moi? Là, je pensais que t'étais à peu près. Ah non! Calais, non? D'accord. La procédure de sauvegarde, non, je ne sais pas ce que c'est. Non, je me disais que c'était toi qui avais le plus de chance de t'y connaître un peu là-dedans. Ah non, non, du tout. Et toi, t'en as... T'aurais pu te renseigner avant de faire ta news, merde. Et toi, t'en as pas eu avec ta boutique? Non, pas encore. Peut-être bientôt, mais pas encore. Non, procédure de sauvegarde, c'est pas un truc justement pour essayer d'éviter que deux lieux soient saisis. Alors, ce que j'en sais, je sais pas le détail, mais apparemment, il y a trois étapes avant d'arriver à la procédure de mise en faillite, et la procédure de sauvegarde, c'est la deuxième. D'accord. Mais visiblement, il s'est mis volontairement dans cet état-là parce que c'est quelque chose qui est censé aider les sociétés à se redresser. Il va peut-être mettre en vente des obligations, donc, ou des choses comme ça, j'en sais ouais, pas. Ouais, probablement. Mais donc bon. Ça a bien pué, quoi. C'est... Enfin, les trucs qu'il produit dernièrement, Thomas Longman, c'est quasiment que des bides ou alors des succès très très très modérés, donc je vois pas qui voudrait de ça. Quelqu'un qui y croit, je sais pas, qui croit encore au Père Noël, j'en sais rien. Mais bon, du coup, il est peut-être temps de lancer Star 90 et de renouveler tout ça, de moderniser. Star 80 10 ou Star 90? Non, Star 90. avec. On a des stars dans les années 90 en France. Il y a Corona, il y a Ace of Base. Qu'est-ce qu'il dit? J'allais dire il y a MC Solar, mais lui c'est bien ce qu'il fait. Ouais, ah, oui. Non, ouais, genre, il y a Goldman. Goldman. Ouais, mais lui, il est temps de 90. Leur sortir de la naphtaline, lui. Ouais, c'est toutes les années, Goldman. Voilà, c'est pour ça. Ouais, mais c'est 90 où il y a le plus d'actifs. 90. Ouais. Faudra vérifier, mais. Non, 90, il y a eu Nirvana. Ouais, mais bon. C'est pas très... Qui a créé toute une période. Si, après, derrière, ça a créé des ambitions. Donc... Ouais, je crois qu'il se porte mal, Nirvana. Bah, Kurt Cobain, pas bien. Mais sinon, j'entends dire qu'il allait pas très bien. Ouais. Mais sinon, il y a eu aussi, du coup, Foo Fighters. Qui est beaucoup plus cool. Je ne connais pas. Ah bah, je te conseille. Et bon, après, la question d'Islam, c'était... Est-ce qu'on a Star 80, est-ce qu'on a des stars France, françaises c'est ça. Ouais. Ah, les stars françaises hein. C'est Cobain oui, ouais, parce que ça. Foo Fighters, dans le film, je sais pas s'ils accepteront. C'est vraiment en musique des années 90 en France. Je crois que... Indochine Robert Miles. C'est avant. Non, j'ai colle. J'en ai ou pas Indochine, c'est Indochine. Indochine aussi. Après, il y a des 90 aussi. 90 aussi. Téléphone, c'est 80 aussi. Ouais, c'est 80. Ouais. Ouais, Trust aussi. Tout ce qui a été bon, c'était avant 80. Trust aussi, c'est années 80. C'est des cas... Bref, ouais, ouais, ouais. Un projet à développer. Gros potentiel. Je suis sûr que vous pouvez ressortir plein de... Francky Vincent, c'est les années 90. Ah, je sais pas. Alors là, ce coup-ci, je me barre. J'ai envie de te balancer mon café brûlant dans la gueule. Depuis qu'il a fermé son restaurant. Au moment de le lancer, en fait. Daft Punk. Ouais, mais je me demande si c'est pas que leur... Ah non, c'est 94, 99, ils sortent un album tous les 5 ans. Ouais, ouais, Daft Punk. Donc voilà, c'est Daft Punk, ça va. C'est français, ça. Ouais, mais eux, pareil, ils sont talentueux, donc ils peuvent pas. Ouais. Ils seront refusés au casting. C'est triste. Bref, bon courage pour développer ce projet, je suis sûr que vous trouverez plein de ringards dont on connaît pas les noms. News suivante, on va l'expédier rapidement. Suicide Squad 2. Ah voilà, j'ai résumé. Donc, c'est Gavin O'Connor qui a réalisé Warrior, Jane Got a Gun et Mr. Wolf. Donc, j'ai entendu parler des deux derniers sans les avoir vus. Qu'il réalisera. David Ayer travaillant sur. Bah, il est allé ailleurs. C'est ça. Il est allé chez Netflix pour travailler sur Bright 2. Qui va être une sombre merde comme le premier. C'est ça, et après on me dit que c'est bien de s'abonner à Netflix. Bah, aucun rapport. Tu peux citer plein de trucs de bien sur Netflix. Oui. C'est... Hein, c'est pas toi qui t'es masturbé sur Oja quand c'est sorti? Si, mais ils ont juste distribué. Bah oui, alors c'est quand même sur Netflix. Oui, mais je crois que Bright... Et tu l'avais comment en fait, Oja? Bah... J'ai squatté le compte de quelqu'un. J'aurais bien aimé le télécharger illégalement, hein, j'aurais préféré. Mais je l'ai pas trouvé. Tu me déçois. Mais si j'avais eu le choix, je l'aurais téléchargé illégalement, j'aurais préféré. Mm-hmm. Si tu veux, je l'ai en 144p, c'est génial, c'est une expérience. Tout refait en pâte à modeler. En fait, c'est la version Asylum qu'il a. avec de l'odorama. C'est ça. Je me mets à côté de toi et je pète tes jambes. Suicide Squad 2, ça fait Okja, sens. Okja, c'est un requin géant chez Asylum. Il finit par bouffer la gamine. Shark Okja. Suicide Squad 2, c'est finalement produit par Asylum, ça le ferait. Hein. Ah, putain. Ça aurait du sens. Ouais. Ça aurait du sens. Ouais, ce serait pas beaucoup moins bien, hein, je pense. Et pourquoi je vois le pourquoi je vois Quentin Tarantino dans ta news Suicide Squad 2 Parce qu'il faut attendre la fin du tournage du prochain, Tarantino. Il y a Margot Robbie dedans. Ah. Elle joue Sharon Tate. Ah oui, c'est vrai. Après, visiblement, le prochain Tarantino, il est toujours en cours, mais d'ici que ça s'arrête, vu les problèmes qu'il a eu dernièrement. Oui. C'est affreux pour cette actrice. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se rappellera surtout qu'elle a été une Harley Quinn. Une Harley Quinn minable. Voilà, non, je sais ce quoi. Pourtant, je pense que c'est une bonne actrice. Ce serait bien qu'elle fasse rapidement ça. C'est ça que je trouve triste pour l'instant. C'est que pour l'instant, les gens la connaissent pour ça. Et ouais. Du coup, merde, elle fait d'autres trucs à côté. Allez, Sam, ta dernière news. Alors, non, il en reste plusieurs. Oh merde. Déjà, bonne nouvelle concernant James Bond, il semble de plus en plus sûr que ce soit Danny Boyle qui le réalisera. Enfin, bonne nouvelle pour les gens qui aiment James Bond. Et Danny Boyle. Oui, c'est vrai. J'ai souvenir que t'aimes bien Danny Boyle. Oui, mais j'aime bien James Bond aussi. Oui, voilà. Je le signale quand même. Alors, visiblement, il a juste mis deux conditions à ça. La première, c'est que son script soit accepté, soit validé. Et qu'il y ait des zombies. Et la deuxième, c'est en fait, il veut qu'on lui laisse, avant de commencer le tournage du James Bond, il veut réaliser son projet de comédie musicale qui s'appellera All You Need Is Love. Donc en gros, il enquillerait les deux tournages. C'est vraiment, il dit je tourne All You Need Is Love là, et à la fin de l'année, j'attaque le Bond. Et donc, du coup, le Bond, pas avant 2020. Et ce sera encore Daniel Craig. Probablement pas avant. Oui, ce sera le dernier Craig même. C'est, je sais pas. Parce que c'est officiel, ce sera encore lui. Oui, ce sera encore lui, ce sera son dernier. Ok. Mais c'était pas censé être son dernier, le dernier. Si. Et le dernier d'avant, c'était pas censé être son dernier. Il y a eu des discussions. Oui. Il y a eu une petite augmentation sur le chiffre. Bon, tu veux combien de zéros sur ton chèque? Voilà. Après. Des zéros avant la virgule, tout de même. Moi, ça me va qu'il en refasse un, j'aime vraiment bien. Parce que après la virgule, bon, pas grand intérêt. Oui, ça sert à rien, en effet. Mais bon, c'est vrai que tous les noms qu'on annonce pour succéder à Craig me plaisent plutôt bien. Idriss Elba, oui. Idriss ouais, bah, c'est ça. Bourville, Fernandel, He's back. Jean Rochefort en James Bond, ça aurait fait quelque chose d'assez spécial, mais peut-être que ça aurait été plaisant. Vraiment pendant, spécial. Pendant une période, celui qui est le français qui était, qui était évoqué en James Bond, je crois que c'est à l'époque où Timothy Dalton a été pris, c'était Lambert. Enfin, Lambert Wilson, pardon. Ah oui, c'est parce que Christophe Lorger, j'ai eu un moment de. Lambert Wilson. Lambert Wilson. Très bon James Bond, je pense. Il a vraiment le flegme qu'il fallait. Acteur sous-exploité qui a été payé, mais vraiment une misère dans pas mal de films, Lambert Wilson. Ouais, après, il a été payé une misère dans pas mal de films, mais sous-exploité, je dirais pas. Il a quand même joué pour de grands réals, il a joué chez Rainer et compagnie. Ouais, mais. Il a plein de films où il brille. N'oublions pas Gérard Jugnot. En James Bond, Michel Blanc, Gérard Depardieu. Oh, ma couille, je suis un 007, ma couille. Michel Leb. Michel Leb qui prend des accents à chaque fois qu'il va dans un pays. Oh non. Genre, bien sûr, tu le fous en Chine, tu le fous en Centrafrique, tu le fous. Tu te démerdes. Oh, t'as pris un secret, Rio de Rio. 007, en service de Sa Majesté. Il va avoir de la coupe dans cet épisode. À l'exception française. Putain. Finalement, à côté, mon Depardieu James Bond, ça colle bien. Non, mais à chaque fois, James Bond, j'ai l'impression que ça succède à un James Bond un peu dandy, un peu cool. Là, pour le coup, il faudrait vraiment James Bond Connery, Roger anglais, Moore ou Brosnan. Et un James Bond plus dur, comme l'ont été le deuxième, dont j'oublie toujours le nom, Timothy Dalton et Daniel Craig. Donc là, le prochain, normalement, sera un peu, on reviendra à quelque chose de plus élégant. Quelque chose d'anglais. Donc, ouais. Un Idriss Elba collerait parfaitement. Idriss Elba collerait parfaitement. Ah, parce qu'il est vraiment dur, Craig, quand même. Je trouve qu'il a vraiment tranché dès qu'il est arrivé. Bah, c'est plus proche de l'œuvre originale. Ouais. Ouais. Pour le coup, c'est un James Bond plus humain aussi. Parce qu'il a vraiment des réactions humaines, quoi. Mm-hmm. Alors qu'il est hyper froid, moi, c'est ce qui m'intéresse chez Craig, ce mélange-là. Et Craig, bah, c'est un putain d'acteur aussi. Ouais. Bon, par contre, toujours pas de nouvelles d'un nouveau film SAS. Voilà. Désolé de vous l'apprendre. Ça me rend triste. Craig, il est pas dégueulasse, quoi, quand même. Bah oui. Oui. Et donc, on va finir ces news-là sur, pour pas y couper, un petit compte-rendu des Césars et des Oscars. Alors, les Césars, c'était la mort. On va commencer. J'ai regardé aucune des deux cérémonies. Moi non plus. J'ai même pas suivi ce qu'il y a eu. Je sais qu'il y en a eu un pour la forme de l'eau, mais après... On va commencer par les Oscars, justement. Alors, des Oscars qui ont été assez diversifiés. La forme de l'eau a 4 récompenses. Ah, il y a 4 récompenses. Meilleur film, meilleur réal pour Del Toro. Meilleure musique. Meilleure musique pour Alexandre Desplat. Et qui ne méritait peut-être pas... Enfin, vu qu'il avait que des merdes à côté de lui, si, il le méritait, mais... Voilà. Il ne méritait pas. Et meilleur décor, direction artistique. Mais ça, c'est le problème des récompenses. De toute façon, une année où il n'y a que de la merde et qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon, forcément. Ouais. Ouais, et puis des fois. Et alors, des fois, c'est l'inverse, ouais. Des fois, on a l'impression qu'il file un Oscar en se disant, ouais, celui-là, pour sa carrière, il aurait dû mériter. On va lui donner là. On va lui donner là parce qu'il ne l'a pas eu et puis ça fait chier. Oui, c'est ça. Ouais. L'autre Oscar avait obtenu, enfin l'autre film avait obtenu plus de 2 Oscars, c'est Dunkerque, mais c'est 3 Oscars techniques. Montage son et mixage son. Donc, montage son et mixage son, pour moi, il les mérite parce que c'est vrai qu'il y avait un travail sur le son quand même. Ouais, j'ai pas vu Dunkerque. Pas vu non plus. Bah, il y a un travail sur les sons de guerre et sur l'inclusion de la. Alors là, je fais un signe de guillemets musique, n'est-ce pas, Hans Zimmer. Il avait pas fait l'unanimité, non, le film. Ça sert à rien en fait. C'est, pour moi, c'est vraiment le film qui révèle à quel point Nolan est péteux. C'est plutôt que de te raconter une histoire de guerre de manière classique et de faire un truc qui soit vraiment touchant, dans lequel tu puisses vraiment être impliqué, ils se sont obligés de faire un truc narrativement très compliqué, mais qui ne sert à rien dans le contexte et qui surtout ruine toute possibilité de s'impliquer dans le film, je trouve. Ouais. Ça, il se passe sur 3 temporalités différentes. Pour un personnage, ça se passe sur une semaine, pour un autre sur une journée, et pour le dernier sur une heure, mais c'est, il utilise un montage alterné. Ça n'a aucun sens dans le contexte, ça n'apporte rien, à part une fausse complexité pour ce que Nolan, monsieur Nolan est incapable de faire un scénario simple. Je vois, ouais. Mais voilà, du coup, je suis content qu'il ait que des récompenses techniques, pour ce qu'il ne mérite pas plus. J'ai beaucoup aimé Inception. Inception est quand même compliqué pour rien, par beaucoup d'aspects. Ouais. Et sinon, plusieurs films ont reçu 2 Oscars. Coco, Blade Runner 2049, Les Heures Sombres et Three Billboards. Mais voilà, donc c'est une cérémonie assez diversifiée pour le coup. Les Coco, Oscars, il a reçu quoi? La meilleure film d'animation. Alors, meilleur film d'animation et meilleure chanson. Ah ouais, ouais, la chanson était cool. Moi qui déteste ça, ça va. Après, Coco, c'était les films d'animation qu'il y avait en face. Ferdinand, quoi. Baby Boss, quoi. Super. Ouais, j'avoue. Voilà, il n'y avait rien de très brillant en animation. Enfin, il y aurait eu des films probablement dans l'animation asiatique. Mais bah voilà, ils peuvent être nominés. Bah oui, ils peuvent. Ah, oui. Ils peuvent. Bah oui. Oui, c'est vrai, mais ils le font jamais. Parce que Chihiro l'a déjà eu. Ouais. Donc oui, pour la catégorie film d'animation, ils s'en foutent de l'origine du film en fait. Par contre, au niveau des Césars, c'est plus fermé à ce niveau-là. Alors que. Et donc oui, la même année que Coco, il y avait Silent Voice et Your Name, quoi. Je ne pas dire, mais bon. Alors, Silent Voice, je l'ai toujours pas vu, mais comme le manga est génial. Et voilà, c'était quand même. Your Name, quoi, c'est tout. Rien que ça, tu t'arrêtes là, quoi. Faut admettre. En face, c'était de la sombre caille, quoi. Agnès Varda a reçu un Oscar d'honneur. Et je trouve ça cool. T'as signalé le meilleur scénario original pour Get Out? Oui. Non, effectivement, meilleur scénario original. C'est le seul qui l'a reçu. Mais meilleur scénario original pour Get Out. Voilà, c'est en fait que le film méritait un Oscar. Et oui, le film est super bon. Voilà, quoi, merde. Je l'ai pas vu, donc. Moi non plus. Pour le coup, l'acteur principal méritait aussi un Oscar du meilleur acteur. Parce que après, j'ai pas vu les autres films où il y avait un duel pour cet Oscar-là. Mais... C'est Gary Oldman qui l'a eu, je pense que. Dans lequel Pour Les Heures Sombres. Ouais, du coup, à mon avis, Gary Oldman, c'est plutôt un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Quoi. C'est ça. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il le méritait quand même. Donc voilà, on va dire que c'est pas injustifié, je pense. Gary Oldman, qui d'ailleurs a l'aspect du commissaire Gordon quand il est dans la vie normale. ce qui me fait à chaque fois rire. Et il est facho comme le commissaire Gordon ou... Ça dépend qui écrit le commissaire Gordon. Ouais, c'est ça. Si c'est Frank Miller, c'est. Ah oui, c'est Captain Facho. Ah, c'est Captain Facho 2000. Captain Facho 2000. Attends, Batman, c'est Captain Facho aussi chez Frank Miller. Hein. Bah, après, Batman en général, c'est quand même Captain Facho de base, quoi. Ouais, je serais curieux de voir un Batman par Alan Moore. Je sais pas s'il en a déjà écrit. Ça me dit ça rien. Pourrait être vachement intéressant sur la position de Vigilante. Il a déjà écrit du Superman, Alan Moore. Mais je crois pas qu'il ait déjà écrit du Batman. Faudrait qu'on regarde. On vérifiera pendant la pause. Parce que, ouais, Superman a moins le côté facho, donc. Je comprends qu'Alan Moore puisse en faire, mais sur du Batman, ça serait vraiment une confrontation intéressante. Mmh. Et les Césars, alors là, c'est beaucoup moins diversifié comme d'habitude avec les Césars. Ah bah. On commence avec 120 battements par minute, qui a reçu le César du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle pour Antoine Reinhardt. Je suis désolé pour la prononciation des noms. Meilleur espoir masculin pour Nahuel Pérez Biscayart. Meilleur scénario original pour Robin Campillo. Meilleur montage. Et meilleure musique originale. Ça, j'y reviens dans une musique, c'est un scandale. Et meilleure reprise politique pour Pécresse. Et Au revoir là-haut a reçu 5 récompenses. Meilleur réalisateur pour Dupontel. Meilleure adaptation pour Dupontel et Le Maître. Meilleur décor, meilleur costume, meilleure photographie. Donc à eux deux, ils ont la moitié des récompenses en gros. Punaise. Alors, c'est souvent le cas quand même dans les Césars. Ouais, c'est souvent le cas dans les Césars. Et dans les Césars, c'est quand même souvent du cinéma prout-prout quoi, qui est. Ouais, bah au revoir là-haut. C'est pour ça que je suis content que au revoir là-haut. C'est le changement du truc. Pour moi, au revoir là-haut, c'est Dupontel qui triomphe du système. C'était, il est resté pendant 30 ans en marge, entré petit à petit. Et là, maintenant, il fait son film qui est éligible au César, mais ça reste Dupontel à fond, quoi. Pour moi, c'est Dupontel qui fait des gros fucks depuis 30 ans et qui a réussi à gagner. Des gros fucks. C'est, donc, je suis vraiment heureux qu'il ait été récompensé comme ça parce que c'est un film magnifique. Alors, j'ai pas vu 120 battements par minute. Il paraît que c'est très bien. Il paraît que c'est très bien joué. Donc, j'imagine qu'il mérite sa récompense. Par contre, j'ai écouté la musique et non. Meilleure musique originale, mais juste non. C'est dans le contexte, ça marche probablement parce que ça fait musique pourrie de boîte de nuit obscure des années 90. Eh ben donc, c'est vraiment, il y a vraiment toujours la même rythmique un peu nulle avec les mêmes synthés moisis. C'est le genre de truc que tu trouves sur internet, tu sais, les mecs qui font la musique eux-mêmes. Donc elle est nulle, la BO. Cortex. Il la mérite pas, surtout quand à côté il y a justement. Oui. C'est ça. Surtout quand à côté, il y a justement Norman. Au revoir là-haut qui avait une BO super ambitieuse, une des plus ambitieuses que j'ai entendue depuis longtemps dans un film français. Ah bah les producteurs de Dupontel n'ont pas assez payé. Tu veux et puis il y avait aussi, les musiques de Grave qui auraient pu. Bah Grave n'a rien eu, mais Grave c'est un film d'horreur. Pourquoi tu veux que Grave soit récompensé? Alors Grave, j'ai cherché la musique sur internet, j'ai pas réussi à trouver la BO. Ils ont rien eu, Grave. Alors qu'ils ont été nominés dans beaucoup de catégories. Les musiques étaient vraiment très prenantes. Et du coup, bah oui, je l'ai cherché parce que justement j'aurais bien aimé l'écouter, mais je l'ai toujours pas vu dessus. T'as pas noté combien il y a eu de nominations pour Grave, qu'il a été nominé dans quasiment toutes les catégories. Il a rien eu. Bah non, c'est un film d'horreur, pourquoi vous croyez c'est un scandale. Attends, c'est un film d'horreur et c'est un film franco-belge. Bah non, tu peux pas. Il y avait qui au jury des. Tu sais, il y a une centaine de personnes au jury, donc je saurais pas te dire. L'Académie française. Ouais, mais tu sais, les 10 personnes qui montent tout le temps comme ça chaque année, là, il y avait. Je saurais pas te dire. Tu saurais pas te dire. Alors je sais qu'il y a un mec sur Twitter qui s'est amusé à un des mecs du jury justement, qui avait reçu la box avec tous les films, donc environ 160 films qui avaient une nomination quelque part au César, ouais. Et qui les a tous regardés en 21 jours en commentant sur Twitter. Après, ses avis étaient souvent très, très bourrins, que ce soit dans le positif ou le négatif, je trouvais que des fois il était dans le lynchage vraiment cruel. Avec lesquels notamment ? J'ai plus en tête, mais il y a notamment un film où en plus la réalisatrice lui avait fait savoir qu'elle le suivait sur Twitter, et il a dit que c'était de la merde, qu'elle devait retourner prendre des cours de cinéma, enfin voilà, il y a un moment... Il y en a, ils se rendent pas compte, même si c'est de la merde, il y a un humain derrière quand même. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, tu dis c'était une expérience intéressante. C'est ça. Mais l'expérience lui avait permis de montrer que si t'avais pas un mois complet devant toi ou pour passer tes journées à regarder les films, en fait, tu pouvais pas tout voir. Oui, ils ont pas assez de temps. Les jurys jugeaient sans connaître. Oui, ils ont pas assez de temps pour te regarder. Mais il y a eu beaucoup. Il y en a un qui avait il y a les commentaires qui avaient été pris justement de personnes, notamment le film d'animation, concernant les films d'animation au niveau des Césars. Non, au niveau des Oscars. Sur le fait qu'effectivement, il y en a qui disaient, bah ça je l'ai pas vu, j'ai plus 6 ans. Ça, oui, donc non, au niveau des Oscars. Au niveau des Oscars, d'accord. Au niveau des Oscars, César, il n'y en a pas de César. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui sort. Ah oui, oui. Parce qu'en France, on est encore pire. Mais il y avait eu ça pour le meilleur court-métrage en France une année. Je crois qu'il y avait une personne dans le jury qui avait regardé une partie des courts-métrages. Mais ça, c'est comme beaucoup de jurys de beaucoup de festivals. J'allais dire festivals, non, de festivals. Non, non. Mais. Souvenons-nous, c'est comme les corails. Souvenons-nous, il y a quelques années, Festival d'Angoulême, où il y a quand même un des jurys qui a entendu un autre jury dire qu'il a jamais lu du Alan Moore. Quand t'es dans un jury de bande dessinée et que t'avoues que t'as jamais lu d'Alan Moore ou même d'Otomo, bah rentre chez toi, quoi, t'as rien à foutre là. T'as jamais lu, ça veut dire que t'as jamais lu les Watchmen, t'as jamais lu Akira, mais qu'est-ce que tu fais là, gars? Alors que t'es dans un jury de bande dessinée internationale, et qu'en plus cette année, bah, il y avait du Alan Moore et du Otomo en compétition, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, gros? Là, ou sinon, qui spécialise les jurys? Ouais, non, les trucs très cons, hein, ils spécialisent les jurys justement sur les personnes qui connaissent, qui ont vu, qui ont machin. La spécialisation, c'est fait pour la sélection, pour la présélection, enfin pour les Oscars, c'est comme ça que ça marche. Oui, mais justement, ils soumettent. Spécialisés ce coup-ci pour après. Donc, petite explication sur le fonctionnement des Oscars. Ils soumettent, genre, ils appellent des mecs spécialisés dans le son, ils leur soumettent des films, et ils disent vous nous donnez les 5 meilleurs films qui font le meilleur son parmi tout cela. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui, justement, ça devrait même être ceux-là qui choisissent. Oui, mais non. Par exemple, un truc du coup, ils font que leur présélection. Ou meilleur montage, même meilleur montage, j'aurais beaucoup de mal à le jouer. Oui, bah je suis d'accord. Mais je suis d'accord, hein, je dis pas le contraire, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour expliquer le fonctionnement. Et ouais, c'est des spécialistes qui font la présélection, mais après, c'est des bolos qui font là. Donc, ouais, il y a eu le scandale autour de Grave qui a rien gagné. Après, encore une fois, je l'ai pas vu, donc si ça se trouve, quand je le verrai, je dirais bah il mérite rien. Je serais peut-être d'accord. Ouais, oui, c'est possible. C'est pas parce que c'est un film de genre que c'est forcément bien. Oui, mais on peut quand même au moins constater que les films de genre bah, repartent toujours avec que dalle, quoi. Ouais, mais déjà il y a des nominations. Dans l'ensemble, oui, ils ont même pas ça. Bon, allez, on te nomine, hein, c'est bon. Ah, et dans l'ensemble, ils ont même pas ça, donc peut-être que dans 100 ans. Oui, est-ce que là, ils l'ont pas nominé parce que bien avant, on commençait déjà à les insulter à base de mais il y a jamais de film de genre dans vos sélections. Ou alors c'était pour faire chier les vegans. Tu vois, il faut être lucide. Est-ce que Get Out aurait eu un Oscar s'il n'y avait pas eu le hashtag Oscar All Man White? Oui, tu vois, est-ce que les Oscars lui auraient filé un Oscar s'il n'y avait pas eu cette polémique avant? Bah, je ne crois pas. Dans ce style-là, il y a des acteurs et actrices dont le nom que je retrouve, c'est Frances McDormand, qui signent dans leur contrat une clause d'inclusion maintenant. C'est-à-dire dans les scènes où il y a plusieurs personnages, où il y a des figurants, et où il n'y a rien scénaristiquement qui justifierait que tous les figurants soient d'un même, que toutes les personnes soient d'un même genre ou d'une même couleur de peau. Dans ce cas-là, une clause dans le contrat de l'acteur spécifique qu'on doit choisir des figurants très diversifiés. Ouais. Ouais, pour que ça amène de la diversité sur les plateaux. Pour permettre l'inclusion, voilà. Je trouvais ça intéressant. Bah, et puis même, c'est ce qui devrait être fait de manière naturellement, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est pas le cas. Mmh. Si je peux rebondir d'ailleurs sur ça, sur une news qui colle un peu au truc. Il y a un film là qui va sortir avec Alexandra Lamy et oh non, c'est bien. Et Franck Dubosc, tu vois, ça commence bien. Oh, c'est celui où il est handicapé, où il fait semblant d'être handicapé. Ouais. C'est le premier film réalisé par Franck Dubosc, attention. Et alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il a répondu à une personne handicapée qui demandait pourquoi c'est pas joué par une personne handicapée. Ah oui, c'est elle qui lui a dit ça. Ouais. Et là, Franck Dubosc qui a répondu parce que c'est un métier. Acteur, c'est un métier. Oui, mais bon, des acteurs handicapés, il y en a probablement. Voilà, oui. Mais là, c'est, je veux dire, à mon avis, il aurait dû un peu plus développer, parce que c'est loupé, là. Il aurait même dû fermer sa gueule, carrément. C'est fermer sa gueule ou développer, mais... Ça, c'est comme... C'est quelque chose. Ça, c'est comme le film de merde avec Dujardin, où il joue un nain, alors que non, t'es pas un nain, connard. Prenez un vrai acteur nain pour le faire. Je me souviens plus ce qu'a dit Alessandra Amy, elle a sorti aussi des conneries. Elle a dit à peu près la même chose. Voilà. Elle disait qu'une personne handicapée pouvait pas assumer le rôle d'acteur, donc elle prenait la place... Mais qu'en même temps, elle faisait ça pour dénoncer que, mais en fait, c'est le sarcophisme la queue, ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. S'il y avait eu un casting et qu'au terme d'un casting, il s'était révélé que Alexandra Lamy, en n'étant pas handicapée, jouait mieux que. Enfin, ça peut arriver, ça, je pense. Oui, mais le problème, c'est que je pense que. Voilà, ça... Oui, mais on sait pertinemment que non. Enfin, voilà. Donc, s'il n'y a pas eu de casting. C'est ça. Donc voilà, c'est. La France avance. En marche. Alors, sinon, mais doucement. En parlant de Grave, va y avoir la version de Grave avec Christian Clavier. Hein, c'est plus ou moins la même chose. À savoir, il jouera un boucher dont la fille révèle qu'elle est végane. Ah oui. Voilà, donc c'est presque comme Grave dans la thématique. C'est mais vrai. Avec Christian Clavier. Moi, j'attends le film, un jour, un film où il découvre que sa fille est antiraciste. De toute façon, ça fait très longtemps que c'est Grave, hein, Christian Clavier. Aïe, aïe, aïe. Ok. Non, sinon oui, pour revenir rapidement à la musique, de toute façon, c'est un César très problématique depuis très longtemps. Il y a une année, c'était, je crois, Le Concert qui avait obtenu le César de la meilleure musique. Le compositeur avait même pas fait 10 minutes de musique originale, en fait. Et même lui, on sentait qu'il était mal à l'aise en allant chercher son César. Hein. Que c'était juste la politesse qui l'empêchait de dire, mais je mérite pas ce truc-là, quoi. C'était un bon compositeur, je sais plus qui c'était, mais c'était un bon compositeur, mais pas pour celle-là. Quoi. J'imagine tellement un jour un artiste prendre son César et dire « Et moi, je remets ce César !» C'est quand il a rien à foutre, qui dit « Non, non, c'est pas moi, bah, c'est lui là. Pour moi, les meilleurs, c'est ceux qui s'y rendent même pas. Ceux qui vraiment sont contre ce système-là et qui n'y vont pas, tout simplement. Même s'ils sont nominés ou quoi, quoi. Mm. Ça batte les couilles. Mais je suis très content pour Del Toro. C'était rigolo d'ailleurs la vidéo quand il, oui, enfin, quand montré, il obtient, oui, son Oscar. Il y avait là. Eu le, comme il y avait eu le Micmac l'année dernière où ils avaient. La lampe, ouais, voilà. Il a gardé sa enveloppe. Du coup, il a regardé l'enveloppe d'abord. Avant de prendre son Oscar, il a regardé l'enveloppe. Il a eu un grand sourire. Et il a montré l'enveloppe à tout le monde. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, tu l'avais pas vu, je l'avais montré. Mais Del Toro, il est génial. Est-ce qu'on a fini avec les news, Issam, parce qu'on est en train de se transformer en émission de news? Bah, deux derniers petits trucs pour finir sur les Césars. Petit paysan en a eu 3. Meilleur acteur pour Swan Arlo, meilleure actrice dans un second rôle pour Sarah Giraudot et meilleur premier film pour Hubert Charuel. Et il y a aussi la problématique du César du public. Voilà. Donc, en gros, le film qui fait le plus d'entrées de l'année, c'est un nouveau César. C'est mis en place cette année. Et c'est Danny Boone pour Red Dingue. Bon, allez, vas-y, c'est bon, allez. Et il y a de fortes chances que ce soit de nouveau Danny Boone qui l'obtienne cette année avec La Ch'tite Famille. Et spoiler alerte, il y a de grandes chances que l'Oscar du public, que le César du public soit toujours un film de merde. Ouais. Oui, parce que là, cette année, c'est soit La Ch'tite Famille, soit Les Tuches 3. Moi, je dis Les Tuches 3. Ouais, les Tuches 3, ouais. Il y a Aladdin qui arrive aussi. Ah non, pas celui-là, alors c'est bon. Les Tuches 3. Pour le coup, ce serait rigolo qu'il fasse un César du public international. Tu sais, les films étrangers plus vus par les Français. Ça pourrait être rigolo, du coup. Ouais, enfin, sachant qu'à chaque fois, c'est un film américain, quoi. Oui, mais du coup, tu verrais la différence entre le public prout-prout français et le public qui va voir de tout. Ouais. Tu vois ? Et tu verrais la grosse différence, quoi. Enfin, ce serait un film de super-héros à chaque fois. Pas forcément. Ce qui serait marrant, c'est que le film, le public, ce soit vraiment un gros film de merde. Mais vraiment, le truc qui tâche, le truc qui... T'en as honte, quoi. T'as honte de dire, en France, on a fait ça, et ça, ce serait magnifique. Il y a des chances que ce soit le cas cette année. Parce que si c'est la 2... Là, ce serait vraiment magnifique. Après, tu vois, tu me dis, il y a de grandes chances que ça soit toujours un film super. Ouais, bah, pour le prix du public, c'est de grandes chances que ce soit toujours une comédie pourrie, quoi. Ah oui, je dis pas le contraire. Donc voilà, tu vois, c'est pareil, en fait. Ouais, je dis pas le contraire. Et comédie pourrie, un peu raciste. Voilà, je rajoute. Et je pense que ce serait pire si c'est Les Tuches 3 que La Ch'tite Famille. Parce que La Ch'tite Famille, c'est pourri, mais je pense que ça reste dans son petit truc, dans son petit délire sympatoche. Mm. Alors que Les Tuches, c'est vraiment. Et ce serait encore pire si c'était à la 2. Oui, ça gagne, alors je serais mort de rire. Non, mais en fait, pour faire un prix comme ça, il faudrait déjà, oui, que ce soit international, et qu'il y ait une sorte de système de... Enfin, que ça prenne pas en compte que le nombre de spectateurs, que ça prenne aussi en compte les critiques, il faudrait trouver une sorte de calcul à faire autour de ça. Non, mais même ça, c'est pas fiable. Ah, c'est pas fiable, mais ce serait déjà mieux. Disons que le truc, c'est ça serait obligé de passer par un site internet où les gens... Ben voilà, c'est ça qui serait mieux, en fait. Ça serait de donner vraiment, laisser le public vraiment voter, pour le coup. Parce que, de toute façon, ça permettrait d'avoir vraiment l'information telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, le graphique serait déjà là, et tu dis, c'est celui-là. Mais après, le souci, c'est que ça serait quand même basé sur les sorties ciné. Ouais. Parce que un film, le temps que ça sorte en DVD, t'es déjà à l'année suivante, quoi. Non, c'est 3 mois la sortie DVD. Ouais, maintenant, c'est quand même pas mal raccourci maintenant. Donc, Non, mais voilà. Ouais, en passant par un système de site, on pourrait. C'est ça, je pense. Même ce serait truqué comme les élections, ça. En interdisant à fan de coach de s'inscrire pour le vieux complotiste. Red dingue. Le vieux complotiste, ouais, ce serait truqué. En plus, la terre est plate, alors. Quel cadeau absolu. En plus, vu que la terre est plate, et ben on peut trucher facilement. Ça va être dingue qu'il gagne le César. Et je vous rappelle que Coluche a été écrasé par un cas. Par les reptiliens. Coïncidence. Par les reptiliens. Par les reptiliens qui pensent que la terre elle est plate. C'est un complot sioniste. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les livres. Elle est plate. Ils savent que la terre elle est plate. En fait, quand tu creuses, et t'es sous la terre et t'es à l'envers. Et tu finis par tomber. Non, parce que t'as quand même une gravité, mais inversée. Ah, à l'envers. C'est un aimant. C'est parce ça. Que si tu tombes dans ce cas-là, t'atterris sur quoi après? Tu vois sur le dos d'un des 4 éléphants qui nous portent. Ouais. Ou de la tortue si tu vises bien. Ou de la tortue si tu vises bien. C'est ça. Voilà. Ben voilà, moi c'est fini pour les news en tout cas. Et ben merci Issam. On va maintenant passer à nos recommandations, puisque c'est un podcast spécial recommandations. Vous pouvez vous arrêter, la meilleure rubrique est terminée. Podcast épisode spécial recommandation, comme le précédent recommandation c'était celui sur les comédies romantiques, si je me trompe pas, on n'en avait pas fait d'autres depuis. Des recommandations pures. Bah, on a fait qu'un épisode depuis en même temps. Oui, c'est vrai. On en a fait, mais t'étais pas là. Oh merde, bande de salauds. Et sous un autre nom. En fait, on a créé un autre podcast parce qu'on t'emmerde. D'ailleurs, c'est le titre du podcast. Hein. On emmerde Chris. C'est pas mal comme titre. C'est bizarre, je l'ai pas trouvé celui-là. J'ai fait des recherches. Tous les soirs, je fais une recherche avec mon nom dans Google. Bon, spéciale recommandation, et bah, donc on va chacun vous recommander trois films. C'est moi qui vais ouvrir le bal, vous verrez, chacun en a fait une petite sélection un petit peu thématique. Un petit peu. Oui. On va voir si vous arrivez à, presque, à trouver des thématiques. Bah, si toi, il y a un thématique. On annonce pas notre thématique, on l'annonce à la fin, limite. On va peut-être pas l'annoncer dès le début, à la limite, on peut l'annoncer pour le deuxième, parce que là, on verra qu'il y a un lien. Ouais. On va pas l'annoncer dès le début. Mais enfin, même si entre nous, on connaît notre thématique, logiquement. Oui. Voir, on organise un jeu concours, celui qui devine les quatre thématiques, il gagne un dîner avec Issam. Notre reconnaissance. celui qui connaît, et bah, Issam, il va pisser dans la litière de son chat. Non, ça peut être rigolo, ça. Celui qui devine... pisser dans la litière de son chat. Faire un concours, celui qui devine les quatre thématiques qu'on ne dira pas, du coup, gagne notre reconnaissance éternelle. Oh. Quel cadeau extraordinaire. Ils vont se bousculer pour chaque fois. C'est ça. Non, mais si vous voulez ça, on lui dédicacera un tome de Monster Musume. Moi, je veux bien. Bah non, on peut pas, ils ont tous été vendus. En plus. Alors, je dédicace, mais j'utilise pas mes mains. Mais je peux le recommander. Un tome d'infection. Il nous en reste des infections. Je peux le recommander pour ça. Bon, allez, c'est moi qui ouvre le bal. Je vais vous parler de Super 8, film de J.J. Abrams, film américain de J.J. Abrams, avec Joel Courtney, Elle Fanning, comme on en parlait hors podcast, la seule qui a émergé de ce putain de film, du coup, parce que tous les autres gamins, bah, ils sont devenus inconnus au bataillon. On suit une bande de gamins, ils sont combien? Ils sont 5, il me semble, 5-6. Qui, il y en a quelques-uns qui rejoignent après. Bah, c'est elle en fait, c'est surtout le personnage féminin qui les rejoint plus tard. Donc, qui ont pour but de réaliser un petit court-métrage parce qu'il va y avoir un concours de court-métrage dans leur école. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Super 8. N'est-ce pas? Oh, wow. Oui. Parce que ça fait pas partie du MCU. Oh, wow. Putain. Il est con celui-là. Donc, pendant l'un de leurs tournages, ils assistent. Un accident de train, il y a une voiture qui fonce dans un train, ce qui provoque le déraillement du train. De ce train s'échappe une espèce de bestiole bizarre qui sème la terreur sur son passage. Ça, c'est le plot de départ. Cloverfield. Hein? Non, pas Cloverfield. Parce que dans Cloverfield, il suivrait la bestiole partout pour la filmer tout le temps, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mais t'es en danger, Grégoire, qu'est-ce que tu fais? Ta gueule, je filme. Non, mais le coup de la voiture qui fait derrière un train, il y a ça aussi dans Tintin au Congo. Je suis sûr que c'est un plagiat. En pleine époque de plagiat, avec tout le monde qui tape sur les doigts à Del Toro, soi-disant qu'il a tout piqué aux autres. C'est une fanfic, de toute façon, son film. C'est une fanfic de lui-même. Qui a vu Super 8 en plus de moi-même autour de cette table? Moi. Moi, mais il y a très longtemps, du coup. Donc seul Nécro ne l'a pas vu. Pas vu. D'accord. Dans Super 8, alors j'ai oublié en quelle année est sorti le film, mais Super 8, tu retrouves la putain de patte il y a 4 ans, de Abrams. Non, plus. 5 ou 4 ans, je dirais. Pas plus. Hein. 2011, tu dirais? 2011-2012. Je vais essayer de vérifier en même temps. Tu retrouves les codes de Abrams, mais qui te sautent aux yeux, c'est-à-dire que c'est le film du lance-flare absolu. Un lance-flare à chaque putain de plan, c'est incroyable. Je sais pas comment il a réussi. Même des scènes où il n'y a aucun éclairage, il y a un lance-flare, tu fais, mais ce n'est pas possible, logiquement. Le mec en pleine toilette, nuit, tu sais, t'as un lance-flare qui passe, tu fais, mais en quoi? En pleine nuit, dans une usine désaffectée, il y a un lance-flare. Mais oui, c'est ça. Mais malgré ça, la réelle est quand même assez léchée. Les gamins sont plutôt cool, ce qui est assez rare. Faut dire ce qui est, parce que les gamins au cinéma, très souvent, ils sont soit irritants, soit ils savent pas jouer, soit c'est des personnages qui ne servent à rien. Dans le cinéma américain, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, il y en a. C'est moins fréquent que dans notre cinéma à nous, mais quand même. Ouais. Après, oui, là, vu que le film est vraiment centré sur eux, tu me diras, bon. Abraham, ça fait en sorte de pas prendre des petits cons qui cassent les couilles dès qu'ils ouvrent la bouche, quoi. Bah, déjà, finalement, le rôle le plus. 2011, Super 8, tu as raison. Putain, le rôle le plus exigeant niveau jeu, c'était celui de Elle Fanning. Elle avait déjà joué dans des trucs avant. Donc. Et elle joue à merveille dedans. C'est une très bonne actrice. Si, je sais pas si donc vous deux qui l'avez vu, Alex et Issam, vous vous souvenez de la scène où du coup ils sont sur le quai de la gare, où elle fait sa scène pour la première fois et où elle les impressionne tous en fait, parce qu'elle joue et elle joue à merveille dans cette scène. Et bah voilà, déjà tu te rends compte de son putain de talent d'acteur. Ce qui est cool donc du coup, c'est que t'as cet aspect fantastique thriller un petit peu horrifique, mais pas trop non plus. Puisque tu suis la créature qui fait ses trucs dans la ville sans que personne s'en rende compte, qui bute les gens. Qui va au supermarché. Qui va au supermarché du coin. Qui s'achète des clopes. qui s'achète des clopes. Ah putain. Avec un perfecto et puis des lunettes de soleil noir comme ça. Voilà. Ils sont un blanc. Mais tu suis aussi en parallèle vraiment tout le tournage du film des gamins. Ça s'arrête pas, parce qu'il y a beaucoup de films qui, une fois que le plot principal est arrivé, bah le truc de base du film, on l'oublie, quoi. Alors que là, c'est pas le cas. Vraiment, tout le long du film, tu les vois tourner leur truc. Alors, des fois, tu dis, mais que fait l'armée? Parce que des fois, ils se foutent carrément devant un peloton de l'armée qui fait leur truc. Et eux, ils sont là en train de tourner leur film. L'armée ne fait rien, ils ne réagissent pas, ils s'en battent les couilles. Alors que tu dis, mais c'est très bizarre. Non, ça me paraît étrange quand même que des militaires ne fassent rien alors que des enfants sont en train de filmer des trucs devant eux. C'est très bizarre. C'est vrai qu'un militaire normal, il aurait tabassé les gamins. Bah, surtout quand t'es en opération secrète, quoi. Mmh. Logiquement, tu fais un truc, tu dis aux gamins, mais barrez-vous, bande de sales gosses, barrez-vous. C'est là qu'on voit que c'est pas les militaires de Dreamcatcher, quoi. Ah, il y a eu le savoir-faire dans Dreamcatcher. pourquoi tout ramener à Dreamcatcher? C'est incroyable. Parce que oui, bon, là aussi, on est sur une histoire d'extraterrestres, mais c'est pas des extraterrestres caca. Voilà. Ouais. Super 8. Alors que moi, j'aurais bien aimé voir la scène d'un extraterrestre caca qui sort du cul d'un des gamins. Hein. Oh putain. Bah, le souci, c'est que les gamins, c'est un peu plus étroit. Donc... Oh, mais non. Tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas. Il va falloir que je coupe. Hein. Va falloir que je coupe, mais en fait non. Je ne couperai pas, parce que j'aurais trop la flemme. Oui, donc reprends un extraterrestre caca. Ah putain. Ex Fanning. En fait, c'est cette ambiance vraiment à mi-chemin entre le thriller et le petit film d'horreur tout public, parce que clairement, mis à part quelques passages un petit peu sanglants, oui, c'est pas choquant. C'est pas du tout choquant. Mais c'est filmé principalement comment? C'est filmé normalement ou caméra à l'épaule? Non, c'est filmé normalement, c'est un film. Voilà. C'est un film, c'est pas du. Comment on appelle ça? C'est pas du fun footage. C'est pas du fun footage. Tu vois quasiment jamais les images des gamins. En fait, on les voit à la fin. Ouais, à la fin, quand t'as le générique de fin qui défile, et bah sur l'autre partie de l'écran, t'as le film que tous les gamins ont tourné qui en fait est un film d'invasion zombie. Bah, le seul passage marquant, c'est celui sur la guerre, quoi. Le fan footage, ça part sur la base quand même d'une vidéo trouvée. Oui, ouais, mais là, du coup, ça aurait pu être sans être du. Fin de footage, ouais. Enfin, c'est... Non, mais là, non, clairement pas. Non, c'est un film réalisé normalement, avec un J.J. Abrams qui réalise bien, mais qui est pas encore... voilà, qui est une réalisation assez académique. Bon, pour moi, il n'y a aucun... Enfin, il a jamais eu plus qu'une réalisation académique, J.J. Abrams. Mais par contre, en termes de scènes d'action, il y en a peu, mais on s'en souvient quand même, l'accident du train est quand même assez... envoie quand même assez du lourd. Mm. Niveau effets spéciaux, il est quand même assez impressionnant. La bestiole aussi a plutôt un bon design, même si on la voit vraiment qu'à la fin du film. Oui. Parce que ouais, c'est pas un film qui te montre la bestiole dès qu'il le peut, quoi. C'est vraiment, on attend au fur et à mesure, on fait monter la sauce, quoi. Mais ouais, Super 8, un petit film agréable, sans être un énorme film qu'on se souviendra d'ici de nombreuses années. Je sais plus, par contre, si c'est la première réalisation d'Abrahams. Non, c'est après Mission Impossible. Ouais, voilà, c'est son premier, c'est vraiment Mission Impossible 3, donc celui-là, ouais. C'est son second. Pour moi, d'ailleurs, la seule scène, au niveau réalisation, la seule scène marquante d'Abraham, c'est dans Mission Impossible 3, c'est celle avec la poursuite en avion au milieu des éoliennes. Cette scène-là, elle est géniale. Ouais, cette scène-là, elle est vraiment épique. Mais sinon, voilà, il est, à part les lens flares, il n'a pas de marque de fabrique particulière. Et puis encore, est-ce qu'on peut qualifier les lens flares de marque de fabrique? Quand t'en mets autant que ça, oui. Non, autre point appréciable du film, bah, c'est que c'est... c'est Michael Giacchino qui signe la BO, et que, bah, c'est un putain de compositeur, quoi. C'est un compositeur qui est bien trop méconnu du grand public. Ouais, c'est pas sa meilleure, hein, super. C'est pas sa meilleure, mais elle est quand même de haut niveau. Hein. Ouais. Ah si, la musique de fin de film quand la bestiole n'est plus là. Ouais, je sais pas. Je suis pas fan de la BO de Super. Ça va pas. Moi j'aime beaucoup. Et pourtant j'aime beaucoup Giacchino. Ouais. Bah après Giacchino, oui, il a fait mieux. Rien que la BO de Lost est supérieure. Mais parce que la BO de Lost met la barre quand même assez haut. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. Non, je suis d'accord. C'est d'accord. Le seul truc qui met la barre haut dans Lost. Oh là là, mais putain, mais quel sale gosse. Faut juste pas regarder le dernier épisode, c'est tout. Oui, faut juste pas regarder les, je sais pas, 150 derniers à peu près. Mais tais-toi donc. Mais tais-toi donc. Non mais vraiment, par contre, Giacchino est beaucoup trop méconnu par rapport à son talent. Il commence à être plus reconnu ces dernières années, Giacchino. Au niveau du grand public, ouais. Il est quand même assez méconnu. Il commence à faire des gros films, donc ça commence à venir petit à petit. Ça commence à être... on commence à le voir de plus en plus sur les films Marvel, déjà. Ouais, La Planète des Singes. Ouais. Voilà, il y a des... Puis Pixar est de plus en plus connu, donc... Mais c'est vrai qu'il en fait plus. Il en a fait pas mal, quand même, des Pixar. Mm. C'est pas lui... C'est pas lui, Coco? Si, Vice Versa, c'était lui aussi. Vice Versa aussi, c'était lui. Donc, tant mieux. au final, qui commence à être de plus en plus connu, car ce petit bonhomme mérite. Écoutez-moi, j'en ai fini avec Super 8. J'aurai plus d'arguments pour tous mes prochains films. Bah, moi, Super 8, j'ai... Enfin, un truc que t'as pas mentionné, c'est que c'est un gros film hommage à toute la vague des films en blanc. Et justement, il le fait pas de manière... C'est vrai qu'il faut en parler de ça, parce que c'est lui qui a ouvert la voie au Stranger Things d'aujourd'hui et à toute cette mode de référence des années 80. Il en fait pas des caisses. Il le fait pas en rentrant dans le tas. Ça passe mieux. Voilà. En fait, il reprend l'ambiance, mais il fait vraiment quelque chose de nouveau. C'est ce qui fait que Super 8, je l'aime bien. Et puis... En fait, limite... Bah, il se passe dans les années 80, mais il passe pas son temps à te dire « Hey, t'as vu ? Ouais. On se passe dans les années 80 !» Oh, la musique qui passe là, c'était dans les années 80. Voilà, c'est ça. Il le fait pas du tout. Mais c'est pour ça, en fait, la vague qu'il a lancée me gonfle pour le coup. J'aime bien le film, mais cette vague années 80, moi j'en peux plus. Mais oui, après, est-ce que c'est vraiment lui qui a ouvert cette vague? Je pense. Hein. Parce que vu qu'il fait pas énormément de références aux années 80, d'ailleurs, en fait, un des trucs qui revenait très souvent quand on parlait de Super 8, c'est que c'était vraiment l'héritier des films de cette époque, des Spielberg de cette époque. Ouais, mais on en parlait dans l'aspect héritier de genre, quoi. Certes, de genre et d'ambiance. Certes, mais du coup, je pense que les producteurs ont compris, les gens veulent voir des trucs rétro et donc ils veulent voir des références. Et puis même en fait, il y a eu toute une vague de trucs sur Internet, de fan-films qui reprenaient ça, et les producteurs se sont dit qu'il fallait reprendre la même chose. Parce qu'au final, de Super 8, déjà, il me semble pas qu'il y ait une mention d'année, vraiment dite. Le seul truc que tu vas avoir qui est dans les années 80, c'est les vêtements, les bagnoles et le fait qu'ils tournent avec une caméra Super 8. Ouais. Voilà, ça va être les seuls trucs qui vont te faire comprendre. Et aussi les affiches de films dans la chambre des gamins, quoi. Ouais. Et encore, elles sont pas montrées en gros plan, face cam, quoi. Mais pour moi, c'est ce qui fera, tu disais, que Super 8 aurait pu devenir mieux marketé, le E.T. de la nouvelle génération. Oui. Et c'est ce fait que ce soit quand même des gamins des années 80 qui, pour moi, veut dire que ça aurait pas eu ce statut culte, même s'il avait été mieux marqué. Juste pour info, ça c'est quelque chose qu'on s'est dit hier hors podcast. Parce que là, les gens ne comprennent pas. Parce que pour moi, on sent quand même que ça se passe pas à notre époque, et je pense que les gamins du coup de notre époque auraient pas eu... Enfin, il n'y aurait pas eu l'identification que pouvait y avoir pour un gamin des années 80. Mais en fait, tu vois, vu que la temporalité n'est pas montrée à donf, je sais pas si tu montres ce film à un gamin, je sais pas s'il se rend compte que ça se passe pas à son époque. Pour moi, on s'en rend compte, hein, très clairement. Je pense que si, les vêtements, rien que ça. Les vêtements, la manière de parler, il y a quand même pas mal de trucs. Ouais. Les divertissements, ne serait-ce que les divertissements qu'avaient les gamins, ça n'a plus rien à voir avec les divertissements qu'ont des gamins de maintenant. Pour moi, c'est clairement un film. Ah, ça, c'est d'actualité encore. C'est clairement un film pour adultes, en fait, Super 8. Il vise un public adulte qui a grandi dans les années 80 et 90. C'est ça. Qui est un petit peu nostalgique et demandeur de films d'aventure un petit peu familiale dans ce genre-là. En le faisant bien, hein, mais voilà. Oui, carrément, l'hommage est vraiment bien rendu. Pour le coup, oui. Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Super 8 ? Non, vous avez tout dit. Je voulais parler du fait qu'il ne fasse pas de surenchère comme ça, à rappeler que c'est les années 80, mais voilà. Donc voilà, c'est dit. Est-ce qu'on passerait pas à la recommandation de l'un de vous, messieurs ? Nécro ? Nous t'écoutons. Bah moi je vais te parler de Watchmen. Eh bien, vas-y. Qui a vu Watchmen autour de cette table du coup ? Qui ne l'a pas vu ? Bah moi je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Je n'ai pas vu Watchmen. Ah, tu l'as vu, Issa ? Ouais. Je l'ai lu. Par choix ou... Mais je ne l'ai pas vu. Par manque de temps. Plus que par choix. Un peu des deux quand même. Après on pourra y revenir aussi. Alors je précise juste un truc, c'est que je n'ai pas lu Watchmen. J'ai vu Watchmen sans avoir les bases de comics qui étaient dessus. À côté de ça, j'ai passé vraiment un bon moment en voyant ce film-là, et c'est l'un des premiers films où j'ai vraiment senti, quand il y avait une scène de combat, l'impact des coups. Il y a vraiment un travail sur les chorégraphies, les coups et tout ça, j'ai trouvé absolument géniaux. La mise en scène aussi, avec les ralentis, quand il y a un ralenti, il est là pour quelque chose. Donc, mise en scène de Zack Snyder. Zack Snyder qui a fait un travail absolument génial. Tout ce qui est colorimétrie, tout ce qui est les plans parfaitement cadrés. Rien que le générique déjà. Et le générique, le générique de début, c'est ce qui permet de faire la mise en place du contexte. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit effectivement les... En fait, le générique de début, c'est on voit les anciens super-héros, les débuts des super-héros, et qu'est-ce qui s'est passé. On se rend compte que c'est... ça n'a pas toujours été rose pour eux. Et on arrive sur un personnage qui s'appelle le comédien, qui va avoir un combat dont l'issue va permettre d'enclencher toute l'histoire du film. Et après, je présume que c'est comme dans la BD, c'est sur l'enquête de son meurtre. C'est l'enquête du meurtre de comédien. Et du coup, ben, son enquête va ressortir pas mal de merde. Et on va avoir beaucoup de flashbacks, justement, sur les rapports entre les personnages qu'on voit dans le film et le comédien. Et ben, c'était traité de façon vraiment extrêmement violente sur beaucoup de choses. Notamment, il y a une partie au Vietnam qui est absolument, je veux dire, moralement, je le prends dans la gueule. Il y a aussi un moment la naissance d'un des personnages. Quand on apprend d'où ça vient, on se dit ah ouais, ah c'est trash. Et beaucoup de choses comme ça, des costumes kitschouillent, mais ça colle parfaitement au truc. C'est-à-dire qu'en fait certains des héros dedans sont dépassés en quelque sorte, ont raccroché. Et du coup, oui, le fait que leurs costumes soient kitschouilles, des fois, c'est aussi des costumes qui dataient de leurs parents et qui ont été retransmis. Du coup, ça passe, franchement. Et oui, franchement, les personnages sont bien. Il y a pas, c'est pas des gentils contre des méchants. Non, c'est extrêmement complexe. C'est pas manichéen. C'est pas manichéen. À la fin... Bah, pas tant que ça, en fait. À la fin, quand même, un petit peu... Alors c'est là, de ce que j'ai compris, de ce que m'a dit un petit peu Issam, c'est que la fin du film diverge complètement avec la fin du comics. Bah, elle est moins lyrique que dans le comics, je trouve. Elle est beaucoup plus manichéenne. Bah, celle du film est plus manichéenne que celle du comics, d'accord. Moi je retiens surtout... Elle était dur à adapter, celle du comics. Oui, bah, clairement, c'est ça, oui. Bon, est-ce qu'on peut se permettre de prévenir les gens qu'on rentre dans une zone spoiler? Ouais. Bon, rentrons en zone spoiler. Moi, je préfère pas laisser... Enfin, je préfère qu'on fasse pas de trucs spoiler là pour le coup. Alors on en sort. On referme la porte. Par contre, une phrase pour moi, l'une des phrases qui revient le plus souvent, qui est vraiment extrêmement importante dans le film, c'est... voilà, pas de concession. C'est un truc genre pas de concession, même devant l'apocalypse. Hein. C'est... cette phrase-là, vraiment, prend tout son sens sur tout le film et surtout à la fin. On dit, ah merde. Justement la fin du comics est encore plus sans concession à ce niveau-là. C'est vraiment, je pense on va ouvrir quand même une zone spoiler. Peut-être la zone spoiler comics. Mais est-ce que je voudrais juste savoir avant, parce que tu parles d'apocalypse, il y a cette ambiance apocalyptique tout au long du comics. Il y a vraiment une forte ambiance de fin du monde qui pèse sur l'univers qu'Alan Moore a écrit. Est-ce qu'on ressent cette fin du monde pesante et cette lourdeur dans le film? Pas dès le début. Ah oui, alors que là, en fait, dans le comic, c'est dès le début, c'est montré. Dans le film, c'est vraiment une ambiance guerre froide, troisième réélection de Nixon. Ouais. Si on est sur autre chose. Oui, t'as aussi ça dans le comics, le côté chasse aux sorcières, tout ça. Bah, la troisième réélection de Nixon, ça, c'est un truc récurrent, surtout au niveau de l'auteur, de façon à dire... C'est cet univers-là, et à chaque fois, c'est un des points qui est commun dans cet univers-là, pour dire, c'est le même univers, il s'est passé ça, dans cet univers-là. Puis c'est pour bien te montrer que c'est parti en couille, parce que t'as un président connard qui est élu pour la troisième fois, alors que normalement, tu peux pas être élu que deux fois aux US. Maintenant, dans les nouveaux trucs qu'il va écrire, ça va probablement être la troisième élection de Trump. Hein. Oui, voilà, c'est ça, il va changer maintenant, il va changer de cible. Non, sinon, beaucoup de remise en question du rêve de ce qu'on appelle le rêve américain, beaucoup de... Oui, ça, globalement, on retrouve les mêmes mimiques d'écriture d'Alan Moore d'une œuvre à l'autre. Hein. Redonnons la parole à Issam, du coup, qui veut ouvrir sa petite porte, sa petite lucarne zone spoiler. C'est... Ben, en fait, dans le comics, c'est le plan d'Ozymandias qui est différent. Il rejette pas la responsabilité sur Captain Manhattan, comme il le fait dans le film. Captain Manhattan. Docteur Manhattan. Voilà. Captain Manhattan. Là, c'est Captain Planet, le bleu. C'est un mélange des deux. En fait, il kidnappe des scientifiques et des hommes des hommes de science, des spécialistes, pour faire venir une créature trektoulienne, en fait. Qui va d'une autre dimension. Ouais, trektoulienne, t'es gentil encore. C'est vraiment Cthulhu. C'est ça, ouais, c'est carrément. C'est Cthulhu. Et. du coup, c'est encore plus apocalyptique parce que autant Manhattan, finalement, on sait d'où il vient, on sait que tout le monde sait qu'il y a eu l'accident. C'est une menace très difficile à affronter, mais dont on sait la provenance. C'est tangible. Tandis que c'est tangible. Tandis que ce qui attaque, ce qui permet au pays de s'unir dans le comics, c'est quelque chose qui ne vient pas de notre monde, littéralement. Oui, c'est comme si c'était l'extraterrestre. Mais c'est encore plus radical. C'est vraiment une apocalypse impossible à ne serait-ce que comprendre. En fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que le fait que Manhattan soit juste le seul, la seule cible, finalement, à atteindre par les États, c'est que c'est s'attaquer au divin. S'attaquer à quelque chose qui est inattaquable. D'un seul coup, en fait, c'est comme si en fait, ça part sur le principe de l'équilibre des puissances qu'on retrouve au niveau de la fin de la guerre froide. Là, l'équilibre des puissances, il n'existe pas. C'est juste qu'il se retrouve face à une divinité purgatrice qui en aura foutu plein la gueule et ils ne peuvent pas rétorquer. Et du coup, ils se disent, si on ne s'allie pas, on n'aura même pas un millionième de chance de faire quelque chose. Ouais, mais en fait, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ce que Issam... Enfin, tu me diras si je me trompe, mais c'est que Manhattan, vu qu'on connaît son existence depuis longtemps, on devrait pouvoir trouver un moyen de le contrer. Parce qu'on sait d'où il vient, on sait ce qu'il a créé. Alors qu'une créature qui débarque de nulle part, c'est vraiment l'inconnu total. Et puis l'aspect divinité est encore plus là, c'est vrai, et encore plus là, c'est vraiment le truc qui débarque du ciel, c'est l'apocalypse qui tombe du ciel, littéralement, dans le comics. Oui, et puis vu qu'il vient pas de notre monde, tu pourrais dire, on va lui balancer des trucs atomiques, et au final, non. et puis surtout, on peut se dire que Manhattan, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'il est plus là, vu qu'encore une fois, on sait d'où il vient, on sait où il peut se cacher, etc., au bout de quelques années, en fait, l'union qu'il a permis va se dissoudre peu à peu quand on se rendra compte que la menace n'existe plus. Tandis qu'une créature qui débarque vraiment de nulle part, dont on ne comprend même pas l'origine, même on peut dire que c'est comme la bombe atomique, ce serait une menace assez perpétuelle. Même si tu l'as vaincu, tu sais qu'une autre pourrait débarquer à tout moment. Après, pour moi, c'est la fin du film et pas une trahison de l'esprit d'origine, mais ça affaiblit le message, mais ça aurait été trop dur, je pense, d'amener tout l'aspect. Oui, c'est comme tu disais, c'est trop dur d'adapter... Il y a une autre question qu'on retrouve dans le film, je sais pas ce qu'il en est dans le comics, c'est est-ce que ça vaut le coup de sauver l'humanité ? Il y a cette question qui se pose à un moment, c'est est-ce que ça vaut le coup de sauver l'humanité ? Et la sauver d'elle-même en plus. Enfin, c'est vraiment le truc. Et ça reste assez dans le flou là-dessus. Moi, dans le comics, c'est un peu plus tranché, je dirais. Manhattan, clairement, à la fin. Pour lui, ça vaut pas le coup. Ouais. Mm-hmm. Donc il s'exile. Voilà. Il s'exile. Encore une fois, c'est penser pur à Nan Moore. Oui. Ouais. Oui. Pour lui, on est tous des connards, on mérite pas d'être là, quoi. Mm. Est-ce qu'il aurait pas un peu raison ? Je serais pas aussi radical sur le message d'Alan Moore, moi. Je trouve qu'il est plus subtil que ça. Oui, non, mais oui. Parce que là, t'es en train de comparer Alan Moore à Lars von Trier ou le connard qui a réalisé Le Ruban Blanc et Amour, Haneke. Ah oui, Haneke. Donc c'est un peu méchant envers lui. J'aime beaucoup Lars von Trier. J'aime beaucoup jusqu'à ces dernières années. Oui, moi je parlais surtout de. Jusqu'à Festen. Alors, messieurs, j'aurais une question sur Watchmen. L'une des raisons pour laquelle j'ai pas plus envie que ça que de voir le film. Je sais que Watchmen reprend quasiment. Doucement la tasse, case par case. Une belle tasse Ghostbusters. En plus, case par case, le comics. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord quand on dit qu'il y a un vrai talent de réalisation chez Snyder pour l'adaptation, puisque il se contente de reprendre les plans du comics. Au final, le talent de réalisation, il est chez Gibbons, le dessinateur du comics du coup. Donc, est-ce que il y a une vraie patte artistique, mis à part dans les ralentis, puisque ça, oui. Là, c'est la patte de Snyder. Est-ce qu'il y a une vraie patte artistique au film Watchmen ? La violence des scènes, comme je disais, on peut la mettre sur case, mais ça a moins d'impact. Il y a vraiment des scènes, notamment une scène à un moment avec des chiens. Je sais pas si c'est aussi dans le comics, où il y a des chiens qui sont tués à un moment. En bande dessinée, ça aurait moins d'impact. C'est si pour moi l'esthétique, en fait il va reprendre des cases à l'identique, mais avec une esthétique très différente. C'est pour moi ce qui fait la différence entre un Watchmen qui va être effectivement des fois sur du plan par plan, mais apporter une vraie touche cinématographique, et un Sin City qui pour moi là n'a aucun intérêt. Ou un 300 même. Même 300, pour moi, ça a plus d'intérêt que Sin City, mm-hmm. tu vois. Pour moi, Sin City, c'est le degré zéro de la réalisation. Et sinon, les musiques. Aussi, ouais. Les musiques sont très bonnes. Ouais, mais là, on parle de choses qui sont propres à chaque média, quoi. Enfin, bah, il y a des choses que tu peux pas faire avec un film et que tu peux pas faire avec un livre. La question, c'était quel est l'intérêt si voilà. on a lu le comics de regarder le film. Du coup, bah oui, bah, les musiques, ça peut être un intérêt. Des intérêts de l'autre média. Mais justement, un truc comme Sin City, il a même pas une musique marquante, il a même pas un jeu d'acteur marquant. Donc, il utilise même pas les caractéristiques de son média. Sin City, pour le coup, n'adapte pas, il copie-colle. Oui. Pour le coup. Il picole beaucoup. Ouais. Là où pour le coup Watchmen sur la fin adapte, puisque il s'écarte. Non mais c'était juste ma question du coup. Oh, ben voilà. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à ce genre d'adaptation vraiment copie-collée de l'œuvre originale? Sachant que. Parce que des fois ça a un côté, c'est limite, tu vas adapter un roman, tu filmes le roman quoi. Sachant que petite anecdote, l'auteur de Watchmen n'a pas. Regardez le film Watchmen. Non mais Alan... il ne regarde aucun voilà. des films. Il n'aime pas du tout. Ça, c'est... Alan Moore, c'est un quepon, quoi. C'est... Avec pour vendre des tas, ça n'existe pas. Bah, et puis c'est surtout que sa mentalité, c'est... Bah, un livre, c'est un livre, un film, c'est un film, une BD, c'est une BD, quoi. C'est tout. C'est créer vos propres produits et basta. C'est surtout ça, sa mentalité. Après, c'est toujours mieux que Stephen King qui va faire chier dès qu'on s'éloigne un peu d'une ligne de ses romans. Quitte à refaire après lui-même ses propres trucs. Parce que Alan Moore n'aime pas... Enfin, il ne les regarde pas. Il dit qu'il s'en bat les couilles, mais il n'invalide pas la création ou l'adaptation de ses créations en film. Quoi. Après, est-ce qu'il les interdit pas Est-ce qu'il a toujours eu le choix aussi? C'est-à-dire? Je pense pas. Ben, s'il avait tous les droits ou pas pour dire non, par exemple. Ah, bah clairement non. Parce que, par exemple, non, parce que Watchmen, ça appartient à DC Comics, par exemple. Le Doomsday Clock qui est publié en ce moment chez DC Comics, qui est la suite. Il gerbe dessus. Oui, voilà, il gerbe dessus, mais clairement, il n'a pas pu mettre son veto là-dessus. Et même avant ça, Before Watchmen. En gros, Doomsday Clock, c'est la réunion entre l'univers DC classique qu'on connaît et les héros de Watchmen. Voilà, c'est DC classique. Ah oui, c'est la suite de Watchmen. Quoi. Ça m'étonne pas du tout. C'est DC qui décide d'introduire les Watchmen dans son univers, voilà. En fait, à l'univers partagé. Mais c'est clairement la suite. Eh ben, vivement le film Watchmen intégré au DCU. Et du coup, Before Watchmen, c'est qu'est-ce qui se passe avant Watchmen? C'est les aventures de chacun des personnages, mais avant Watchmen. C'était un comédien de muet, c'est ça? Putain. Et donc ça aussi, du coup, il invalide totalement. Bref, ça valait pas trop le coup. Deux ou trois histoires. C'était pas terrible. Pas terrible du tout. C'était pas terrible. Visuellement, par contre, c'était des bons auteurs qu'ils avaient pris. La mini-série. Ouais, ça dépend laquelle. Hein. Bah, Ozymandias. Ozymandias. C'était le Hibou, j'avais bien aimé aussi. Ouais. Donc c'était quand même des. Au niveau du dessin, c'était des bons auteurs globalement qui prenaient. Ouais. Mais pas intérêt, parce que concrètement, savoir ce qui s'est passé avant Watchmen, on s'en bat les reins. Ça n'apporte rien de savoir ce qui s'est passé avant Watchmen. Si t'es attaché au perso, peut-être, mais. Ouais. Ouais, mais voilà, non, mais c'est pas ça. C'est un peu comme Hannibal Origins et plein de trucs d'Origins qui se font, quoi. Je trouve même que c'est même pas que ça apporte rien, c'est que ça finit par nuire au mystère et à la forme d'imagination qu'on peut exiger d'un spectateur. C'est ça, c'est du produit dérivé, quoi. Ce que j'en ai vu dans le film, moi, me suffit. C'est-à-dire que ça parle un petit peu des origines et le peu qu'on. Bah, le générique, de toute façon, il fait tellement le taf que. Le générique, deux, trois allusions passées à un moment, quelques souvenirs, et c'est bon, c'est. Le comics t'en donne un peu plus. Ouais. Mais ça, c'est pareil, voilà. C'est par rapport. C'est le média qui fait ça. Oui, quoi. Il a bien fallu faire de la coupe, forcément. Parce que sinon, après, t'es obligé de faire soit deux films, soit un film de 4 heures. Quoi. Donc bon. Et pour moi, en fait, Snyder, c'est un réalisateur. En fait, c'est un bon quoi réalisateur. Non, c'est un bon réalisateur, il a une vraie esthétique, il a une vraie. Enfin, il a un sens de la réalisation. Oui, c'est juste qu'il a encore jamais fait de bons films. Si. Mais pour moi, c'est un scénariste désastreux. Donc il faut lui donner un bon scénario, sinon c'est horrible ce qu'il fait. Ah ouais. C'est donc pour moi, les deux vraiment à sauver, c'est Watchmen et son remake de L'Armée des Morts. Oui, pour moi, c'est son seul bon film. L'Armée des Morts. Voilà, parce que c'est un remake. Et encore, j'ai pas vu Watchmen encore. Et encore, il enlève tout le message de. Enfin, une bonne partie du message du film original, mais ça reste un bon film. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que son film le plus personnel, au final, c'est peut-être son plus nul. Donc... Bah oui, parce qu'il l'a scénarisé lui-même. Voilà, c'est ça. Donc c'est horrible. Donc Sucker Punch, pour ceux qui l'ignorent. Vu que c'est lui qui a écrit le scénario. Voilà. C'est. Parce qu'il y a un scénario dans Sucker Punch. Il paraîtrait qu'il y a un scénario dans Sucker Punch. D'accord. Non, mais Sucker Punch, on dirait que c'est une sorte de fan film de gros lecteurs de hentai. Mais c'est ça. Je crois que c'était de la branlette sur des filles en petite tenue. Bah, c'est ça. D'accord. C'est une fanfic adaptée sur grand écran de fans de Japanimation, voilà. C'est dommage, je pense qu'une partie des actrices sont bien au-delà de leur qualité physique. Et il y a un moment, il y a la cathédrale de Reims. De quoi ? Il y a un moment, il y a la cathédrale de Reims. C'est vrai ? Dans le décor, j'ai inclus dans le décor. Ouais. Oui, mais c'est parce que tu fais attention au nichon à ce moment-là. Forcément, la cathédrale de Reims, elle passe inaperçue. Ah la vache. Ah, putain. Dès que j'ai vu les samouraïs mecha, j'ai fait là là, où est-ce qu'on est là? Non mais le pire, elle était quand même à deux tiers du film là. Entre les mains d'un bon réalisateur, même en ayant le côté un peu itchy, ça aurait pu donner un film super. Bah, parce que le sujet de l'évasion par l'imaginaire, parce que le sujet de l'évasion par l'imaginaire, oui, c'est un bon sujet. Mm-hmm. C'est juste qu'il faut savoir l'exploiter. Il aurait fallu changer la BO aussi quand même. Aussi, oui. Le BO est justement un Terry Gilliam qui devait aussi réaliser Watchmen. On t'aurait mis un Terry Gilliam là-dessus. À ce moment-là, on fait un nouveau film. Il a dit. Bon, bah, moi, le plot de la logique de mon truc, c'est mort. Eh non. Enfin, on coupera si tu veux. Mais... Non, non, mais de toute façon, moi, je m'en coupe. Non, on va pas faire de jeu, de toute façon. C'est une blague. Non mais voilà, c'est Sucker Punch par un bon grand... par un réel qui aurait eu un meilleur rapport à l'imaginaire, ça aurait été excellent, je pense. Regardez The Fall qui traite du même sujet et qui est beaucoup mieux. Mm-hmm. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a vu The Fall par ici, mais voilà, qui est fait par un réalisateur indien, qui est un film britannico indien il me semble, et qui est très très bien. Est-ce qu'il y a un policier indien qui évite les balles avec sa main comme ça? Pas du tout. Ça va alors. Mais c'est un putain de bon film. Qui le tournage a duré 4 ans. Et c'est quasiment que du vrai décor, aucun fond vert. Quoi, t'aimes pas les films comme ça? Une putain de tuerie, The Fall. Non, j'en suis regardé deux dernièrement. Une putain de tuerie, The Fall. Est-ce qu'on en a terminé avec Watchmen? Bah, a priori, oui. Moi, j'ai plus de questions en tout cas. Donc, Issam, rien à rajouter. Non. Alex, rien à rajouter. Necro, rien à rajouter. Non. Qui veut nous parler de son prochain film? Je sens qu'Alex. Je sens qu'Alex est chaud. Alors, moi, je vais vous parler principalement de films d'animation. D'amnégation. Et je vais commencer avec Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa. Donc, qu'on a vu donc sur la suite de La Petite Sirène, du coup. Non. Heureusement. Ah. C'est pas Polochon et Sébastien qui montent un coup d'état contre l'empire de. Si, mais sous LSD alors. Ah. Non, en fait, c'est l'histoire d'une gamine qui débarque sur l'île du Père Noël qui a sirène. Alors, et ensuite, alors. Oh putain! Oh donc, la vache! Masaaki Yuasa, qu'on a vu sur le devant de la scène là en début d'année avec la série Devilman Crybaby qui est sortie. Sur Netflix. Voilà. Mais il paraît que Netflix c'est nul. Ouais, pareil, faut pas donner son argent à Netflix, c'est des démons. C'est une marque. C'est on le donne diable! Pas son argent à une marque. C'est une marque, j'aime pas les marques. Oh pitié! Révolution! Capitalisme! Encule à mouton! Non, c'est pas ça. Mouton, Mélenchon, on t'aime! drôle! Humour! c'est tiré d'un sketch qui est très vieux dans les guignols. Canal Plus, humour, encule à mouton! Michael Cole, personnage décalé, cul à mouton! Oh, on la retirera tout ça. Non, regarde, je m'en merde. Moins de montage, c'est bien. Hein. Moins de montage pour une parution plus rapide. Allez hop, enchaîne, Alex. Donc Lou, l'île aux sirènes, c'est l'histoire d'un adolescent qui se fait chier dans son village de pêcheurs. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire de la musique pour passer le temps. Et un jour, il se rend compte qu'il y a des sirènes dans son village. Au moins, il prend pas de la drogue, c'est bien. Oui. J'ai eu peur que tu me racontes les petits mouchoirs au début. Non, moi, j'avais l'impression que c'était un biopic de Kurt Cobain. Ah merde. Et donc, il va se retrouver aussi embrigadé dans un petit groupe de musique, de 3 personnes. Et tout le film, en fait, va tourner autour de ça, de la musique et des sirènes. Ni on les voit jouer dans le métro. Non. Avec Zazie. Non, avec des sirènes dans un petit seau. Zazie dans le métro. Tu connais pas? Non, j'ai pas c'est envie vachement connaître. Bien, Zazie dans le métro. C'est génial. Ouais. Tant le livre que le film. Mmh. C'est génial, Zazie dans le métro. Voilà. Là, si on a quelques fiertés françaises, des fois c'est ce genre de petites exceptions. Zazie? Non, Zazie dans le métro. Ah, Zazie dans le métro, c'est un roman. Mais vous m'avez fait peur parce que vous dites Zazie, voilà. Non, c'est... Mais elle a pris son pseudo en fonction de ça, je crois. Ouais. Tu penses? Bah oui. En fait, avant que tu ne continues, qui a vu Lou et il est aux sirènes? Oui, qui a vu Lou? Autour de la table, je pense pas que moi. Personne. Je crois que tu es le seul, donc bon courage, on va te faire chier pendant toute ta chronique. Voilà. Merci. Je me suis dit, on peut pas en vouloir à Zazie dans le métro. Après tout, Lady Gaga a bien choisi son nom en référence à Queen. je te laisse finir. C'était fini. Hein. D'accord. Tu peux reprendre. Donc il a monté ce petit groupe de musique comme ça. Il va se retrouver à jouer avec la petite sirène qui s'appelle Lou. Et Polochon et Sébastien, ils sont là. Non, ils arrivent à la fin du film. Sous l'océan. En japonais. Et le problème, c'est que dans ce petit village de pêcheurs, ils n'aiment pas les sirènes parce qu'il y a une légende, une malédiction qui s'est abattue à cause de ces dites sirènes, justement. Il y a des années et des années, qui dit qu'en fait, les sirènes mangent les hommes, tout simplement. Ce qui n'est pas faux dans la mythologie. Ce qui n'est pas faux par rapport à la mythologie. Va s'en suivre la découverte de cette sirène loup de la part de tous les habitants qui vont vouloir la capturer. Et donc à la fin, il y aura tout un micmac que je vais pas vraiment expliquer parce que sinon je raconte tout le film. Et à la fin, tout le monde se réunit autour d'un bon plat de sashimi. Non, presque, mais non. Voilà, ce que je voulais noter en fait sur ce film, c'est plus la qualité technique et artistique de Masaaki Yuasa, qui a vraiment sa patte. Je sais pas si vous avez vu par exemple Devilman Crybaby récemment ou... Non, j'ai non, rien que je te vois, il va falloir que je regarde. Il a vraiment un style super fluide dans l'animation, il n'hésite pas à allonger les membres des personnages ou faire des scènes vraiment absurdes. Ouais, l'animation déformée, mais qui permet d'avoir justement une animation super fluide. C'est vraiment super fluide, c'est vraiment minimaliste par moments, etc. C'est ce que beaucoup de réalisateurs un petit peu ont essayé de faire sur des grandes séries comme Bleach ou Naruto. Oui, mais ça marche pas. Ce que beaucoup de personnes critiquent, parce que quand on met sur pause... Bah, tu c'est vois tout les dégueulasse, gueules déformées, mais c'est pas voulu, bah c'est de l'animation, c'est pas voulu pour être mis sur pause, bande de cons. Voilà, c'est tout. Ouais. Là, je reprends. Après Naruto, est-ce que c'est pas de la merde quand même? Non, parce que ces épisodes-là sont des épisodes importants dans l'histoire, et donc ils appellent vraiment des réels coins de patte pour le réaliser. Je te conseille en fait de voir l'intégrale d'un combat dans Naruto, l'animé. Non, mais. Te ferme pas comme ça. Le combat Rock Lee-Gaara, qui est un combat de fou furieux. En animation, il y a eu un travail de malade. Et vu que c'est du corps à corps et que c'est pas des techniques qui font apparaître des trucs, la gestuelle a vraiment été bien faite. Et effectivement, tu as ces moments où tu as des étirés, des choses comme ça. Oui, tu mets pas pause là-dessus, tu fais pas pause. Ah, c'est pas court l'animation. Oui. Mais c'était pas autant appuyé que par exemple les derniers combats dans Naruto, justement, ah oui, avec Pain, etc. Pain, là, c'était vraiment dans ce style-là, vachement fluide. Ouais. Et là, là, ils ont fait venir un artiste qui a complètement même modifié l'esthétique global de l'animé pour un épisode. Il y a épisode où l'esthétique est complètement transformée, où ils en avaient rien à foutre. Quoi. Ils disaient non, là on va faire un truc un peu... Et l'épisode rendait super bien. Mais t'avais l'impression que c'était pas du tout la même série. Ils ont fait ça aussi sur One Piece, ils ont fait ça, voilà. Mm. Ouais. Mais bon, bref, voilà. Continue. Maintenant qu'on a abordé donc ce côté-là, et puis aussi la BO qui est superbe, parce que justement on a plein de moments avec la musique, soit avec les personnages humains, mais aussi avec la sirène qui va chanter, oui, faire des danses. C'est un petit peu musical. Ouais. Qui a composé la musique Certain de tête comme ça, Takatsugu Muramatsu. Il n'y a pas du tout une montage. De tête, franchement, c'est comme ça. Je l'ai vu il y a 10 jours, au coin de l'œil. Né le 11 février 1978, je crois. À l'hôpital central de Kyoto. Dans la petite province. Attendez. Il a eu une enfance heureuse. Attendez deux secondes, il y a un hypertexte là. Il y a une annotation. Vas-y, continue, Alex. Voilà, donc c'est un film d'animation et plein de couleurs aussi. C'est le point notable aussi du film. C'est vraiment, il y a plein de couleurs partout. Il y en a beaucoup qui reprochent justement ça. T'as beaucoup de couleurs vives, du vert pétant, rouge pétant. Est-ce que ça fait partie de sa patte justement à ce réal? Parce que parce que je parlais d'un autre film tout à l'heure qu'il a fait et on retrouve pas ça. Ouais. Parce que quand je voyais les bandes-annonces de Devilman, il y avait quand même des couleurs assez, assez particulières, quoi, que tu vois pas tout le temps dans l'animation. Oui. Bah, ça, disons que ça prête bien à son style, justement, d'animation hyper fluide, etc. Ça t'en met plein la vue, quoi, en fait. Donc voilà, franchement, je le recommande. C'est super, c'est super classique dans son scénario, parce qu'au final, on capture la sirène à la fin, machin. Enfin, il n'y a pas vraiment de choses transcendantes, mais c'est plus sur le côté technique et visuel où on en prend vraiment plein l'imagerie. Parce que sinon, niveau scénar, après, ils se rendent compte qu'elle est gentille, donc ils l'adoptent. Et en fait, c'est un petit peu le remake japonais de À bras ouverts, quoi. Ils vont pas jusqu'à l'adopter, mais oui. Je sais pas si j'aurais osé suivre. Bon, moi j'y vais. Hein. À noter le passage, enfin le personnage. Il y a pas le genre de Christian Clavier. De Christophe Lambert aussi à la fin. Christian Clavier qui arrive. La sirène, ok. Ok, la sirène. C'est un bon poisson. C'est un bon poissonnet. Un bon poissonnet. Et Depardieu qui arrive. Ah bah couille, elle est où la sirène là? On va la manger. Elle est bonne la sirène. Allez ma couille. Oh putain. Donc, oui, ça fait du bien de se taper un ton de temps en temps. Oh non. Issam. Issam. Là l'air toujours les valseuses là. Il y a Miu Miu dans l'île aux sirènes. On les casait tous les artistes français comme ça, de renom. C'est notre patte à nous. Donc je disais à noter le personnage pardon, du père de loup, qui a un énorme requin comme ça qui se balade dans la ville, qui ne peut pas s'exposer au soleil parce que sinon il fond quoi, voilà. Il fond. Et il y a un passage où il reste caché derrière une maison et il attend que le soleil se déplace pour que les ombres, etc. Et ça dure genre des heures, et t'es là comme ça, tu regardes, et tu dis quand est-ce qu'il va bouger. Enfin, plein de petits passages absurdes comme ça dans le film, c'est énorme. D'accord. Voilà. Un film, on avait vérifié un film qui sortira bientôt en DVD Blu-ray au mois d'avril. Mmh. Oui. Oui, voilà. Là, t'en parles au moment. Oui, bah ça fait partie malheureusement de ces films d'animation qui Jap, sortent qui sont, direct voilà, en Blu-ray DVD. Et... Qui sortent pas en cinéma chez nous. C'est dommage quoi. Ils sortent, c'est déjà ça. Ouais, mais oui, à quel prix aussi voilà. Bah ça va. 25, hein, pour bah, juste... Le prix était raisonnable, c'était 24,99 voilà. Pour le Blu-ray, donc c'était raisonnable. C'est... Mais je pense que je me le prendrais parce que ça faisait un moment que j'avais l'intention de le voir. Et moi aussi, Louis Lé Sérène, ouais. Ouais, franchement, mais j'ai ouais, trop de trucs. C'est vrai prendre, que la distribution, ça peut des fois faire que le truc est introuvable. Bah, il y a des perles que cher, tu ne verras jamais. Quoi. C'est-à-dire, un truc, payer un truc 35€, des fois, j'ai dit, je peux pas. Ah ouais. Ben, c'est ça. Bah, très clairement, ça vise un public, le public qui connaît déjà l'œuvre, finalement, ouais, dans ce cas-là. Mm-hmm. C'est ça. Des fois, la diffusion, c'est problématique. Ouais. D'où l'un des avantages de Netflix, qui des fois peut permettre. Ouais, mais t'as pas le support physique. Et ça c'est un autre problème, à la limite celui-là je suis prêt à le comprendre, même s'il me fait chier. Oui, bah. Quoi ? Oui, bah encore heureux, tu peux le comprendre celui-là. Oui. Tu peux pas le ouais, mettre dans tes mais bon, étagères Netflix. Mais il pourrait faire les deux. C'est, il pourrait diffuser sur leur plateforme et avoir quand même un meilleur respect du support physique. Oui. Parce que là c'est à la limite du mépris quand même. Bah, après, quand c'est des trucs qui leur appartiennent, tu veux dire. Oui. Parce que par exemple, la semaine prochaine débarque sur leur plateforme la série animée Les Enfants de la Baleine. Ouais. Bah du coup il va falloir demander aux diffuseurs français un DVD, c'est pas de leur faute si. Ah oui non mais ça d'accord, mais par exemple Okja, voilà. Hein Okja, oui, par je exemple, comprends pas pourquoi il y a pas eu une belle sortie, parce que c'est, me dites pas qu'il a pas marché, il a très bien marché. Mmh. Alors... Donc là pour moi c'est clairement Netflix qui crache sur ceux qui veulent. Ah mais quand physique, tu vois que ça gueule déjà parce qu'ils voulaient le diffuser au cinéma et que c'est pas passé. Il y a que en France que c'est pas passé. Oui. Il y a qu'en France. Et Okja il est sorti en DVD Blu-ray dans aucun pays donc. Oui voilà. Non, là, clairement. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu le retires de Netflix, voilà, à un moment, techniquement, bah, il y a rien quoi, pour le regarder. Voilà. Oui, si Netflix ferme un jour, et bah, pour l'instant, ils sont au top, mais une faillite, ça arrive vite. Voilà, le film n'existe plus. Ils sont au top, ils sont au top. Ça fait partie de beaucoup de boîtes qui ne font pas de bénéfices, Netflix. Oui, mais bon. Ils font pas de bénéfices parce qu'ils font exprès de ne pas faire vraiment c'est beaucoup ça, de bénéfices dans... pour ne pas payer d'impôts dans beaucoup de pays. C'est ça. Dans le capitalisme, les voilà, bénéfices, c'est devenu accessoire. Hein. C'est ça. C'est maintenant, on fait de l'argent autrement. C'est pour ça qu'ils produisent des merdes. Amazon non plus hein, ne fait pas de bénéfices. Ça n'empêche que son patron est le plus grand. C'est pour ça qu'ils produisent beaucoup de choses Netflix, oui, pour dépenser plus qu'ils ne pourraient gagner. Ce qui fait le bonheur de David d'ailleurs, du coup. Voilà, c'est ça. Mais bon, pourquoi ils produisent pas une saison 3 de Sense8? Ça marchera pas, ça fera pas de bénéfice, allez-y les mecs. Hein. Mais pour avoir regardé, c'est pas eux qui produisent vraiment des Sense8. Hein. Ben justement, ils peuvent le reprendre. Bah, peut-être que du coup, c'est les sociétés de production qui ont pas voulu. Ouais, peut-être, je sais pas. Tu vois? Parce que parenthèse, Sense8, de ce que j'ai vu, la boîte principale qui produit, c'est celle des Wachowski, quoi. Donc ah, oui, bon, hein? C'est peut-être pour ça qu'elles ont pas beaucoup fait de déclarations à ce sujet-là, d'ailleurs. Parce que c'est celles qui sont le moins intervenues quand même sur l'annulation de Sense8. Ouais, elles ont jamais tellement beaucoup parlé sur leur film à hein, niveau mais voilà, les Wachowski. Et la société de production, donc c'est elle, et c'est la société de production du scénariste qui bosse avec elle. Oui, non, celui qui était déjà sur Cloud Atlas aussi. C'est ça, JM Straczynski qui écrit aussi du comics. Non, Sinon, moi je pense que Netflix, ce serait bien s'il s'occupait effectivement de produire Les Visiteurs 4. Comme ça, il sortirait pas en salle. Si jamais Netflix disparaît, il disparaîtrait. On n'aurait pas de support physique. Non, ce serait bien. Donc voilà, Netflix, si vous m'écoutez, je vous aime pas, mais si vous sortez des DVD, je vous aimerais peut-être un peu. Mais par contre, ça, je suis d'accord avec toi, qu'il faudrait qu'ils produisent des DVD, quoi. Soit même Sense8, j'aimerais bien avoir. Mais bon, du coup, est-ce que c'est eux qui gèrent ou est-ce que c'est, voilà, la c'est société ça. Des Watchers. Techniquement, je crois que c'est plus le distributeur qui gère ce genre de truc. Mais... Voilà. Bref. Donc, Lou et l'île aux sirènes, il faut y aller. Ouais. Si vous aimez la musique, plein de couleurs, le style de Masaaki. Les sirènes. Les sirènes. Et si on n'aime pas la musique et qu'on est daltonien, on fait quoi? Tu regardes Les Visiteurs 3, 2 et 1. Et... D'accord. Non, mais elle est bien la musique des Visiteurs. C'est le seul truc qui est bien dans le 3. C'est Euro. Non, c'est même la musique originale, elle est vachement bien dans Les Visiteurs. Donc, on a fini avec Lou et l'île aux sirènes. Bah oui. Eh ben écoute, c'est à Issam maintenant de nous parler d'une de ses merdes, d'un de ses films. Alors, bah, vu que visiblement on dévoile quelle est notre liste, moi j'ai fait une sélection comédie française des années 2010. En même temps, il n'a pas dévoilé ce qu'était sa liste. Hein. Si, il a dit que... Ça a été dévoilé. Ouais. D'accord. Donc moi, ce sera comédie française des années 2010, donc on va commencer tout de suite avec Aladdin. Non, donc non, on va commencer tout de suite. Ça, tu m'as fait peur. Enfin, moi, j'ai vraiment cru, il a modifié sa liste. Non, en fait. On va commencer tout de suite avec Maloute de Bruno Dumont, sorti en 2016. Malouloute. Donc, c'est effectivement le surnom d'un des personnages principaux. Hein. Qui l'a vu autour de la table? Donc moi, c'est tout. Tu l'as vu, toi? Je l'ai vu. D'accord. Donc Maloute, ça se passe comme beaucoup de Bruno Dumont dans un petit village côtier du nord de la France, genre village bien paumé, peuplé par du, on va dire par de la France, par du français profond, ah oui, pour le dire poliment. C'est souvent le cas chez Bruno Dumont. Et on suit en gros trois groupes de personnages. D'un côté, une famille locale. Ils sont tous interprétés par des acteurs non pro. C'est une famille locale qui travaille un peu avec les touristes, qui les aide à traverser des étendues un peu marécageuses. Et on découvre très rapidement dans le film qu'en fait, un touriste sur deux, il les tue et il les bouffe. Il y a une famille de cannibales. C'est ça. En parallèle, deuxième groupe, c'est les flics, justement, qui enquêtent sur ces cas de disparition de touristes. Donc on suit principalement deux policiers, le commissaire qui a un esprit qui est un peu bizarre. Pareil, c'est un acteur non pro, donc il a un jeu tout le temps en décalage. Il est super obèse, ils ont dû lui rajouter plein de trucs pour le rendre énorme. Oui. À chaque fois qu'il se déplace, ça fait des bruits de ballon de baudruche. Oui. Enfin, il arrête... Dès qu'il marche sur un truc un peu en pente, il se casse la gueule, tu le vois tomber pendant 15 secondes. Et puis il se laisse tomber volontairement. Oui, aussi, parce qu'il arrive pas... Genre quand il y a un indice par terre, il se laisse tomber volontairement, genre... Pouf, parce qu'il arrive pas à regarder l'indice, quoi. Et on est obligé de le relever derrière. Il m'a aidé à m'enlever, là. C'est même quand il est sur une pente, il se laisse rouler, en fait. Donc voilà, c'est... Que fait la police? Elle se drogue, visiblement. Et une famille de bourgeois qui a une villa, enfin une maison de vacances dans ce village-là. Et pour le coup, ceux-là sont interprétés par des acteurs professionnels, dont principalement Juliette Binoche et Fabrice Lucchini, qui sont... En roue libre. Ah oui, complètement, oui. Ils ont un jeu, en fait, qui sonne faux, qui est ultra théâtral. Et ils jouent vraiment du bourgeois, comme si ça faisait 10 générations que les frères et sœurs couchaient ensemble, quoi. C'est des machins, ça ressemble plus à rien. Lucchini, il a tout un côté paralysé, en fait. Son personnage, il peut plus bouger un de ses côtés, donc il se déplace super bizarrement. Il est bossu aussi. Il est bossu, il parle de manière... Enfin, il a du mal à parler, il cherche ses mots... D'accord, il est mobile, il est comme ça, quoi. C'est, il a les deux bras toujours ballants. C'est ça. Donc, en fait, il y a un jeu très étrange de la part de tous les personnages, parce que de la part des acteurs pros, c'est un surjeu constant, et de la part des acteurs non pros, on sent qu'il y a un décalage, on sent qu'il y a quelque chose qui sonne pas vrai. Et donc, ça installe une ambiance très particulière. Et l'histoire, donc il y a cette enquête sur le cannibalisme, et en parallèle une histoire d'amour un peu à la Roméo et Juliette entre Maloute, donc le fils de la famille cannibale, et Sam, alors on sait jamais si c'est le fils ou la fille. Non, pas Sam, Billy. Billy, pardon, oui. Le fils ou la fille, c'est très... En fait, on sait jamais quel est son sexe exactement. de la famille de bourgeois. Et donc on suit voilà leur histoire d'amour naissante sur fond de cannibalisme. Voilà. C'est un humour très étrange. Alors, parce qu'il y a... c'était la première fois que je voyais un film de Dumont. Ouais. C'est la première fois que je vois des personnages aussi perchés. Un film, ils sont tous chez Père, les mecs. Ah oui, c'est totalement fou. Est-ce que tous ces films sont comme ça ? Alors, tous ces films sont aussi perchés, sachant qu'en fait, à partir du moment où il a fait sa série Petit Quinquin pour Arte, il a introduit de l'humour dans son cinéma, qui avant était très sérieux. Alors, les thématiques et le style sont restés les mêmes, mais l'humour l'a rendu plus abordable et plus absurde, peut-être. Parce que clairement, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Clairement. Clairement, ouais. Malouz ne peut pas plaire à tout le monde. En fait, niveau humour, voilà. C'est mélange comédia dell'arte, truc absurde, limite à la Monty Python par moment, et un humour ultra cynique, ultra noir, limite méchant envers ses personnages. Donc il y a tout ça qui se mélange et qui crée une ambiance très particulière. C'est voilà, quand le personnage du commissaire tombe, il se contente pas de filmer la chute rapidement, ça dure, le plan s'éternise, c'est filmé en plan large sur toute la colline, tu vois le machin qui se casse la gueule pendant 15-20 secondes. Ça serait mon principal reproche. Pour moi, c'est une des qualités en fait. C'est ce qui installe, ça devient un rire nerveux limite. Et pour moi, c'est vraiment une des qualités du film. Il y a une gestion du temps très particulière. Au bout d'un moment, ça ne me faisait plus rire. Mais bon. Oui, moi, ça m'a fait rire. Parce que ça allait trop loin. Sur la fin, ça va trop loin pour moi. Je n'en pouvais plus. Je la trouve géniale, la fin. À la fin, je n'en pouvais plus, ça va trop loin. Je fais non, tu vas trop loin, là. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu, monsieur. Ouais, moi, j'ai vraiment bien accroché. Il va au bout de son délire, justement. Oui, bah oui. Pour le coup. Ça, c'est pas un reproche, je pense. Il va jusqu'au bout de son délire, oui. Grand bien lui fasse. Et même au niveau message, je trouve ça intéressant parce que à première vue, il y a une opposition donc entre les bourgeois et les pécores du coin. Mmh. Mais en fait, quand on y réfléchit, les deux familles ont beaucoup de points communs dans les deux cas, c'est des détraqués complets. Surtout tous starbés les uns. Et ben dans les deux cas, on a vraiment l'impression que c'est une famille incestueuse quoi. Il y a un truc pas net chez eux. Enfin voilà, c'est sale en fait. C'est un humour malsain. Absurde, comédia dell'arte, mais en version sale. Plus vraiment sale, pas malsain. Vraiment. Ah. T'as pas trop de moments un petit peu glauques, malsains, j'ai trouvé. Si, quand tu découvres qu'ils sont cannibales. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui débarque d'un coup, c'est un truc très humoristique jusqu'à présent. Puis tout à coup, t'as un gros plan sur une bassine de reste humain, quoi. Et donc t'as les gosses qui bouffent et t'as la mère qui arrive avec un pied découpé qui fait hey, pas quelqu'un qui voudra un petit bout de pied là. Avec cet accent hein, parce que tous les vu comme ils l'appréciaient, c'est pas des comédiens professionnels, donc ils ont l'accent de leur terroir quoi. Et vraiment la mère c'est ça, on a pas un petit bout de pied là encore là, non, elle a le gros orteil là. Voilà, ils ont tous un accent de ouf. C'est donc voilà, moi je recommande complètement, c'est une bonne entrée dans l'humour de Dumont, comme je dis, dans l'univers de Dumont, parce que comme je dis, il y a la présence de l'humour qui rend ça plus abordable que ces films comme Flandre ou Hors Satan. C'est peut-être mon préféré de Dumont, Hors Satan. Donc vraiment, je pense qu'il y a moyen de passer un moment particulier, même si effectivement ça plaira clairement pas à tout le monde. Particulier, oui, c'est le mot. Ouais. C'est vraiment particulier. Mais voilà, ça prouve qu'il y a encore un cinéma. Qui sort des sentiers battus. Voilà, c'est ça. Et grâce à Arte, en fait, et encore une fois, la série Petit Quinquin, Dumont, il devient plus connu, plus reconnu par un public plus large ces dernières années. C'est une production Arte, d'ailleurs, il me semble. Ouais. Maloute. Une production Arte. Ouais, c'est une production Arte. Voilà. Quelqu'un a des questions à poser à Issam ? Non. Et puis, du coup, c'est intéressant de voir un personnage, même si c'est à la sexualité très floue. C'est intéressant de voir un personnage comme ça, surtout à notre époque où la question de la représentation se pose beaucoup. Bah là, il le fait très naturellement. C'est même le nom de l'interprète au générique. Son prénom c'est Raph, encore une fois, qui peut être à la fois masculin ou féminin. Donc il entretient l'ambiguïté jusqu'au bout et j'ai trouvé ça louable. Bravo. Non, moi j'ai cool. Des réactions très très calmes. Bah ça a l'air particulier, oui. Ouais, voilà. Particulier. Atypique. Ah oui, oui, très clairement. Je regarderai. Je te dirai. Même pour voir Lucchini dans un rôle un peu inhabituel. Oui, pour moi ça c'est un pur plaisir. Mais oui, même si j'ai pas accroché plus que ça, ça fait quand même du bien de savoir que ce genre de film existe dans le cinéma français. Voilà, ça fait du bien de savoir que on a quand même des producteurs et des réals qui font des choses qui sortent des clous. Voilà. Rien que pour ça, c'est quand même, c'est quand même cool que ça existe. Bah déjà, c'est, je trouve ça cool qu'un réal, il puisse aller au bout de son délire, quoi. Qu'il soit apprécié de tout le monde ou pas. Bah dans le genre réal qui va au bout de son délire, le réal, comment il s'appelle, de Steak avec Eric Aramzy, Robert aussi. Monsieur Oiseau. Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, donc Monsieur Oiseau. Pour le coup, lui, j'adhère moins à son univers, mais oui, effectivement, il a aussi. Il fait ce qu'il veut, enfin, il va jusqu'au bout de ses délires, quoi. Son prochain a l'air chouette, d'ailleurs, pour le coup, avec Benoît Poelvoorde et. Le retour de Benoît Poelvoorde, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, Poelvoorde. Ouais, il se faisait discret ces derniers temps. Mais là, son prochain se passe dans un commissariat de police, et les rôles principaux, c'est Benoît Poelvoorde, Anaïs Desmoutiers, je crois, et un des deux du Palmachot, mais je sais plus lequel. D'accord. Mais c'est vrai que. C'est lui qui est drôle. Mais Rubber, c'était particulier aussi. Ouais, je me suis fait chier, moi, devant Rubber. Rubber, tu connais ? Non. C'est l'histoire d'un pneu qui tue des gens. Voilà. D'un pneu qui se bat dans le désert et qui a des pouvoirs psioniques et qui te fait exploser la tête. Voilà. Et ça, c'est français ? Ouais. C'est français. Les décors sont superbes. C'est français, mais c'est tourné aux États-Unis, c'est quand même une prod un petit peu américaine, quoi. Et en plus, tu as des gens qui sont sur une colline très loin, qui regardent ça de loin, en fait, avec des jumelles et tout. Enfin, c'est assez spécial comme ambiance. C'est lui aussi qui a fait le film avec Eric, de Eric Aramzy. Oui, bah c'est Steak. Non, il a fait un film avec lui, qui joue un flic aux States. Et dedans, il y a Manson dedans aussi. Wrong. Voilà. Ouais. Et bah, c'est lui. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Manson, le chanteur. le psychopathe. Oui, enfin, le chanteur. Charles Manson qui est dans le tournage. Marilyn Manson. Ça s'est bien passé. Il a eu sortir. Mais donc, voilà. Bon, on va laisser... Il a même fait un film avec Shabba. Non, finalement, on ne va pas laisser. Réalité. C'est peut-être celui auquel j'adhère le plus. D'accord. Pour le moment. Alain Chabat qui a annoncé le retour du Burger Quiz, présenté par lui-même. Tous les enfants des années 90 sont hâte. Ah oui, non, mais là, c'est le jeu le plus what the fuck de l'époque. Bah, il n'était pas enfant, les années 90. Bah, le jeu dont même... Il était déjà marié, il avait déjà 4 enfants. Il sortait de la guerre. Et oui, c'est le jeu dont même le présentateur n'a jamais compris les règles, je pense, le Burger Quiz. C'est ça. Donc, on a terminé avec Maloute. Ouais, on peut passer à la suite. On peut passer au second tour de table, donc je reprends la parole, du coup, pour vous parler de Colossal, un film hispano-canadien, c'est pas courant comme mixité, réalisé par Nacho Vigalondo avec Anna Tawai et Jason Sudeikis. Colossal, où on suit l'histoire d'une nana un petit peu perchée, un petit peu fêtarde sur les bords, légèrement alcoolique, qui est un petit peu loseuse aussi, c'est-à-dire que au début du film, elle rentre chez elle, après une fête avec des amis, et son mec lui dit cash, bah écoute, j'en ai marre que tu branles rien, que tu passes ton temps à faire la fête, j'ai préparé tes valises là, tu te casses. Voilà, c'est super comme entrée en matière. Elle décide donc... elle décide de se barrer. Non, on lui impose de se barrer. Elle décide de se rendre dans sa petite ville natale, où elle retrouve un ami d'enfance. Pour vous dire à quel point le personnage est très loser, c'est-à-dire, le premier dialogue avec cet ami, c'est, il lui dit qu'il travaille au bar de la ville. Elle lui dit, ah, c'est cool, tu travailles avec ton père. Ah non, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Ah, pardon. Ça a dû faire du mal à ta mère. Ben non, elle est décédée, elle aussi. Tu te souviens pas, t'étais encore ici. T'étais même au funérail. Ah voilà, tu vois là, un petit peu le personnage loser, quoi. Le personnage en fait qui veut bien faire, mais qui non, en fait, se fout toujours les pieds dans le tapis, quoi. Heureusement, il te reste ton chien. Bah non, on l'a piqué le mois dernier. C'est ton meilleur ami qui a une vie de merde aussi. C'est là, tu m'as même accompagné au vétérinaire. C'est un peu ça. Mais donc ce personnage va quand même. Et ton chat. Ah non, c'est toi qui l'as écrasé. Ce personnage va quand même tout faire pour reprendre sa vie en main. Va travailler, donc cet ami-là va décider de lui proposer un boulot au bar pour la faire bosser un petit peu. Un jour, il se passe une grosse catastrophe dans un autre pays, c'est-à-dire à Séoul, en Corée, pour nos amis qui sont pas très forts en géographie. J'allais dire en géométrie, donc ça pose problème. Pour nos amis qui sont pas très forts en géographie. Donc, comme toute personne, quand il se passe une grosse catastrophe, j'y reviendrai sur la catastrophe. Elle est un petit peu traumatisée, elle décide d'appeler son ex. Son ex, il lui met un gros coup de CP. Il y a beaucoup de scènes comme ça, parce que c'est un film qui c'est resté dramatique, mais en même temps un petit peu comédie, très lancinante, très posée. Son copain direct lui dit, mais ça s'est passé il y a 9h. Comment ça se fait que tu le sais que maintenant? Qu'est-ce que tu faisais? T'as passé la nuit à picoler? Tu vas être vraiment très cash. J'ai une petite question pour ce... enfin, ça, on le fait quand la catastrophe arrive dans notre pays, près de chez nous. C'est quand elle arrive à l'autre bout du monde. Bah, ça dépend. Tu peux être très émotif. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup d'émotions pendant le 11 septembre, par exemple. Ah oui. Tu vois? Non, mais pourquoi pas. Ou bon, je vais pas. Pour moi, quand on en vient à appeler quelqu'un, c'est qu'on pense qu'il était là-bas et qu'on se renseigne pour savoir s'il est vivant. Ou alors, ouais, tu peux très bien avoir de l'empathie et du coup décider d'en parler avec quelqu'un, quoi. Quelque chose que tu ne connais pas, l'empathie, ça. Non, mais si tu le dis, je veux bien. Donc, tu vois, il y a beaucoup de scènes comme ça, très dramatiques, mais le film sait garder un ton comique. On va en revenir rapidement à la catastrophe qui s'est passée à Séoul. C'est très simple, il y a une espèce de gros kaiju qui a popé au cœur de Séoul. Donc, les kaiju. Monsieur l'archiviste du cinéma, explication sur les kaiju. Qu'est-ce que c'est, les kaiju? Des stromons japonais. Voilà. Je l'ai vu. Géant. Tu l'as vu? Oui, je des gros stromons japonais. Bon, bah du coup, Alex l'a vu. Oui, avec... Oui, c'est bon, pardon. Je t'en prie, vas-y. Avec les zooms tout à table. C'est pas The Host. Hein. C'est... Là aussi, il y a un gros monstre qui débarque à Séoul, mais c'est pas pareil. Ouais. Ah, je vais dire parce qu'il y a Anataway aussi là-dedans. Mais je vais dire le plot du... Vas-y, vas-y. Bah non, il n'y a pas Anataway dans The Host. Si, elle joue le Host. Bah oui, elle joue le Host, c'est pour ça. Ou elle marche dans l'espèce de parc d'enfants, là. Mais c'est pas The Host, ça. Ça, c'est Colossal. Ah, c'est Colossal. Oui. Bah c'est quoi, The Host, alors? Mais c'est un film coréen avec un monstre. Mais il n'y a pas Anataway dedans. Mais il me dit de la merde. Pourquoi tu dis oui? Je pensais qu'il les connaît aussi, moi. Mais non. Mais non, mais moi, j'y crois, moi. Oh putain, je me rappelais pas du titre. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'arrivée de Bruce Willis au plein milieu du film. Oh la vache. Et donc, plot twist. Oui, Bruce Willis dans le rôle de son rôle d'incassable, là, et qui casse la gueule à Anataway. Ouais, sauf qu'il a des flingues. Ça, j'ai pas compris. Bon, vous avez fini? Ouais. Et donc, plot twist du film. Beaucoup diront que c'est du spoiler. Moi, je pense qu'il faut le révéler pour avoir envie de voir le film. Cette nana-là, au bout d'un moment, se rend compte que tout ce que fait le Keiju... Et ben en fait, c'est exactement le même mouvement qu'elle fait dans la vie, dans son côté, aux US. Oui, mais à un certain endroit. À un certain endroit, mais t'es pas obligé d'aller à fond dans les explications. Mmh. Mais donc voilà, elle peut contrôler le Keiju, elle contrôle le Keiju. Forcément, chose qu'elle va révéler à quelques habitants du coin. Ce qui va entraîner quelques tensions, et du coup, on va pas trop en dire. Mmh. Mais clairement, un film, déjà sur beaucoup de choses. C'est un film qui traite des relations humaines, forcément, de l'alcoolisme, des relations amoureuses qui tournent mal. Ça aborde vraiment énormément de sujets. Donc, Alex, qui l'a vu, qu'est-ce que t'en as pensé de Colossal? Bah, moi, c'est dans la partie spoiler, donc un truc qui m'a dérangé, mais je vais pas le révéler, du coup. Par rapport au fait, justement, qu'elle en parle à certaines personnes, et il se passe quelque chose avec un personnage en particulier. Oui. Ça, j'ai pas aimé. Je trouve qu'on est trop sorti après du film... Sans trop en dire, il y a un personnage qui pète une durite. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant qu'elle lui fasse danser la Macarena, du coup. Ben, voilà, c'est ce qui se passe. Ah merde. Ben, il danse pas la Macarena, mais... sur les sardines. À un moment, elle danse pour montrer aux autres... Voilà, c'est ça. Ce qui se passe, elle danse comme ça. Puis ce qui est marrant, c'est que les autres, ils regardent ça sur le smartphone, ils disent « Ah tiens, putain, il est en train de danser !» Puis ouais, elle lui dit « Oh, regardez !» Et puis en fait... Non, parce qu'en fait, elle a trouvé un plot où, là où elle se met, le monstre se trouve dans un grand parking où il n'y a rien, en fait. Ouais. Donc comme ça, elle sait comment faire pour ne tuer personne. C'est un peu la question que j'ai. Qu'est-ce que fait le monstre quand elle ne le contrôle pas? Il disparaît. D'accord. Parce qu'en fait, elle se rend compte qu'il est là que pendant un timing très précis. D'accord. Genre, il pop à 8h du matin et il reste là pour 5-10 minutes, quoi. Ok, ouais. Et il pop que si elle est à un endroit précis de son village, en fait. Ouais. Mais t'as une explication sur le pourquoi ça arrive. Ça, pareil, c'est un peu... Et ça, c'est vraiment du spoil. Ouais. Bon, ça, c'est pour donner une explication. Oui, voilà, c'est ça. C'est typiquement pour donner une explication. Ça, tu sens que, typiquement, c'est les producteurs qui ont dit « Il faut que tu donnes une explication ». Parce que c'est des producteurs, et voilà, ils sont un peu cons sur les bords. Vous voulez perdre les études, mais on comprend pas l'histoire. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus? C'est exactement ça. Ça fait partie du métier de producteur, hein, faut être con. C'est exactement ça. Mais au moins. Alors franchement, sur ce film, j'aurais pas eu d'explication, ça m'aurait pas dérangé. Moi non plus. Mais au moins, je trouve que le scénariste, enfin, du coup, le réalisateur, parce que c'est lui aussi qui a écrit, est bien retombé sur ses pattes. Parce que du coup, la mimique du personnage qui se gratte le sommet du crâne, bah, ça renvoie à l'origine du truc. Donc il a réussi à tomber sur ses pattes et à bien montrer qu'au final, peut-être que on lui a pas imposé cette idée-là. Après, je trouve qu'Anna Tawai, elle joue bien son rôle. Elle te met un peu mal à l'aise parfois. Elle joue bizarrement. Enfin, elle joue le personnage qui est bizarre. Et... Bah, Anna Tawai est capable d'être extrêmement bizarre. Dans beaucoup de films, Anna Tawai, c'est un des personnages qui me met mal à l'aise. Hein. Enfin, c'est une actrice vraiment qui est capable de ça, de te mettre un malaise, même avec un sourire, où tu dis waouh. Bah, même en Reine Blanche dans Alice, je la trouvais flippante. C'est limite, t'as plus envie de faire confiance à la Reine Rouge. Alors, je la trouvais flippante, et quand elle a commencé à parler des ingrédients qu'elle mettait dans sa potion, je me suis dit oh là, non, elle est pas normale, elle est perchée. Elle... c'est ça. Mais tu vois, moi la relation qu'elle entretient avec l'autre personnage masculin, je trouve que ça apporte. Parce que c'est justement, ça apporte cette critique sur les relations toxiques et sur les relations brutales, les relations amoureuses brutales. Quoi. Avec son ex, du coup. Non, du coup, c'est pas avec son ex, avec un autre personnage. Avec son ex, justement, c'est plutôt les relations strictes, vraiment, quoi. Ouais. Bah, elle en a marre que lui, il veuille gérer toute sa vie. C'est ça. Donc du coup, les deux personnages masculins sont une critique du comportement masculin un petit peu brutal en amour, quoi. Encore un truc de féminazie. Oh, mais quel connard, celui-là. Non, parce que c'est pas fait à la... à la truelle. Ouais, on te le jette pas à la gueule, quoi. C'est très subtil. Mais justement, il n'y aurait pas ce plot avec ce personnage-là. Ce serait un message que tu pourrais perdre. Oui. Par contre, ce qu'on pourrait reprocher, c'est que du coup, les deux autres personnages masculins sont vraiment inexistants, eux. Bah, c'est juste les bons potes. Voilà, c'est ça. C'est les sidekicks, quoi. Mais limite, eux, ils seraient même pas dans le film. Bah, ça change rien, quoi. On s'en bat les couilles. Juste pour la scène où, justement, elle leur explique. Sinon, c'est ça. Ça sert à rien. Mais oui, en fait, par exemple, c'est pas vraiment du spoil. Petit explicatif de ce que représente l'un des personnages. À un moment, les deux s'engueulent. Et en fait, plusieurs fois dans le film, à chaque fois qu'il arrive un truc aux deux qui s'engueulent, bah, le lendemain, l'autre, il lui ramène des cadeaux. Ah oui. Tu vois un peu, du coup, ça rend... comportement typique de relation toxique. Ouais. Voilà, typiquement. Genre, à un moment, il s'engueule, bah, le lendemain, il débarque chez elle avec une grosse télé, quoi. Genre, regarde, je t'ai ramené une télé énorme, c'est trop bien. c'est ce que tu fais à chaque fois que tu me dis que je suis une merde dans le podcast. Le lendemain, tu bois un café. La télé, je crois que c'est le premier cadeau qu'il lui fait. Ouais. Ça part d'un bon sentiment. Enfin, la télé, t'as l'impression que ça part d'un bon sentiment. Mais en fait, c'est après quand il va chez elle et qu'il aménage tout l'appart, en fait, qu'il met un canapé et tout. Enfin... Ça, c'est le stade au-dessus, ça. Ouais, c'est là que tu te dis, putain, là, c'est un psycho, lui. Mais ouais, je pense qu'on peut rien dire d'autre sur le scénario, parce que là, on va commencer vraiment sinon, spoiler. On peut pas spoiler. Et pour le coup, j'ai vu les visuels, il a l'air beau. Et en plus, le monstre, il est plutôt bien fait. Ouais, il est pas dégueu. Alors, son design, bon, c'est pas un design fou, mais il est plutôt bien fait pour une petite... Parce que c'est quand même une petite production. Pour une petite production, il a quand même de la gueule. On le voit pas souvent en gros plan, en fait. Oh, quand même, hein. À partir du moment où on nous le montre la première fois, on nous le montre tout le temps. Ouais. Mais oui, pas en gros plan super rapproché. Pas tout le temps, quoi. C'est le cinéma canadien, j'ai l'impression qu'ils sont bons pour faire pas mal de trucs avec des petits budgets. Okay. Oui. Bah, d'ailleurs, les productions franco-canadiennes, t'arrives sur des résultats aussi qui sont excellents. Pas mal de Cronenberg, c'est des films canadiens. En fait. Là, je pense plutôt que c'est plutôt une équipe espagnole qui a été au Canada pour avoir des fonds. C'est possible, mais en fait, j'ai l'impression que le Canada fait régulièrement ça, parce qu'il y a régulièrement des films que je vois où je me rends compte qu'il y a une participation canadienne. Oui, ils produisent de plus en plus. C'est comme, c'est comme les producteurs chinois qui produisent de plus en plus de films hollywoodiens. Oui, mais aussi. J'ai l'impression que venant du cinéma canadien, on peut avoir un truc un peu plus arty, autorisant, que de la part du cinéma chinois. Bah, disons que oui, les Chinois, ils t'imposent d'avoir des acteurs chinois dans les films, quoi. Oui, et puis ils imposent des idéologies politiques, surtout. Oui, aussi. Faut pas dire du mal de la Chine, quoi. Qui explique l'arrivée de certains personnages dans les films, effectivement, les grands blockbusters américains, le fait qu'il y ait toujours un personnage chinois maintenant, une actrice chinoise, un acteur chinois. Ouais, ça fait du financement, quoi. Ouais. Bah, puis après, ça fait que si ça pouvait vraiment aider la diversité, pourquoi pas. Mais... Effectivement, du coup, ça fait que le film peut être représenté, après, peut être vendu en Chine sans problème. C'est ça. Mais donc, voilà. Colossal. Une bonne petite comédie dramatique, un bon film avec de bons messages, j'allais dire un bon film fantastique, oui et non, c'est pas le point d'orgue du bordel, quoi. Si, quand même, c'est un côté fantastique, rien que l'explication de fin. Ouais, mais on sent, comme on a dit, on sent qu'elle est rentrée au chausse-pied, c'est le souci. Mais disons que ça sert à développer tout le reste. Mais clairement, un film vraiment à recommander. Ouais, puis c'est toujours un plaisir de voir Anna Torre. C'est une superbe actrice sur tous les plans. Oui. Quand je dis qu'elle est flippante, je l'adore. Hein, mais Anna Torre qu'on va retrouver prochainement dans le nouveau volet de la saga 12. C'est Ocean 12. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, ah, de la saga Ocean, du coup. Qui est un reboot, du coup. Ça s'appelle Ocean 8. Non, c'est pas un reboot, c'est un spin-off. Mais qui se concentrera sur une autre équipe, une équipe entièrement féminine. Ouais. Ouais, je pense que ce sera un spin-off, mais avec des rapports plus que lointains, quoi. C'est... Voilà, bah, peut-être qu'on verra un ou deux personnages qu'on a déjà vus dans les autres, mais je crois voilà. que c'est prévu, mais à mon avis, ce sera des caméos. Voilà, c'est mais du coup, c'est pas... C'est vraiment pas pour ça que j'ai envie de le voir. Oui, quoi. Mais c'est... du coup, c'est vraiment pas un reboot, quoi. C'est dans ce sens-là où je dis non. Ouais. Tu oui. Louis Ariana, je crois. Je crois, ouais. Il y a rien dedans. Mais donc, ouais, avec une équipe entièrement féminine. Mm-hmm. Après, les autres films de la saga Ocean étaient plutôt pas mauvais. Donc pourquoi pas? Ah bah pour moi, le 12, c'est un des meilleurs films. Donc de le deuxième. Hein. Ouais. On est d'accord, ouais, Alex, pour Conseiller Colossal? Par rapport à ce que tu dis, d'Anna Tawai, en fait, c'est vrai qu'elle fait. C'est un peu comme une Ellen Page, en fait. C'est deux actrices qui font toutes mignonnes, toutes innocentes à première vue. Mais en fait, elles peuvent jouer des putains de rôles. Ouais, c'est ça. Et puis elles peuvent jouer des rôles vraiment très dérangeants. Et qui font un peu attention dans quoi elles jouent aussi. Aussi, de plus en plus au fil du temps pour les 12, ce qui les rend, hélas, de plus en plus rares. C'est ça, ouais, puis, malheureusement. Il y a une particularité physique hein, chez Anna Tawai, c'est son sourire qui peut aller ouais, très loin. Elle a un immense sourire. Ce qui fait qu'en fait, si elle sourit normalement, tout va bien. Si jamais elle sourit vraiment en forçant un peu, là, d'un seul coup, on arrive sur une sorte de vallée dérangeante. On me dit, ah, là, ça commence à plus être humain. Elle pourrait peut-être être une bonne Harley Quinn grâce à ça. Ah ouais. Ou une bonne Joker. Si tu veux faire, si tu veux adapter la fille du Joker au ciné. Donc voilà, on vous conseille tous les deux du coup Colossal, en espérant vous avoir donné envie. Messieurs, Colossal qui avait eu le droit à une toute petite sortie ciné, vraiment, genre il a dû rester à l'affiche deux semaines dans toute la France. Dans 10 salles. Voilà, c'est ça, genre, allez. Pas étonnant quoi. Allez, on vous le sort, on est gentil quoi. Voilà, j'en ai terminé avec Colossal. Du coup, on passe à Nécro pour son deuxième film. Alors, pour le deuxième film, je vais vous parler de. Du Baron de Munchausen, qui est donc un film de Terry Gilliam, avec une bonne partie du cast d'ailleurs de. Ça va me revenir. Aidez-moi. Monty Python. Des Monty Python. Le Sacré Graal. Dans les acteurs principaux. Et qui est. Alors, je peux que parler du début de ce film-là. C'est. On parle. Parce que j'ai jamais été au-delà de 30 minutes. On parle d'un personnage qui. Regardez la bande-annonce en fait. Ça lui avait l'air bien. Ça commence dans une salle de théâtre, dans une ville assiégée, où il y a vraiment. On voit que c'est vraiment abîmé de partout. Où il y a des personnes qui parlent des aventures d'un dénommé le baron de Munchausen. Et au fur et à mesure. Au bout d'un très peu de temps, il y a un énergumène qui arrive en plein milieu de la scène en disant c'est pas ça qui s'est passé. Parce que c'est moi. Et il dit, voilà, il exprime qu'il est le baron de Munchausen et il raconte son histoire. Et toute l'aventure qu'on a après, tout le film, c'est lui qui raconte son histoire. Et bah, ce film-là, c'est pour moi un appel au rêve. Il se passe tellement de choses qu'à la fin, on se dit qu'il est menti ou pas, ou que ce soit un vieux fou ou pas, c'était bien. Le voyage est cool. Le voyage est cool, il se passe plein de choses, il y a plein de personnages intéressants qui sont merveilleusement joués. Il y a même un Robin Williams qui arrive à un moment qui n'est pas crédité dans le film, parce qu'il ne voulait pas que le film soit vendu pour son nom, mais pour ce qu'il était. Et il joue, il joue deux personnages qui n'en sont qu'un. À vous de voir, hein, vous le verrez. C'est ça. Il n'y a que Alex qui ne l'a pas vu autour de cette table. Non. Baron Munchausen, tu ne l'as pas vu? Voilà. Enfin, alors, je connais la référence. Mais... Renseignez-vous bien d'ailleurs, parce que vu que c'est une histoire qui est tirée des légendes des contes allemands, il y a plusieurs films Baron de Munchausen, parce que c'est libre de droit, mais la version Terry Gilliam. Faites bien gaffe. Et il y a des visuels dedans qui ont inspiré beaucoup de films plus tard, notamment sur les visuels de la mort. Et ça a inspiré même la mort dans Hellboy. Oui. La façon dont la mort est représentée dans... Oui. Après, c'est aussi, je pense, un visuel inspiré de pas mal de légendes mythologiques. Mais c'était vraiment dans le mouvement, dans la façon dont elle était présente, qui est effectivement géniale. Et la façon dont elle disparaît à chaque fois, qui est tout le temps différente. Et donc, oui, bah, je conseille vraiment ça parce que c'est un film, je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois, il m'a autant touché. Et à chaque fois, je m'en rappelle, je me rends compte à quel point il m'a marqué, ce film-là. Et donc, ouais, j'ai envie que vous ayez cette expérience-là. Je sais pas si vous, ça vous a affecté un peu pareil, ce film-là. Le Baron Munchausen, c'est un film qui devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que tu connais toutes les galères qui ont été derrière pour le réaliser. Ah ouais. Comme beaucoup de Guilliam. Hein, comme beaucoup de Guilliam. Façon. Bah, notamment un voyage où ils n'ont pas pu emmener les animaux alors que j'en ai faire. Un producteur qui leur a raconté des cracks niveau budget. Bah, d'ailleurs, c'est passé par trois producteurs, je crois, ce film-là. Enfin, c'était n'importe quoi. Parce que genre, il avait un budget, le budget a été dépassé, on lui a pas dit que le budget était dépassé, et donc du coup, il continue à cramer le pognon, quoi. Je crois qu'il y en a un qui. Il y en a pas un qui. C'est pas sur celui-là qu'il y en a un qui s'est barré avec la caisse. Ah, c'est possible. Oui. C'est la poisse Guilliam dans toute sa splendeur, ce c'est film. Ça. C'est pour moi, il explore des thématiques assez similaires à un autre Guilliam qui est le roi pêcheur. Oui. Il y a toute cette idée aussi du rêve, du pouvoir de l'imaginaire dans le roi pêcheur. Et c'est deux films que je trouve super touchants dans sa filmo. Et sinon, dedans, la vie est un théâtre. Et on voit par exemple même la lune. Bah, la lune, on peut y aller sans problème. Oui. Pour une échelle. L'aspect théâtral, c'est très Monty Python. C'est, mm-hmm. Bah, de toute façon, on trouve ça dans beaucoup de leurs films. Mm-hmm. Bah, l'inventivité visuelle est assez dingue. Hein. Ouais. C'est Guilliam, Guilliam dans les Monty Python, c'était celui qui se chargeait des séquences animées dans Sacré Graal, par exemple. Ouais. Et on sent exactement ça dans Munchausen, je trouvais, dans plein de ses films. Dans Munchausen, normalement, il y a une sorte d'oiseau à deux têtes en animatronique qui est... qui fait son travail, quoi. Ça n'a pas trop vieilli, tu vois le truc, tu vois. C'est dégueu. Mais, ouais, c'est un film qui a plutôt bien vieilli, il y avait beaucoup d'effets intéressants, et l'histoire en elle-même, finalement, ça te fait tout relativiser. Donc, ouais, je le conseille. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire dessus. Oh, si, ça fait partie des meilleurs Guilliam, clairement. Ouais. Vraiment, ça fait partie des meilleurs films de sa réal. Alors moi, il y en a plusieurs que je place au-dessus, mais bon, la réal de Guilliam est tellement génial. Bah le voilà, de Guilliam aussi. Est tellement génial que bon. Déjà, définir le moins bon, c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est surtout ça le problème. Et puis après, en le revoyant, on se dirait, ah, peut-être que c'est pas le moins bon. Du coup, on aurait comme souvent avec Guilliam. T'as le mec qui te réalise un film tous les... Et pourtant, dès qu'il revient, c'est une bombe à chaque fois, quoi. Il y a des réals comme ça qui... Bah, ils restent dans une grotte pendant des années, ils reviennent, ils font hey, « Eh, salut, j'ai fait ça bah, !» Le truc, c'est que Guilliam, il reste pas dans une grotte, c'est il essaie de réaliser ouais, 10 voilà. films, et après, il y en a un où, par hasard, ça marche. Ouais, où il a réussi, il a tué personne. Thierry Guilliam, pour moi, c'est... Entre-temps, il a détruit 3 villes, mais c'est pas grave. Thierry Guilliam, pour moi, c'est l'art de raconter une histoire. Quelle que soit l'histoire qu'il va te raconter, ça va être tellement ancré dans un univers particulier... Et attachant, du coup, tu suis son histoire avec plaisir. Sinon, donc toi, tu n'as pas vu du tout. Je connais de nom la référence, mais sinon, le film, non, je ne l'ai pas. Ok. Pas vu. Je t'en veux pas. Non, mais ça fait partie des. Tu rattraperas ça un jour. C'est un vieux film, j'imagine. Ça fait partie des vieux films comme ça que. Date de quand le Baron Munchausen? Ah, il date des années 80. 80, ouais. Ça fait partie des vieux films comme c'est ça avant quoi, Brésil. Que ouais. Je dois regarder, quoi. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'a pas si vieilli que ça. C'est-à-dire même les effets spéciaux font théâtral. Et du coup, ça passe, quoi. C'est l'avantage quand tu tournes et que tu fais les prothèses, quoi. Oui, et puis aussi l'histoire, le fait que le mec raconte ça dans un théâtre. Oui. Donc tu peux te dire que pour raconter ça, il utilise des décors qui sont autour de lui, donc ça passe. Ça passe sans problème. C'est l'avantage de l'absence de fond vert et de latex pour les effets spéciaux. Même Brésil, qui n'a pas justement cet argument du théâtre, n'a pas vieilli. Ouais. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et dans Brésil, le passage. Visuellement, il reste dingue. Dans Brésil, le passage. J'ai hésité à en parler de Brésil. Le passage étirement de la peau, ça reste toujours impressionnant. Avec la mer, oui. Donc c'est dégueulasse. Et ça reste toujours impressionnant. Non, mais. Brésil aussi, ouais, c'est une putain de tuerie, Brésil. Il y a trop de Guilliam qui sont des putains de théories. De toute façon, tu devras rattraper. Le roi pêcheur, le théorème zéro. Tu devras avoir tout ça, vu qu'il y aura une émission spéciale Guilliam un jour. Hein. Ouais, laissez-moi. Il y avait une bestiole, je ne l'ai pas tapé, t'inquiète pas. Guilliam et Monty Python, enfin les deux en même temps. Ouais. Ouais, voilà. T'auras du boulot. Mais je valide, je recommande tout autant que toi. Mais oui, ça m'intéresse. Parce que nos autres films, tu ne les recommandes pas. Bah, je les ai pas tous vus. C'est vrai que la filmographie de Terry Gilliam, bah, généralement, oui, il se démerde pour que ça vieillisse pas. Donc, tu peux y aller. À force d'affronter toutes les galères qu'il a affrontées, il a dû apprendre à être débrouillard. Il a à se dire, faut que ce soit rentable sur le long terme, parce que là, j'en ai bien chié. Mais c'est aussi ça, en fait, tu disais la thématique de raconter des histoires chez Terry Gilliam. Bah ouais, c'est un mec qui, de fait, doit. Enfin, il vit pour raconter des histoires, sinon il se serait arrêté au bout d'un. Mais l'art de raconter une histoire de façon à ce qu'elle reste intéressante, quel que soit le nombre de fois que tu l'entends, enfin que tu la vois, c'est quelque chose. C'est un réal qui arrive à, bah, il arrive à faire un petit film indépendant et après à faire un gros film un peu plus mainstream, quoi. Parce que L'Armée des Douze Singes, c'est quand même un gros film. Et des années après, il fait Zéro Théorème, qui est quand même un petit peu plus posé et un peu moins mainstream, quoi. Largement moins grand public, quoi. Complètement, quoi. Et encore, même L'Armée des Douze Singes, c'est du grand public, mais grand public bien barré, quoi. Bah, disons qu'il y a une volonté de grosse diffusion avec L'Armée des Douze Singes parce que Bruce Willis, Brad Pitt, quoi. Oui. Au casting, il était bien connu à l'époque, Brad Pitt. Non, ça fait partie de ses premiers gros rôles. Ouais. Mais Bruce Willis, par contre, c'était déjà la star qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Quoi. Alors, par contre, c'est le film où j'ai moins accroché de Terry Gilliam. L'Armée des Douze Singes. Ouais. L'Armée des Douze Singes. J'ai un. Alors peut-être le fait que j'y sois allé avec ma classe dans une vision d'un visionnage scolaire m'a cassé les couilles. Ah, il faut peut-être que tu le revois. Mais pour le coup, L'Armée des Douze Singes, je crois que je le revois. Ça doit faire partie des rares Gilliam qui sont pas écrits lui-même, parce que c'est une adaptation, L'Armée des Douze Singes. C'est peut-être partie des rares Gilliam qu'il a pas écrit lui-même. Alors, faudrait se renseigner, parce que c'est adapté d'un court-métrage qui s'appelle La Jetée, et qui est vraiment très court. Hein. C'est une adaptation très libre. Mais pour le coup, il y a une inspiration de quelque chose, quoi. Il y en a plus qu'on ne pourrait croire, hein, des Gilliam qui a pas scénarisé. Le Théorème Zéro, c'est pas lui le scénariste. Le Roi Pêcheur, c'est pas lui le scénariste. Ouais, mais ce que je veux dire dans le sens, c'est des scénarios originaux quand même, quoi. Enfin, c'est des scénarios originaux, c'est tous ces films-là. Ouais. Non, je réfléchis s'il y en a d'autres des scénarios adaptés de Gilliam, mais non, effectivement. Bah, le Baron de Munchausen, c'est une adaptation d'une œuvre. Ouais, mais plus existant. Que libre. Oui, voilà. Ah, très libre. Mais la vie de Brian, c'est l'adaptation de Jésus. Quand tu fais des adaptations, Brian, le Sacré Graal, c'est l'adaptation de la légende arthurienne. Avec les chevaliers du Nid, ils ont vraiment existé, eux. Oh, come on, it's just a scratch. I want a strawberry. What? A rabbit. No! Regardez ce film aussi. Oh, let's not go to Camelot, it's a silly place. Regardez Sacré Graal, regardez-le. Oh, c'est génial. Je l'ai vu plein de fois, mais je pleure de rire devant. Les derniers mots du mec avant de crever, quoi, il écrit dans la grotte. Et puis le mec est âgé qui clève des mains. Oh putain, Monty Python, c'est tellement extraordinaire. Regardez les Monty Python. Sacré Graal, c'est tellement extraordinaire. Bon, on referme la porte, Baron Munchausen. Est-ce qu'on passerait pas au second film de la sélection d'Alex? Bah oui. Voilà. Donc le deuxième film dont je voulais parler, c'est encore une fois un film de Masaaki qui s'appelle Night is Short, Walk-on Girl. Donc on va suivre en fait une fille durant une nuit entière, qui va vivre des péripéties absurdes parce que c'est Masaaki de toute façon. Elle va d'abord passer par un duel avec le dieu du rhum, pendant lequel elle va essayer de boire le plus d'alcool possible, évidemment. Elle va le battre pour effacer les dettes d'un ami qu'elle a rencontré avant. Et elle va rencontrer comme ça une palanquée de plein de personnages. Elle va rencontrer une fille qui va être son compagnon de beuverie en fait tout au long de la nuit. Elle va rencontrer aussi un autre dieu, le dieu des festivals du livre. Et oui, parce que dans le film, durant la nuit, il y a un festival du livre, pas pourquoi, des livres d'occasion. Le dieu du festival du livre. Ouais, c'est un dieu du festival du livre d'occasion, attention. Un petit gamin avec des dents de lapin comme ça qui va lui demander de l'aide, etc. Elle va aussi participer à un festival de l'école locale. Qui se passe en pleine nuit. Qui se passe en pleine nuit, je sais pas pourquoi. Il y a des énormes pièces de théâtre comme ça qui se déroulent. Et donc il y a le dieu des festivals d'école. Pour le coup, je crois. Non, il y a pas de dieu par contre. Je crois que les festivals des écoles au Japon, c'est pas totalement ubuesque qu'il y ait des trucs qui se passent en pleine nuit. D'accord. Donc voilà, elle va passer par ça. Et en fait, ça c'est le fil rouge, mais à côté, on va aussi suivre les péripéties moins glorieuses d'un homme en fait qui veut sortir avec elle, qui est amoureux d'elle. Et qui va tout le temps se viander à chaque Enfin, on peut recouper le film en petits arcs, tu vois, il y a l'arc justement avec le dieu du Rome, etc., avec les livres. Et à chaque arc, en fait, il va se viander, soit il va passer pour un pervers, soit il va tomber à l'eau, enfin, etc. Donc, en fait, ce film, c'est vraiment un petit voyage comme ça, triptyque, excellent, quoi, qui se passe durant la nuit, et... Enfin, que dire de plus Visuellement. Visuellement, bah ça claque, de toute façon, j'ai déjà fait les éloges tout à l'heure de Masaaki, ça revient au même, là. Et donc tu retrouves cette patte, cette esthétique couleur. Dans l'animation, ouais, les couleurs un peu moins, puisque ça se passe durant la nuit, donc on a plus des couleurs chaudes, moins pétantes. Mm-hmm. La fin est complètement déjantée, je vais pas la raconter. Ça se passe justement avec les deux personnages, la fille et le mec qui en pince pour elle. En même temps, elle est à 4 grammes déjà, donc... Ah oui, en plus, elle picole, hein, mais tout le temps, donc, elle picole. Son univers doit être un petit peu... Bah là, où elle en est, elle voit le dieu du radiateur... Ce qui est marrant, c'est que... Dans les divinités japonaises, ça n'étonnerait même pas que ça existe. Ils ont des dieux pour tout, ces mecs. Le dieu du papier blister. Ce qui est marrant, c'est qu'après le passage, justement, avec le dieu du Rome, elle se réfugie dans un bar où il y a plein de salariman. On dirait une espèce de secte, en fait. Où ils picolent du vin et essayent de se donner des bonnes notes, etc. Et elle arrive, elle donne une espèce de réponse à une énigme qu'il lui pose, et du coup elle se retrouve avec un verre de, je sais pas, 20 litres, comme ça, et puis ils vident tous leur alcool dedans, et puis elle boit tout, et du coup c'est une divinité en fait pour eux. Et ils se mettent tous à danser, en fait ils ont une danse bizarre où ils se mettent accroupis, ils tournent autour de la table, et puis ils font des trucs comme ça avec les bras, enfin bon, c'est pas très... Ouais, c'est très difficile, c'est pas très radiophonique, justement. Voilà, c'est plein de petits moments comme ça, humoristiques, absurdes, qui... C'est génial, en fait. Moi, c'est vraiment, j'adhère, j'accroche à l'esprit de Masaaki. Donc, foncez. On est aussi, ouais, foncez. Je me trompe peut-être, mais il l'avait pas fait en même temps que Lou et Lilo Sirène. Si, c'est sorti la même année, ouais, ouais. Je sais pas la dispo en France, par contre. C'est exactement le même jour que Lou et Lilo Sirène. Bah, en génial. Ouais. Vous achetez les deux en même temps. Ouais, voler les deux en même temps. Ah, d'accord. Pourquoi pas. Sinon, c'est trouvable en ligne. De manière très légale. Oh. Bah, qui t'a parlé de voler? Typique. Ah, oui. Voilà. Pirate. Tu soulèves la question, moi je donne les moyens. Tu soulèves la question, moi je donne les moyens. Eh ben dis donc, c'est pas très joli ça. Mais ouais, son cinéma a l'air vraiment génial. Ouais, franchement, c'est super génial. C'est bon, c'est très particulier. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adhéreront pas parce que c'est... Ouais. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment absurde. Il m'a l'air assez productif comme garçon. Moi, ça m'intéresse déjà. Mmh. Enfin, ce que tu m'en as dit, moi, j'ai envie de voir ça. Je pense que ces prochains films vont finir par arriver en salle, déjà, avec ces deux-là qui sortent en DVD Blu-ray. Bah, de ce que j'ai vu, il a pas fait énormément de films. Il en a fait 3 en comptant les deux que je parlais. Bah, il est un peu productif maintenant, quoi. Bah, il a surtout fait beaucoup de participations. En fait, je sais qu'il a travaillé sur un épisode de Samurai Champloo. Il a fait Space Dandy. Mmh. Il a travaillé pour Wakfu aussi, c'est un sûr Wakfu. Puis il a fait plein de petites participations comme ça en tant que designer, artiste, enfin réal, mais ses propres œuvres originales comme ça, il en a pas fait encore énormément. Ouais, parce qu'il commence à s'exprimer en tant qu'indépendant. Je pense qu'avec le succès de Devilman, à mon avis. Il est pas si vieux que ça, il a 14 ans. Non, mais il a pas tant en plus, je crois qu'il a un peu plus de la trentaine, donc. Enfin, quand tu vois. Le réal de Ghibli, là, j'ai oublié son nom. Miyazaki, oui, qui a 80 balais, enfin. Encore. Il en fait encore, quoi, donc... c'est que le début de sa carrière. Il en est à sa 4e retraite, Miyazaki. Non, alors, Miyazaki, on ne le sait pas, mais il a la retraite depuis Nausicaa. Mais on ne le sait pas, mais c'est un clone, actuellement. Ouais, je pense que l'âge, ça a pas du tout... C'est pas du tout une barrière, là-dedans, à mon avis. Tant que t'es vivant, tu... Dans le cinéma, quoi, c'est rarement une barrière. Ouais. Donc, tant que t'es vivant et que t'es pas gâteux. Enfin, dans le cinéma, je dirais même dans les milieux artistiques, l'âge c'est rarement une barrière, quoi. Les mecs s'arrêtent pas à ça. Oui, c'est ça. Hein. Ils ont du mal à s'arrêter, au contraire. C'est une fois qu'ils produisent. C'est ça. Hein. Que ce soit dans le cinéma ou dans la BD ou dans n'importe quoi, quoi. Du moment que les mecs ils peuvent encore tenir un crayon ou tenir une caméra, ils y vont, quoi. T'as fini avec ton deuxième film? Oui, j'ai fini. Je peux rajouter aussi, regarder le court métrage qu'il a fait. Ça s'appelle Kick Art, il me semble. Donc c'est un vite fait, hein, en 3 minutes. C'est un combattant de lutte, là. Un lutteur, voilà. Un combattant de lutte. Donc un lutteur qui se fight, en fait, et à un moment, il tombe sur une meuf. Et puis, plus elle le tabasse, en fait, plus il aime ça. Donc en gros, voilà, quoi, il est SM. Et ça se finit qu'elle lui met une énorme raclée et il est sous le charme. Enfin bref, c'est triptyque encore mille fois plus que les deux films dont je vous ai parlé. Et si vous avez kiffé les deux films, regardez ça, vous allez rigoler. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on passe au film d'Isam ou est-ce qu'on s'en fout ? J'ai envie de découvrir le réel. Ouais, non, franchement, c'est un bel film. Même Sam, il bloque là. Ouais, lui, il s'en fout. Donc bon, on va zapper le film d'Isam du coup, vu qu'il s'en fout lui aussi. Isam ! Moi j'ai passé au deuxième film de ma sélection. On parlait de Dupontel tout à l'heure, on va y revenir, puisque je vais parler du Grand Soir, réalisé par Kervern et Delépine, avec Dupontel et Paul Verhoeven dans les rôles principaux. Donc, Le Grand Soir, c'est l'histoire de deux frères, un qui travaille dans un magasin, enfin, un qui est vendeur dans un magasin de canapés et de fauteuils, joué par Dupontel. Et un qui est un punk à chien, sorti des années 90, en fait, qui joué par Paul Verhoeven, qui passe son temps à parler à son klebs, à rêver du grand soir et à boire de la bière dégueulasse, en se promenant sur le parking d'une grande zone commerciale, sachant qu'en fait, toute la première partie du film se passe dans cette zone commerciale, puisque le magasin de Dupontel est là, Paul Verhoeven se balade dessus. Et les parents des deux, en fait, tiennent un restaurant La Pataterie, là-bas. Du coup, j'ai jamais osé aller dans un restaurant La Pataterie depuis que j'ai vu ce film. C'est très bon, La Pataterie. Et ce qui lance l'intrigue, c'est qu'un jour, Dupontel se fait licencier sans aucune raison. Et il va sombrer, en fait, il va être récupéré par son frère, qui va lui apprendre la voix du punk. Et ils vont partir en errance dans la campagne dans une sorte de voyage punk, pour avoir une sorte de révélation punk et pour pouvoir accomplir le grand soir. En gros. C'est quoi que tu appelles le grand soir ? Oui, voilà. Le grand soir, c'est le délire communiste, le jour où ils renverseront le pouvoir en place, la bourgeoisie, le capitalisme. Mm. C'est, voilà, c'est ça, le grand soir. C'est pas la rêve de Macron, quoi. C'est ça. Kervern et Delépine, c'est deux mecs qui se sont fait connaître par Groland. Ils participent encore aujourd'hui à Groland. Il y en a un des deux, je crois. Gustave Kervern, c'est un des journalistes de Groland. Et Delépine, je sais plus quel rôle il joue, mais il joue aussi des rôles et ils sont tous les deux scénaristes. Et on retrouve un peu l'humour Groland par moment dans leur cinéma. Même si leur film, en fait, se double de quelque chose de beaucoup plus touchant. Alors, c'est un cinéma très à gauche, ça je pense que vous l'aurez compris de toute façon. Bah, déjà, vu les acteurs qui sont dedans, ouais, c'est ça, quand tu prends ces deux-là, voilà, c'est au bout d'un moment, faut pas espérer autre chose. Donc, c'est un cinéma très à gauche, très drôle, mais qui en même temps a toujours quelque chose d'à la fois poétique et un peu malsain. Parce que leurs personnages, c'est toujours des personnages de pauvres, enfin, qui n'ont pas été gâtés par la vie. C'est des chômeurs, c'est des semi-clodos, c'est des mecs qui se retrouvent à la retraite sans rien à faire dans certains de leurs films. Et d'un côté, on sent que c'est la société qui a une mauvaise influence sur eux, mais au contraire de pas mal de films sociaux, eux, ils sont clairement pas tout blancs. C'est des personnages dégueulasses, c'est des personnages souvent très cons. Y a un manque de culture crasse, ils sont alcooliques, enfin voilà, c'est des personnages attachants, mais dont on sent que c'est un peu des losers quand même. Voire des gros losers. Un peu comme un mec avec qui on sympathiserait dans un bar, qui est pilier de comptoir, et puis. C'est exactement voilà. Ça. Avec qui t'aurais une discussion intéressante, mais tu dirais. Après. Il est con comme ses pieds, lui. Après le grand soir, ils ont fait entre autres. Tu sais pas que des glaçons, lui. Ils ont fait entre autres quand Saint-Amour, c'est l'histoire de deux paysans joués par Depardieu et Paul Verhoeven. Oh putain. Qui font la route des vins. Oh putain. Ouais, voilà, déjà, il y a que le pitch. C'est diffusé sur Arte, ça. Oui, c'est fort probablement. Eh ma couille, on va avoir un bon petit billard. Il y a une émission avec Depardieu sur Arte qui est un peu dans le même genre, de toute façon. Donc, Avec Depardieu, ils ont aussi fait Mammouth, où il y a une scène où Depardieu qui voit un vieux boucher retraité se branle avec son cousin. Enfin, la scène... Hein, voilà, il y a un côté, il y a toujours des trucs comme ça hyper malsains dans leur film. Si tu veux, l'un des plus simples à regarder, c'est Les Valseuses, et puis après tu peux regarder les films dont il a parlé. Mais Mammouth, ouais, il est pas très très vieux, mais je me rappelle, il avait même pas pu de cachet sur ce film, je crois, non? Mais quand il joue pour eux, il prend pas de cachet, ouais. Depardieu. Ah ouais. C'est quand il est sur un film qu'il a vraiment envie de faire et où il sait qu'il y a pas et seul cachet qu'il prend, c'est de l'extra. Et donc voilà, le grand soir, et bah... bouffé, c'est, c'est ça, et qui peut pisser dans les avions, ça va. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, il fait une apparition dans le grand soir, dans le rôle d'un mec qui lit l'avenir dans les verres de vodka. Voilà. C'est très méta que vous. C'est hyper drôle. J'aime beaucoup l'état d'esprit que ça diffuse parce qu'il y a un petit état d'esprit. Ouais, libérez-vous de ce, du capitalisme, de ce capitalisme qui a transformé, enfin qui a créé cette espèce de zone industrielle moribonde. Où les deux seuls qui diffusent un sentiment de vie, en fait, bah, c'est les deux frères qui virent que pont. C'est le seul moment où on les sent vraiment heureux, c'est quand ils se barrent de cette zone industrielle, qu'ils se retrouvent en pleine nature, vraiment libres. Et j'aime beaucoup ce message anticapitaliste. Même s'il y a un certain regard réaliste sur le fait que le grand soir et la lutte des classes, bah, c'est plutôt mal barré. Oui. Ils ont quand même cet espoir, cet appel, ils nous disent « continuez à rêver à ça ». Finalement, c'est continuer à espérer ça, donc voilà, c'est quelque chose qui me touche, avec un humour moi qui me fait pleurer de rire. Alors c'est pour, j'étais allé le voir avec des potes au ciné pour dire à quel point on en était sur certains gags. J'ai un ami qui a failli se faire virer de la salle parce qu'il riait trop. En fait, on est venu lui dire de se calmer, sinon on le virerait de la salle. Un cinéma de droite, du coup. Ça devait être ça. Qui n'appréciait pas les blagues du film. J'ai, donc voilà, je vais pas trop en dévoiler, mais très très grosse recommandation sur celui-là. Pour moi, ça entre vraiment dans le feel-good movie au final. Tu m'as donné envie, mon salaud. C'est feel-good movie. Si vous avez des idéaux de gauche, très clairement, ce sera du feel-good movie en fait. Ah. C'est, vous en ressortirez avec, avec l'envie, l'envie de renverser le capitalisme. Ah. Le décapité du bourgeois. Demain au journal, la Fnac de Reims a pris feu. Bon, par contre, après, non, mais voilà, c'est parce Macron, que... Fillon. Voilà. Ça se passe dans cette zone industrielle où il y a toutes les, bah, tous les trucs, tous les magasins, tous les supermarchés. Et ils sont glauques, en fait. Ils sont super glauques. C'est, y a quelque chose de malade dans tout ça. Même les deux parents qui travaillent à la pataterie, on les croirait sortis dans un épisode de Striptease, en fait, les parents. Des émissions de l'Arte. Oui. C'est, tu sais, ils découpent leurs patates à la main, mais tu sens qu'ils ont du mal à les couper. En fait, c'est vraiment pitié. Alors, Striptease, c'était des reportages sur des gens qui laissaient plus ou moins respirer la caméra. C'est une caméra qui était relativement intrusive au niveau de leur intimité. C'était du portrait. Mais qui laissait les gens s'exprimer, ce qui fait que du coup, c'était pas, il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas retravaillés. C'était pas. T'avais très peu de cut hein, dans les trucs de striptease. Bah, c'était du vrai documentaire. En fait, il les suivait pendant, ensemble pendant un bon moment, pendant minimum un mois, pour qu'ils s'habituent à la caméra et qu'ils agissent naturellement devant la caméra. Alors après, évidemment, au montage, il y avait quand même un sens qui était donné. On gardait les meilleurs moments, entre guillemets. Mm-hmm. Mais il y avait un côté naturel et ça suivait en fait des cas sociaux, mais avec un regard vraiment. Et oui, il y avait un côté humoristique, mais avec un regard vraiment tendre aussi. Ouais. C'était vachement bien, striptease. C'était pas pour se moquer. C'est... Pour le coup, il y a l'esprit striptease aussi chez Carverne et de Hippin. Ils suivent des cassos, mais en même temps, ils les aiment. Voilà. En fait, tu rigoles avec eux, mais pas de eux. C'est ça. Ouais. Voilà. Et bah, du coup, striptease, ce qui était intéressant, c'est que même vu que tu as effectivement une caméra qui s'insinue vraiment dans la vie de la personne, bah, malgré tout, c'était l'émission la moins voyeuriste. Ouais. Et c'était bizarre. C'était... Bah, et puis il n'y avait pas de voix off, donc comment il n'y avait pas de voix off. Pas de commentaire, totale contradiction avec son titre, voilà. Quoi, du coup. Oui. Ça qui était génial. Bah, et puis voilà, alors Carverne de Hippin, ils ont des acteurs récurrents. Dans leurs acteurs récurrents, il va y avoir bah, du coup Paul Vord. Bah, Dieudonné, du coup. Ah, Dieudonné. Depardieu. Depardieu. Dieudonné. Dieudonné, il a du mal en ce moment à trouver des rôles. Yolande Moreau aussi apparaît dans plusieurs de leurs films. Donc voilà, c'est encore une fois, même dans les acteurs qu'ils choisissent. C'est très marqué d'un certain bord. Voilà. C'est vrai que Yolande Moreau et Dieudonné, ouais, c'est... En plus, bah, la musique, évidemment, ils ont fait appel à plein de groupes punk pour faire la musique. Donc, c'est... Même au niveau des morceaux utilisés, c'est totalement barré. Je me demande s'il n'y a pas la chanteuse Brigitte qui a composé les pistes sur Le Grand Soir. C'est... Enfin, elle a fait les musiques pour un de leurs films, et je sais... Ouais, je suis quasiment sûr que c'est Le Grand Soir. C'est vrai que si tu veux parler de milieu punk, Barré, Brigitte, à un moment, ouais, ça peut se... Ouais, voilà, la mamie de 60 ans qui fait de la musique punk, c'est déjà un concept. C'est ça. C'est, pour donner une idée, une des scènes qui me fait le plus rire, c'est après que Dupontel se soit fait virer, il y a son frère qui essaie de l'aider à retrouver un boulot, donc déjà le mec avec la crête, les habits dégueulasses, et qui débarque avec un CV dégueulasse dans un magasin, et qui commence à dire « Ouais, mon frère, il est sérieux, il travaille bien ». Et à l'arrière, à l'extérieur, il y a Dupontel qui est en train de se battre avec une des mascottes du magasin et de crever des ballons. C'est génial, c'est juste ultra drôle. Tu nous as donné envie, je pense. Ouais, ouais. Ouais, il a l'air marrant. J'ai envie de le voir, celui-là. Ouais, il est vraiment génial, celui-là. Est-ce que tu en as fini avec Le Grand Soir ? Bah ouais, c'est fini avec Le Grand Soir. Et ben, nous allons passer au troisième tour de table de ce podcast recommandation. Et pour ce troisième tour de table, je vais vous parler de Shin Godzilla. Godzilla Résurgence aux US. Si vous êtes un minimum intelligent, vous avez compris un petit peu la thématique de ma liste. Oh putain. C'est-à-dire comédie romantique. Je crois que c'était Voyage en le temps. Qui se termine mal. C'est pas Mathieu. Ah ouais, c'est elle. C'est elle qui joue Godzilla, non, celui-là. Ah ouais. Elle a pris du poids. Ah, bah pour le rôle, oui. Ça. Ah, c'est de l'acteur studio. Hein. Et puis elle a beaucoup grandi aussi. Ouais, le costume flottait sinon. Donc Shin Godzilla, sorti en 2016 pour l'anniversaire de la bestiole. J'ai oublié, en fait, c'est combien ? Bah, en fait, c'est 60 ans, vu que le premier Godzilla oui. date de 52. Ouais, 60 ans. Donc en fait, un peu plus de 60 ans, ouais. Premier Godzilla qui, au passage, est toujours aussi cool, hein, vous pouvez y aller. Donc, retour de Godzilla au Japon. Non, parce que oui, il y en a eu un autre entre le Gareth Edwards et celui-là. Isam, au lieu de lire des mangas. Non, il y en a eu un entre le Gareth Edwards et oui, c'est ma question, en fait. Je suis pas sûr. Alors, du coup, ça serait le retour de... Je sais plus de quand date celui de Kitamura, en fait. Est-ce qu'il est avant ou après celui de Gareth Edwards ? Celui de Gareth Edwards date de 2014, il me semble. Celui-là, 2016. Faudrait vérifier honnêtement les dates des Godzilla, je les ai pas, je les ai pas en tête. Mais il me semble que c'est vraiment le retour. Donc Shin Godzilla, réalisé par Hideaki Anno, donc le créateur de Evangelion, de l'animé Evangelion, car n'oublions pas que Evangelion c'est à la base un animé et pas un manga comme beaucoup de personnes le pensent. Donc réalisateur de la série animée et des films récents qui sont sortis il n'y a pas longtemps, Evangelion 1.1, 2.2 et 3.3, qui a fini par sortir après des années d'attente. Je le note. Nouveau Godzilla qui est fait sous le prisme de l'administration japonaise, puisque un monstre arrive, ça prend le... Alors c'est, on va dire que c'est un redémarrage de la licence, parce qu'il y a beaucoup de Godzilla qui... dans beaucoup de films Godzilla... Les Japonais connaissent Godzilla, on sait qu'il existe, on sait que c'est une menace, on sait qu'il peut revenir. Là, c'est sa première apparition dans l'histoire. Les gens ne le connaissent pas, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, il apparaît sur les côtes, il fait des ravages, et vraiment, ça se passe vraiment dans les bureaux administratifs où les Japonais se posent des questions. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre lui ? C'est, en fait, ce qui est assez étonnant dans ce film, c'est que c'est très pragmatique. Alors qu'il se passe un truc totalement, totalement fou. Une grosse bestiole qui débarque. Et eux, dans leur bureau, ils tiennent des conversations à base de « Oui, à cause de ça, on a dû fermer les aéroports et tout, ça nous fait perdre beaucoup d'argent, il faut le tuer. » Tu vois, c'est le pragmatisme à donf, quoi. Et c'est pareil jusque dans les évacuations au début du film. C'est « Oui, alors, gardez votre calme, il y a un gros monstre qui arrive, gardez votre calme, allez, en film indienne, allez, on fuit la ville tranquillement. » Il n'y a pas de scène, au début, tout du moins, il n'y a pas de scène extravagante. Jusqu'à ce que Godzilla débarque sur la terre ferme, où tu vois que c'est une espèce de gros monstre dégueulasse qui se traîne, parce que ce nouveau Godzilla prend le parti d'un Godzilla qui évolue, et au début il a une gueule un petit peu dégueulasse, il est pas très bien formé, il a pas de bras, donc il rampe sur le sol, il dégueule du sang, mais qu'est-ce qui se passe ? Et au fur et à mesure du film il évolue et gagne en taille et en puissance. Comme la version Gareth Edwards, tout est filmé à hauteur d'homme. C'est toujours Godzilla qui est filmé soit en plan très éloigné pour voir qu'il en impose comparé au reste de la ville, soit vraiment en contre-plongée. C'est un Godzilla assez énorme qu'on a là. Alors, pas aussi gros que celui de Gareth Edwards, parce que celui de Gareth Edwards faisait partie des plus grands Godzilla jamais créés. Mais contrairement à celui de Gareth Edwards, là, on nous le montre. Parce que les Japs, eux, même si niveau effets spéciaux, c'est pas des dieux sur Terre, ils hésitent pas à montrer leurs effets spéciaux. Ils en sont fiers et ils nous le montrent. Sauf que, pour le coup, on a droit à un joli Godzilla, visuellement. C'est pas des effets spéciaux de fou, mais pour une production japonaise, c'est super cool. Et pour en revenir à ce prisme de la catastrophe montrée sous le point de vue de l'administration, on pourrait se dire que c'est une idée à la con, on pourrait se dire que bah, ça va être chiant comme la mort, sauf que pas du tout, c'est ultra passionnant de voir comment l'administration s'en sort avec les échanges entre le gouvernement, les militaires. Ça va super vite, le montage il est super rapide, parce que dès qu'un personnage dit « oui, il faudrait appeler eux pour savoir ce qu'ils en pensent », pouf, la scène d'après, on les voit au téléphone tout de suite. Il n'y a pas de transition genre « je me déplace vers le téléphone, je compose le numéro et j'appelle ». C'est genre « il faut les appeler, pouf, tout de suite, cut, oui allô, oui alors qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, ça va bien de votre côté ?» Donc c'est super passionnant. C'est filmé super vite, on perd pas de temps, tu t'ennuies pas. Le film dure 2 heures, mais clairement, tu ne t'ennuies pas. Derrière ça, forcément, c'est un film Godzilla, donc forcément, il y a la critique sur le nucléaire, sur l'usage du nucléaire, une grosse critique aussi sur l'armée américaine, sur ce qu'ils ont fait au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, t'as une grosse critique sur ça. Genre... c'est un film très intelligent sur ce côté-là, parce que typiquement, à un moment, t'as une scène où Godzilla se fait bombarder par des bombardiers américains, parce qu'il décide d'intervenir. T'as une grosse bombe qui tombe sur Godzilla, il se fait toucher, et t'as un des personnages japonais qui fait « bien joué ». Et genre, tu dis, ça fait bizarre d'entendre un japonais dire « bien joué » à propos de l'armée américaine qui balance une bombe sur son putain de pays. Et la scène d'après, tu te rends compte que cette bombe a donné beaucoup plus de puissance à Godzilla et qui détruit toute la ville à cause de ça. Et donc tu comprends du coup que le « bien joué » prononcé par ce japonais, bah, c'est pas anodin en fait. Tu comprends que c'est quand même un double sens qui dit bah, « putain, vous avez encore foutu votre merde, quoi, bande de connards. » Bande de connards qui intervenaient alors qu'on vous a rien demandé, quoi. Après, si je peux me permettre une petite parenthèse, en fait, dans l'ensemble, dernièrement, les films qui ont cette critique de l'armée américaine et du nucléaire, des catastrophes nucléaires au Japon, ils ont aussi une grosse critique de la participation du Japon et de l'acceptation qu'ils ont eu de la présence de l'armée américaine. Oui. Donc si ça se trouve, le bien joué de la part du personnage est vraiment au premier degré, et c'est aussi un moyen de critiquer le fait que le Japon a accepté tout ça. Alors, il y a de plus en plus cette critique là qui ressort ces dernières années. Ouais. Alors pour le coup, il faudrait que tu le voyes, ouais, pour voir comment toi tu l'interprètes, mais je le vois plus, pas après pour les autres critiques qui abordent le film, je le vois plus comme la version avec laquelle je l'ai interprété, quoi. Ouais. Parce qu'après, t'as aussi une grosse partie du film, au bout d'un moment, l'ONU fait comprendre au Japon que bah, maintenant, c'est nous qui prenons les décisions, vous faites plus rien, on va intervenir. Et du coup, décision est prise par Washington et par l'ONU de bombarder le Japon à base d'armes nucléaires pour buter Godzilla. Et là, du coup, tu comprends que c'est vraiment une critique envers ça, quoi. Que c'est vraiment une critique anti-nucléaire. Du coup, Japon qui essaye d'arrêter Godzilla avant que le lancement de la bombe soit donné, quoi. Vous n'avez pas à s'inquiéter, il y avait les antispécistes qui allaient faire un blocus devant. Alors, et ça, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a l'un des gros points communs avec beaucoup de films Godzilla, c'est que très souvent, on nous montre Godzilla avec beaucoup d'empathie. C'est très souvent, on essaye d'humaniser un petit peu Godzilla, de montrer qu'il a mal quand on l'attaque, de montrer qu'il se défend. Dans ce film-là, Godzilla est vraiment montré comme une menace. C'est vraiment un monstre, il est vraiment moche, il est vraiment dégueulasse, et il faut vraiment l'exterminer. À aucun moment, tu n'as d'empathie pour lui. Alors que très souvent, mis à part dans les tout premiers films Godzilla, où là, c'est vraiment un monstre, très souvent, il est montré comme le monstre « gentil », entre guillemets. Bah oui, dans tous les Godzilla, voilà. Parce que c'est ça, parce que très souvent, dans beaucoup de Godzilla, c'est « Ah bah il y a un monstre qui arrive, ah bah il y a Godzilla qui arrive pour lui péter la gueule et pour sauver l'humanité. » C'est très souvent ça, les plots de Godzilla. Une sorte de mascotte à une époque. Voilà. Bah, disons pas du tout dans celui-là. Godzilla, c'est déjà, donc Godzilla, selon le fait que ce soit un dieu, c'est une divinité. Et c'est, le message était un peu finalement la réponse de la nature face au nucléaire. C'est ça. Face à l'homme qui était allé trop loin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette empathie, cet amour de Godzilla au Japon. Et c'est pour ça qu'ils ont réagi par rapport à la version américaine en disant « Mais c'est quoi cette merde ?» Alors, la version américaine, de pas celle de Gareth Edwards. La version avec, avec Jean Reno, réalisée par... Emmerich. Où là, il se disait, bah, et d'ailleurs au Japon, il ne l'appelle pas Godzilla, il l'appelle Zilla, la version américaine en Amérique. Le Gareth Edwards, il n'est pas très bien. Ouais. Alors, ils ont plus de respect envers, envers celui-là, mais voilà. Mais après, oui. Disons, le souci du Godzilla de Gareth Edwards, c'est que c'est un film Godzilla qui ne montre pas Godzilla. C'est quand même assez problématique. Si ça avait bien géré le truc, ça aurait été bien, mais ça ne le gère pas très bien. Bah voilà, parce que. Le gros problème, je pense à des scènes typiquement où, où genre, t'as les gens qui commencent à paniquer, genre, il y a Godzilla qui arrive, il y a Godzilla qui arrive. Cut. Cut. Ouais. Et direct, tu vois, à la, tu vois un reportage télé, regardez ce que Godzilla a fait. Ouais. Ben non, faut pas faire ça. Ouais, merci, connard. Ouais, voilà. Me ça. Dis pas, montre-moi. C'est ça. Parce que visuellement, le Godzilla de Gareth Edwards est plutôt réussi. Parce qu'il est très fidèle au modèle original, il est juste plus balèze. Mais sinon, il est plutôt fidèle au modèle original. Alors, j'ai plus de mal avec le Godzilla de Shin Godzilla, au niveau du design. Il est un petit peu différent. Si tu veux, quand il a une gueule un petit peu à la Predator, tu vois, il est normal. Et quand il ouvre la gueule, en fait, la mâchoire du bas s'ouvre en deux, comme ça. D'accord. Et tu fais, mais pourquoi ça fait ça? C'est bizarre. C'est très étrange. Mais oui, il a des petites particularités comme ça. Bah, après, rien que le fait de le faire évoluer constamment pendant tout le film. Alors, est-ce qu'il y a son cri typique? Il y a son cri typique. Ah, magnifique. Il y a son cri typique, il y a le thème typique de Godzilla. Ça. Il y a des reprises de musique d'Evangelion. Quoi? Il a repris des musiques de sa création, quoi. Donc. Putain. Il a repris des musiques d'Evangelion. Il n'a aucune race, quand même. J'avoue, c'est un petit peu amusé, ça. Mais du coup, c'est le mec qui gère bien les trucs de Kaiju, quand même. Et les trucs de Kaiju avec un vrai message. Complètement. Evangelion dans son style. Parce que... toutes les scènes de destruction où Godzilla est là, vraiment, tu sens que le bestiau, il est dangereux, quoi. Tu sens qu'il faut pas rigoler. Mais, comment dire, c'est vraiment du film de monstre typiquement Jap, typiquement japonais. C'est, on n'a pas honte de te montrer la bestiole, même si des fois, ça craint un petit peu niveau effet visuel, mais on te la montre, on s'en fout. Sur la fin, c'est typiquement japonais, c'est tu vois des trains de partout, c'est là, les Japonais et leur amour du train. À la fin, ils foutent des bombes dans les trains, ils les balancent sur Godzilla, quoi. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Mais voilà, le film est passionnant, malgré cet aspect très bureaucratique. Et bureaucratique poussé à l'extrême, avec indication du lieu où on se trouve. Même si le lieu, tu vas le voir que deux secondes, il y a un moment... ça filme deux personnages qui sont dans une vieille cage d'escalier pourrie. On te dit cage d'escalier du ministre. Voilà. Alors c'est... que tu vas y être que pendant 3 secondes dans cette cage. Il y a un moment, on voit un petit moustachu avec un casque à plumes qui passe en cherchant de laisser passer à 38. Oh là là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Les 12 travaux d'Astache. Oui, mais j'ai compris, merci. Pourquoi? Oui, j'avais compris que c'était ce petit moustachu-là et pas le petit moustachu... C'est par rapport à l'administration. Non, le petit moustachu allemand, non. Voilà. Tu m'as fait peur, oui. Alors, par contre... ça a été fait, ça, Godzilla contre Hitler? Oh, putain. C'est possible. Le pire, c'est que c'est possible. Mais taisez-vous. Arrêtez. Voilà. Ça m'étonnerait, quand même. Oui, ça m'étonnerait fort quand même. Bah, et sinon, je vous suggère l'idée contre Robo Hitler, à la limite. Robo Hitler. Ninja Godzilla contre Robo Hitler. Ah bah Ninja. Ah là. Ah ouais. Ah oui. Par contre, Robo Godzilla, ça existe. Mais Mechagodzilla, ça existe. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils sont capables de tout. Fais gaffe. Ouais. J'imagine bien Godzilla, c'est qui met un bandeau à un moment. C'est vrai que c'est vachement intéressant de voir. Enfin, comment le nucléaire a eu une influence très différente sur la culture pop jap et la culture pop américaine. Ouais. C'est au Japon, ça donne Godzilla. Aux États-Unis, ça donne Hulk, finalement. Oui, ça donne des super-héros. C'est ça donne des super-héros. Mmh. On voit bien qui c'est qui les a lâchés, les bombes, quoi. C'est exactement ça. Mais donc, voilà. Shin Godzilla, c'est vraiment un pur héritier des tout premiers Godzilla. Si vous aimez les films de monstres, et plus particulièrement Godzilla, il faut y aller. Parce que c'est passionnant, ça dure sur 2 heures, mais ça en paraît une. ça passe très très vite. C'est super cool, la BO envoie du lourd. Et les acteurs sont très très beaux. Messieurs, parce que je suis le seul à l'avoir vu du coup autour de la table, on ne l'a pas précisé. Bah ouais, ça va donner envie de le voir. Voilà. Mmh. Oui, moi aussi. Surtout, ça fait toujours du bien un film Godzilla, même quand ils sont pas top. Même quand ils sont pas top. C'est toujours plaisir. Mais et vu que celui-là l'est, c'est encore mieux. Je sais qu'un jour, avec un pote, je vais faire aussi des films Godzilla noir et blanc, histoire de me dire, ok. Le tout premier est sorti en Blu-ray il n'y a pas très très longtemps. Ah, j'ai plutôt envie de voir ceux où il combat des monstres à la con qui sont après restés dans le lore de Godzilla. Après, il y a que les deux premiers où il est vraiment seul. Et celui-là, du coup, où il est vraiment seul. C'est, pour le coup, appel aux distributeurs français. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien une sorte de coffret avec tous les Godzilla, parce qu'il y en a qui sont introuvables. Et pas les éditions Atlas, s'il vous plaît. Non, mais c'est... J'ai pas envie d'acheter en le plus, 10e à 15 euros. Plus, voilà, c'est le truc, tu peux en mettre deux par DVD... C'est un coffret assez simplement pour pas trop cher. Il serait peut-être temps de le faire, quoi. C'est quand même un monument de la culture. Oui, parce que c'est ça ce que j'allais dire, c'est que c'est même pas un monument de la culture japonaise, c'est un monument de l'histoire du cinéma. C'est ça, donc ouais, le fait que le premier ce soit seulement maintenant qu'il soit devenu simple à trouver, déjà ça c'est scandaleux. Déjà. Bah, il est temps de tous les ressortir. Voilà. Et alors ce qui est super, c'est sortez-vous les doigts du cul, Elephant Films. Si vous m'écoutez, voilà. Après avoir insulté Pika la dernière fois, on s'attaque au problème. Non, là pour le coup, c'est les fans de films, ils font des bons trucs et ce serait bien leur style de faire un truc comme ça. Donc, c'est pas des connards alors. Non, ils sont bien les fans de films. C'est eux qui ont sorti des éditions ultra collector pour tous les trucs, style Tokyo Girl Police et compagnie. Donc ils sont vraiment bien les fans de films. Et bah, les fans de films, on fait des bisous. Et on veut Godzilla. Si au niveau de Godzilla, un truc que je peux ajouter, c'est aussi ça a tellement marqué au niveau mondial. Que il y avait d'un côté King Kong aux USA et de l'autre côté il y avait Godzilla au Japon, et ça a amené à faire par exemple dans les années 80 plein de jeux où il y avait les deux monstres sacrés qui s'affrontaient, notamment une sorte d'équivalent de Worms où c'était des bâtiments, les choses comme ça, où tu avais Godzilla d'un côté, la Rampage effectivement, avec donc des batailles dans la ville avec les monstres dont ceux que tout le monde utilisait, un gorille géant face à Godzilla, quoi, je veux dire. Puis, on peut rappeler que prochainement au cinéma, King Kong versus Godzilla. Donc production américaine par contre pour le coup. Et bah, ça après, aussi comme ni le King Kong ni le Godzilla étaient très top. Parce que du coup ça serait le Godzilla de Gareth Edwards que c'est le King Kong. Et le King Kong du dernier King Kong. Que je n'ai pas vu, mais on m'en a pas dit forcément du bien. C'est pas nul hein, mais c'est pas top. Est-ce que j'ai cru comprendre en plus ils ont fait un King Kong super super massif. Bah, histoire de pouvoir résister au Godzilla. Ils étaient obligés, vu que c'était pour après, ils avaient déjà le projet de le mettre face au Godzilla de Gareth Edwards. Parce que sinon, King Kong, originellement, c'est un gorille seulement un tout petit peu plus grand que les vrais gorilles. Il doit faire 2-3 mètres de plus. Quoi. Alors que là, oui, il fait. Il est encore plus grand que celui de Jackson. Ouais. Par contre, ce qui a donné la hype à beaucoup de personnes, c'est à la fin, on voit des illustrations dans des grottes, où on voit les monstres qu'on retrouvait dans Godzilla. Mmh. Où là tu te dis bon alors je sais pas comment ils vont les faire, c'est oui sur les Mothra, toutes ces bestioles là tu dis wow. Sérieux les mecs, vous voulez vraiment lancer là dessus en fait je pense que le rapport au film de monstres et à la destruction n'est pas du tout le même aux États-Unis qu'au Japon, en fait les Américains seront incapables de faire un Godzilla qui respecte l'esprit Godzilla, parce que c'est une histoire de mentalité en fait. Par contre, ils peuvent faire un bon King Kong. Les Américains voient le film de monstre sous le prisme du pur divertissement. Alors que les Japonais le voient plus sous le prisme du on veut transmettre des valeurs et des messages. C'est ça, le Japon a de base un rapport particulier à la destruction et aux catastrophes naturelles qui fait qu'ils ont du mal à être dans le pur divertissement avec ça. Ça leur est trop arrivé pour qu'ils puissent le faire, je pense. Oui. C'est ça. Et pour moi, c'est aussi ce qui a porté, du coup, après la mode du Sentai et Super Sentai, où effectivement, à chaque fois, ils affrontent des créatures géantes dégueulasses et ils mettent des robots en face et tout, des combattants en armure. C'est ça. Ce qu'il a donné plus tard en déclinaison Pacific Rim, finalement. Oui. Pacific Rim qui est très inspiré d'Evangelion. C'est exactement ça. Quand le robot sort son épée, c'est typiquement manga. Ouais. La scène est épique. C'est génial, Pacific Rim. Del Toro, on t'aime. Et voilà. Bravo. On a une boule de Noël. Il y a carton des décos de Noël. Mais c'est Evangelion, c'est ça en fait. C'est le héros est assez faible. Et du coup, l'immensité des monstres est tout de suite bluffante. Bah oui, du coup, ça renforce le côté fragile de l'humain. Quoi. Mmh, c'est ça. Mais comme je le dis, dans ce Shin Godzilla-là, oui, Godzilla, c'est vraiment la pire saloperie qui pouvait arriver. Quoi. Bon, après, c'est genre même... Il y a tout un passage où... parce que tu parlais des spécistes tout à l'heure, il y a un passage où tu vois genre un groupe de manifestants qui sont là, sauvez Godzilla, save Godzilla, et tu les vois en fait, non, c'est pas ça, ils sont tout contents en train de manifester, sauf qu'ils sont dans un décor de destruction, et ils sont filmés en hauteur pour bien que tu vois toute la destruction autour, quoi. Mm-hmm. Et du coup en fait, ils sont tournés en ridicule, quoi, par le réal forcément. Tu vois que c'est sa vision à lui de Godzilla, quoi, que pour lui Godzilla ça doit être un monstre destructeur. Et non pas un dieu sauveur, comme beaucoup de Godzilla après. Mmh. Après, on apprécie ou pas cette vision de Godzilla, quoi. Bon, les deux peuvent être intéressants. Mais les deux sont intéressantes, et de toute façon, les deux restent dans l'esprit de Godzilla, quoi. Oui. Quoi qu'il en soit. Parce que de toute façon, même en dieu sauveur, en fait, il est incontrôlable par l'homme. Donc, ouais. Oui, parce que même quand il les sauve, il détruit, malgré lui, des décors, quoi. Enfin, ouais. Des décors. Du coup, des... Des décors. Du coup, des... Le mec dans le costume, là, il détruit les décors. Mais tiens, on peut en parler, oui, de ça, parce que du coup, le Shin Godzilla, le réalisateur, prend le parti de revenir à la maquette. C'est pas que de la CG. C'est de la CG avec un mélange de maquettistes. Pour le costume, le Godzilla. Quand tu vois le Godzilla pour la première fois, tu vois que c'est du plastoc. Mais c'est cool, parce que c'est du plastique. Voilà, et c'est pour ça que il vieillira sans doute beaucoup moins que le tout premier Godzilla ricain tout pourri. Qui déjà aujourd'hui, je pense, commence à vieillir. Ouais, c'est... Enfin, après, comme tu dis, on le voit pas beaucoup. Donc, Ah si, dans celui-là, on le voit beaucoup. Non, l'autre... Non, dans le tout premier Godzilla ricain, on le voit beaucoup. Ah, le tout premier, oui. Oui, celui avec Jean Reno, là. Oui. Celui de Gareth Edwards qu'on le voit pas beaucoup. Oui, voilà. Mais dans le premier, où on le voit, c'est... Ah bah lui, il a déjà vieilli, oui. C'est outrageux de le montrer autant, surtout quand il est aussi là. Emmerich, c'est pas un très bon réal. Hein. Déjà. Par contre, ça a donné une excellente série en dessin animé. Le dessin animé était plus cool parce que le film. Le dessin animé est parti sur la base de l'œuf qui était resté de Godzilla, qui est gentil. Disant, bah oui, ça va devenir un Godzilla, mais protecteur, un cool qui affronte des gros monstres. Mm. Du coup, bah oui, ils se sont rapprochés de la version japonaise avec le fils. C'était génial, le dessin animé. Ouais, le dessin animé était cool. Bah, on avait le Mecha Godzilla, on avait les Mantras, etc. Ouais. Et celui de Kitamura, du coup, il est bien. Je ne l'ai pas vu, celui-là. C'est Ultimate Wars, un truc comme ça. Ouais. Ah non, pas Ultimate War. Mais si, Final War. Final War. Mais ouais. Si, Final War, je l'ai vu, qu'est-ce que je raconte que je l'ai pas vu. Mais oui, donc il est beaucoup plus vieux que celui de Gareth Edwards. C'est celui-là, Final War, c'est Godzilla qui affronte d'autres bestioles, dont d'autres Godzilla. Et il est bien. Parce que dedans, il affronte. Alors je crois que dedans, il affronte Mega Godzilla, et il me semble que c'est dans celui-là qu'il affronte le Godzilla de. Oui, du film américain. Du film américain. Oui. Et il le déglingue en 2 secondes. Il lui pète la gueule en 3 secondes. Ah ouais. Il le ridiculise, mais. Ah oui, non, mais finalement, c'est une projection, un tir. Voilà. Voilà, c'est. Du coup, c'est bon, c'est. Ah, il est super fun. C'est vrai, Kitamura, c'est un réalisateur qui est champion pour. Il a réussi à faire un super film hyper captivant où il devait avoir, je sais pas, 1 million de yens de budget, ce qui est ridicule, et il tourne dans une vieille forêt pourrie, quoi. Chez nous, ce serait le bois de Fontainebleau. Et il fait un film de baston, genre fantastique, qui marche super bien. Alors que tu te rends compte qu'il a rien. Donc, ouais, j'ai très envie de le voir, le sien. Oui. Mais je te le passerai, je l'ai. À la maison. Là, encore une fois. Je l'ai en DVD. Il faut bien qu'un jour tout ça ressorte chez nous. Ça serait bien. Ça serait bien. C'est vrai que le jour où le coffret il sort. Ça, on a bien des coffrets. Ça va être une belle bête. Alors, des coffrets Godzilla. Non, ça te permet, quoi. Le coffret, la trilogie visiteur. On n'est pas très regardant sur le patrimoine. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai fini avec Shin Godzilla. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non. On en reparlera. J'ai envie de le voir. Du coup. On en reparlera quand vous l'aurez tous vu. Il est temps de passer au dernier film de la sélection de Necro. Oui, bah on va parler. Alors on va parler d'un film qui est encore de Terry Gilliam. Donc la thématique. Donc. Terry Gilliam n'est pas, pour moi et pour beaucoup, on va dire, le meilleur. Hein. Mmh, clairement pas. Mais pour moi, qui est un film qui a été, qui est passé un peu à l'as, qui est Les Frères Grimm. Alors, les frères Grimm, pour vous mettre le contexte, c'est deux frères arnaqueurs, enfin un plus que l'autre, un qui entraîne son frère un peu plus fragile dans ses histoires à la con pour gagner du fric sur les croyances des gens, en faisant des fausses attaques de sorcières. C'est un film sur la rapetou. Et donc, en gros, ils font une mise en scène d'une attaque de sorcière sur les gens. Et du coup, après, ils font comme s'ils chassaient la sorcière la faisaient disparaître à tout jamais. Sauf que bon, ben, c'est que de la ficelle, du maquillage et tout ça. Et... Non, merci. Il y a un des deux frères... le connard. Je vais l'appeler connard. Connard premier. Monsieur connard. Donc, connard premier. Captain Connard. Donc, Connard, lui, il veut faire juste du fric, et l'autre, bah, il a des ambitions qui sont un peu plus sympas, c'est qu'il veut faire des histoires. Et donc l'autre, on l'appelle Full Valeur ou... Voilà, donc on va appeler Connard et Full Valeur. Et bah, y a un moment où ça commence à se ressentir qu'ils font des cracks. Sauf que... Au bout d'un moment, les gens, ils sont pas cons, quoi. Bah, il y a une histoire, à un moment, où ils se retrouvent, où on les accuse d'avoir fait des enlèvements, et d'avoir fait aussi encore une fausse sorcellerie, dans un village, où, bah non, en fait, ils sont pas du tout mêlés. Et, bah, plus l'histoire avance, et plus ils se rendent compte que, bah, oui, en fait, c'est vraiment une vraie sorcière. Mmh. Chose à laquelle ils croyaient pas, il y a vraiment toute une forêt qui est complètement contrôlée par cette sorcière-là. Beaucoup de scènes vraiment très anxiogènes. Et du coup, bah, ils se retrouvent confrontés face à une réalité qu'ils n'attendaient pas. Et ils vont être envoyés là-haut à leur mort, hein, parce que personne n'est revenu de la forêt. Ils vont être envoyés à leur mort en disant, bah, si jamais il y en a qui peuvent réussir à trouver s'il y a une supercherie, c'est vous. En gros, parce que bah, vous êtes voilà, vous êtes ceux qui ont non, vous y trucs. Connaissez, vous y connaissez en enfumage, donc on va vous envoyer là-haut. Et ouais, l'histoire j'ai trouvé vraiment très intéressante. Et bah, c'est une version complètement romancée de ce qu'auraient pu être les frères Grimm, mais j'ai trouvé vraiment très sympa. Même ce clivage entre les deux frères est fait de façon, on a de la sympathie finalement pour les deux. Il y en a un qui est vraiment le connard, on va dire, et bon vivant. Et l'autre a envie de rêver, envie d'apporter du rêve. Mmh. Et finalement, on se dit que les deux se complètent bien pour faire un, pour plus tard, effectivement, créer des histoires absolument géniales. Surtout qu'ils sont joués par des acteurs loin d'être détestables. Ah ouais. Tu ne l'as pas ouais. dit, mais quand même. Alors, très bonne direction artistique, très bons acteurs, très bons costumes. Donc les deux frères joués par... Parce que depuis tout à l'heure, on ne le dit pas. Ah oui, c'est déjà un peut-être, peut-être en venir un voilà. jour. Voilà. Qui sont donc du coup des très bons acteurs. Et oui, une bonne gestion de la lumière. Bon, en même temps, la direction artistique, c'est Gilliam. C'est limite voilà. de préciser que la direction artistique est dingue. Alors, la musique m'a pas plus marqué que ça. Je ne me rappelle plus tellement de la musique. Mais je pense qu'elle était très bien en musique au niveau de l'ambiance du film. Parce qu'il n'y a rien qui m'a dérangé. Alors, je l'ai écouté en dehors. C'est, on va dire, du Sue Elfman. Mais c'est, oui, c'est Elfman qui non, compose. C'est pas du tout non, lui. C'est pas lui. Mais c'est, je sais plus qui c'est, je voudrais bien son nom. Mais voilà, ça ressemble à du Elfman, de pas très... Enfin, voilà. Mais je pense que la pas façon géniale, dont c'est intégré dans le film passe complètement. Complètement, ouais. Et sinon, bah, on a le pouvoir mis, mis en... sur un piédestal ridicule qui nous montre que bon, bah, le ouais. pouvoir, c'est pas... c'est pas exceptionnel. La fin est belle. La fin est belle. Même tout, il y a vraiment une poésie dans ce film. Même tu sais quand on découvre les filles, la façon dont elles sont disposées avec le clair de lune et tout, et là, ouais, c'est cool. Ouais, et puis les milliers de références aux contes des frères Grimm, mais qui ne sont pas assénées au marteau, quoi. Oui, parce que même si tu chopes pas la référence, tu vas pas te dire ah il manque une référence, ouais. tu vas juste dire ouais bah c'est voilà, le film continue. Donc ça c'est agréable. Il y a de plus en plus de films d'ailleurs qui, quand ils casent leurs références, maintenant ne le font pas de façon extrêmement brutale en disant regarde là, là Ready Player One. Oui, ça dépend. Ah la vache ouais, là... Ça dépend, ouais. Non, mais celui-là, à mon avis, ça va être le cas d'école qui va faire que tout le monde après va être discret sur ses références. Alors d'ailleurs, parenthèse, ça finalement, c'est pas Spielberg qui va réaliser Robe Apocalypse. Ou Robot Apocalypse, il va réaliser un truc de robot géant. Et finalement, il le produira juste et c'est Michael Bay qui va le réaliser. Oh putain! Ouais, des robots avec des explosions! C'est vrai! Michael c'est Bay! Vrai, j'ai dit qu'il commençait à en avoir marre de Transformers. Bah, c'est exactement ça! Le mec il veut plus faire de Transformers, mais du coup il fait la même chose avec un autre titre. Putain. C'est quand qu'il nous fait un Astro Boy? Ah non, non, faut pas qu'il fasse ça. T'as pas ou quoi, toi? Mais ouais, les frères Grimm, en fait, le reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il y a des soucis de rythme qui fait que des fois, il est un peu mou du genou. Mais en vrai, c'est un film rempli de bonnes idées. Oui. Ah oui, oui, oui. Et oui, ça fait partie des oubliés de Terry Gilliam, quoi. On n'en parle pas souvent, quand on parle de Terry Gilliam, c'est pas le film qui vient en premier. C'est comme Bandy, c'est pas le film que tu vas sortir en premier quand tu parles de Gilliam, quoi. Celui-là, parce que pas grand monde l'a vu, Bandy. Voilà, c'est aussi ça. C'est 81, Bandy. Je me demande si c'est pas son premier, en fait. Ça doit être son premier long métrage. Ouais. Hein. Non, voilà, donc... voilà, je suis resté dans le Terry Gilliam et puis dans le film qui fait... qui offre un peu de rêve là avec celui-là. J'ai après Baron Munchausen. On retrouve ces thématiques finalement sur la réalité et le voilà, et l'imaginaire, le fait de raconter des histoires, d'avoir envie de le faire. Puis le fait que l'imaginaire, bah, effectivement, ça, c'est la vie quoi. Tu trouves pour la musique? Bandy 81. Hein. Donc oui, ça fait partie des premiers films. Donc est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Donc Lisa, tu l'as vu? Moi aussi. Et toi, tu ne l'as pas vu non plus. Je suis le mauvais élève. De toute façon, ouais. le mauvais élève de la journée. Aucun de nous n'a vu aucun des films de ta recueil. Mais de toute façon, Alex non plus n'a pas vu ses propres films. Hein. Moi, j'ai regardé les bandes annonces. Hein. J'ai lu le résumé Wikipédia. Les Wikipédia, bon, les avis sur Rotten Tomatoes. La bande annonce, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ah, la référence Rotten Tomatoes, quoi. Merde. Les avis, les critiques Amazon, du coup, là, bientôt, il va nous sortir. C'était un bon film, mais le vendeur a une vraie mauvais DVD. Alors, sur les musiques de Frère Grimm, Dario Marianelli. D'accord, c'est pas un mauvais compositeur, mais il est assez oubliable dans l'ensemble. D'accord. Je vois pas ce qu'il a fait. Apparemment, il aurait eu un Oscar déjà. Pourquoi déjà? Je sais pas. Bon. Oscar de meilleur film pour Reviens-moi. Enfin, Oscar de musique pour Reviens-moi. Je ne sais plus laquelle c'est. Bah donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment tout l'univers décalé de Terry Gilliam. Mmh. C'est toujours les mêmes thématiques un peu qui entrent en jeu dans Terry Gilliam, mais finalement le message c'est rêver. Rêver et partager vos rêves. Et ouais, c'est louable. Vraiment. Même si des fois le message rêver il est délivré avec un gros cynisme. Brésil, par exemple. Zéro théorème aussi. Hein. C'est une déprime, hein, théorème, Brésil. C'est même pire, zéro théorème. C'est zéro théorème, c'est la déprime tout du long. Parce que zéro théorème, c'est limite, rêve, mais ça sert à rien, mais continue, hein, si tu veux. Hein. Ouais. Zéro théorème, c'est un peu ça. Pareil, il a été assez mal reçu à sa sortie, zéro théorème, je comprends pas pourquoi. C'est meilleur, film, c'est une tuerie, ce film-là. Tu peux noter ça aussi, Alex. Ouais, j'ai beaucoup de films à noter. C'est un film qui réussit à être passionnant à base de recherche de théorèmes mathématiques. Ah, puis visuellement, c'est... Ouais, c'est... En fait, c'est un mec qu'on charge, c'est un mathématicien de génie, mais totalement asocial, joué par Christoph Waltz, qui travaille dans une église désaffectée. Donc le décor est magnifique, dans une société un peu futuriste où tout est interdit. Il y a ce plan génial où il est devant un énorme mur avec tous les panneaux d'interdiction, et tu vois que tu n'as le droit de rien faire. Et en fait, même les panneaux d'interdiction, il y en a des dizaines, et ils forment une croix, en fait, tous ensemble. Et en fait, son patron, il travaille pour une sorte de société, il cherche des théorèmes mathématiques pour une société, et son grand patron lui demande de chercher un théorème mathématique, le théorème zéro, que personne n'a jamais réussi à démontrer, et ce théorème prouverait que la vie n'a pas de sens. Et donc le sens de sa vie, c'est de trouver ce théorème. Que la vie n'a pas de sens. Tu vois l'ironie du bordel. Ça a l'air perché quand même. Et il s'évade avec une sorte de prostituée en ligne jouée par une Tilda Swinton complètement en roue libre, elle aussi. Il est pas... Le personnage principal n'est pas dans un espèce de costume un peu chelou. Si, quand il va en ligne, il utilise une espèce de combi de réalité virtuelle. Ça me dit quelque chose. Il est chauve aussi de mémoire. Ouais, il est chauve dans celui-là. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais non, enfin, Christopher Watts, quoi. Déjà de base. Ouais, c'est rien que ça. Et puis c'est Matt Damon qui joue son patron, je crois. Oui. On en a fini avec les frères Grimm. Ouais. Alex. Oui. Ta dernière recommandation. Donc, pour terminer ma sélection, je voulais parler d'un... Enfin, ce qui est considéré comme un court-métrage, mais c'est un film de 45 minutes. Donc chacun voit midi à sa porte, voilà. Un court-métrage de Makoto Shinkai pardon, qui s'appelle Garden of Words. Eh ben merci de nous en avoir parlé. Voilà. Hi Sam, alors. Donc on suit un étudiant qui a 15 ans et qui a enfin son rêve en fait c'est de devenir cordonnier. Sauf qu'il en parle à personne parce que malheureusement chez lui sa mère elle se tape des petits jeunes et son frère il va déménager avec sa copine. Il n'y a pas papa à la maison donc il est tout seul. Le film va se dérouler durant la saison des pluies. Donc on est au mois de juin. Le film de toute façon est coupé au mois de juin, juillet et puis après août. Et septembre aussi. Et lui, en fait, durant la saison des pluies, ce qu'il aime, c'est sécher les cours et aller se réfugier au parc public sous un... Comment dire, un Porsche. Un Porsche, voilà, merci. Mais seulement pendant la saison des pluies. Bah oui, parce qu'il pleut, il aime bien. D'accord. Et pour aller dessiner des chaussures sur son carnet de croquis, etc. Vraiment une vie de merde. Ah ouais, franchement, ça commence sur les chapeaux de roue. Il était pote à Guy Devan. Tu veux que je te rappelle ton boulot à toi, là? Insulter les clients. Non, tu veux que je te rappelle ton boulot à toi? Dans ton hôtel de passe, là? Oui, bah moi, mais moi j'insulte les gens, ça les fait. Continue. Tu vois, la première fois... À tous ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, insulter les gens de la manière la plus dégueulasse possible, ils se plaindront pas. Ils se plaindront pas. Le client qui arrive avec une nana, tu sais, tu connais pas du tout le client, tu connais pas la nana, elle semble un peu jeune. C'est « Bonjour monsieur, ah, vous êtes venu avec une nouvelle aujourd'hui !» Je suis sûr qu'il l'a déjà fait, ça. Non, ça je l'ai jamais fait, mais. C'est t'entends, c'est l'esprit quand même. C'est ouais, t'entends. Alors, en même temps, quand t'as des nanas de 20-30 ans qui débarquent et qui te font je rejoins mon oncle, mais je me souviens pas de son nom, je me souviens pas de sa chambre. Arrête de me prendre pour un con, quoi. Oui, parce que je me souviens pas de sa chambre, ça passe encore, mais. Je me souviens pas de son nom, c'est juste. Je vais voir mon oncle. Mmh. Et donc. Je vais voir mon oncle quinquagénaire. Il tremble un petit peu. Et donc, voilà, le premier jour de la saison des pluies, il va justement sous ce Porsche et il rencontre une femme. On sait rien sur elle au début. Au départ, il va pas trop lui parler. Et au fil des jours, ils vont discuter, ils vont apprendre à se connaître. Et voilà, en fait, durant la première moitié du film, on voit que les deux personnages vont se rapprocher. On comprend qu'elle a un passé assez douloureux, elle a eu une expérience traumatisante avec son boulot. Ce qui fait qu'en fait, elle sèche son boulot, clairement, et elle passe son temps sous le Porsche à boire de la bière et à manger du chocolat. Ah. Petit gag du film. Seul gag. Hein. C'est quoi le gag qui boit de la bière ou qui mange du chocolat? Donc, bah oui, c'est ça, qui mange du chocolat et qui boit de la bière. Enfin, c'est assez atypique. On va comprendre qu'en fait, il y a une espèce de relation un peu amoureuse qui va s'installer entre les deux personnages. On comprend aussi que... Enfin, on comprend, non, pardon. Elle dévoile son âge au bout du film, donc elle a 27 ans. Donc ça fait une relation un peu... 15-27, oui, ça commence à faire... Un peu bizarre, quoi. Au bout de... Pardon. À la fin de la saison des pluies, évidemment, ils vont plus se voir. Mais on va comprendre qu'ils ont un lien un peu plus étroit qu'ils ne le pensaient, puisqu'on va apprendre qu'elle, c'était une de ses professeurs à son école, qui était partie en dépression parce qu'elle a été victime d'un lynchage d'élèves. Ouais. Chose qu'on... Enfin, un thème qu'on voit pas souvent, mais qu'on voit quand même régulièrement dans les mangas, par exemple. Ouais. De profs qui se font martyriser par des élèves. Ce qui fait qu'ils vont se... Ça donne pas envie d'aller à l'école au Japon. Ouais, clairement. Ouais. Dans leur culture. Parce que c'est soit ça, soit c'est les élèves qui se font maltraiter par d'autres élèves, donc... Life. Et donc, lui, quand il va l'apprendre... Quand lui va l'apprendre, il va vouloir essayer de clarifier la situation entre guillemets avec ces dix élèves qui ont martyrisé la professeure. Et ça va leur rapprocher un peu plus d'elle. Et bon, je veux pas trop dévoiler la fin parce que c'est vraiment. C'est assez sentimental. Je veux pas casser la surprise. Ouais, puis bon, après, ça dure que 40 minutes. Donc, oui, en plus ça dure 40 minutes. On va pas non plus. Mais ce qui m'a impressionné justement, c'est qu'en 40 minutes, on t'en donne tellement. Comparé à certains films d'animation, même certains films tout court, de 1h30, où en fait il n'y a rien. Quoi. Des fois 40 minutes suffisent largement. Ouais. Donc j'ai trouvé ce film vraiment chouette, super touchant. J'ai retrouvé des choses que j'ai vues dans Your Name, qu'il a fait bien plus tard. Des trains. Bah, y a beaucoup de passages de ville, par exemple. Comme un Koto Shinkai. Ouais. Il faut des trains. C'est ça. Par exemple, je me rappelle dans Your Name, il y a un moment où on voit le temps défiler, tu sais. Mmh. Ça, on a quelques prémices dans ce court-métrage. Genre un plan de ville avec le, ouais, c'est avec ça. Le temps qui avec défile. Avec le mouvement, et donc, ouais. le temps, etc. Donc on retrouve toutes ces petites choses-là. Mais j'allais dire, justement, même Your Name, qui est pour le coup un long-métrage, mais il donne énormément ouais. en deux heures. Ah oui, il donne vraiment beaucoup. Super ouais. généreux, Your Name. Mmh. Ouais. Donc voilà, si vous avez aimé Your Name, par exemple, et que vous voulez en savoir un peu plus comme moi, je vous conseille d'aller voir ce court-métrage qui est vraiment super, mais super touchant. Et à la fin, sortez un petit mouchoir. Parce que vous allez pleurer. Merci. Ouais, je précise. Je précise. Ou alors vous êtes très bizarre. Mais bon, ça vous regarde. Il y a des trains. Mais même la fin, elle est superbe parce qu'elle n'est pas classique. Quoi. C'est vraiment pas on s'y attend pas en fait. Ouais. D'accord. Du coup, maintenant, je pense à Guillaume Canet, tu fais chier. Avec les petits mouchoirs. Avec les petits mouchoirs. Ouais. Mais globalement, j'ai oublié la news, il y a la suite qui va être tournée bientôt. On s'en fout. Mais globalement, Shinkai, ça fait partie de ces nouveaux réals qu'il faut suivre. Quoi. Globalement, il a mis tout le monde d'accord avec Your Name, et après, beaucoup de gens ont découvert ce qu'il a fait en amont, et ben, c'est tout aussi bien. Quoi. Bah, j'ai l'impression qu'il est programmé, là. C'est ouais. J'ai l'impression qu'il aime bien les relations un peu comme ça. Bon, j'ai tout le temps dit atypique durant le podcast, mais voilà, je le redis, atypique, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont un peu torturés. C'est ça. Mais pas non plus bizarres ou malsaines, quoi. Mm. Mais qui seraient plutôt mal vus par la société en général. Oui, qui sont un peu en marge des mœurs, etc. Bah, c'est ne serait-ce que, bah, déjà, qu'il y ait 12 ans d'écart entre les deux personnages, c'est atypique, mais surtout dans ce sens-là. Oui. D'habitude, quand c'est fait, c'est l'homme qui est le plus âgé. Mais même elle, vis-à-vis de ça, sans trop en dire, elle a une bonne réaction par rapport à ça, vers la fin du court-métrage. Voilà. Elle appelle Polanski pour lui demander des conseils. Et tout se passe bien. Putain. Ça fait autant... ça donne autant la larme à l'œil que Your Name Pas autant, parce que ça dure pas aussi longtemps. Et ça t'as moins le temps de t'attacher au personnage. C'est ça. Mais tu... Quand même. Mm. Franchement, quand même. Oui, pour ce Your Name, c'est vraiment... On peut en profiter pour conseiller Your Name, hein, ouais. Clairement. Hein. Bah, l'avantage de Your Name, c'est qu'à la fin, il y a tellement de choses qui... Il y a tous les rails qui se rejoignent et ça s'accélère tellement vite que... Puis il y a des plans extraordinaires dans Your Name. Mm. Quand il est au bord du cratère et que tu vois un gros plan de loin, ce plan-là, il est à tomber par terre. Bah, et puis toute la séquence qui, je pense, est dessinée avec d'autres techniques quand il... Il est un peu dans son... Dans son rêve, ouais. Des rêves mystiques, oui. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais voilà. Mm. Oui, qui se passe pendant une espèce de transition. Visuellement, oui, elle déchire cette séquence-là. Mm. Ouais. Tu as fini ? Oui, j'ai fini. On écoute ici ou on s'en va et on le laisse parler ? On peut le laisser parler sans aller. Hein. Tu es en partie. Bienvenue sur Corail Podcast. Radio Corail. Radio Corail. Nous allons parler d'un film fantastique, Règlement de compte à OK Corail. Oh putain. Non, alors plus sérieusement, avec Josh Whedon qui a travaillé sur Buffy. Des vampires qui brillent dans la nuit. Ouais, voilà. Qui brillent au soleil. Et David Tennant au casting. Alors on remarquera que Durandal n'a pas parlé du coup de tout ça. Oh putain. Le soleil qui est plat d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, bah, bien sûr. Évidemment. Donc non, plus sérieusement, le dernier film de la sélection, donc comédie française des années 2010, avec une comédie sortie en 2011, dans mon souvenir. Adieu Berthe, l'enterrement de Mémé de Bruno Podalides. Mémé, à tes souhaits. Alors, Adieu Berthe, ça raconte l'histoire d'un pharmacien quarantenaire qui est joué par Bruno Podalides, donc le frère du réalisateur. C'est un homme qui a une vie plutôt banale, avec une particularité, c'est qu'il refuse tout conflit et qu'il refuse de prendre toute décision. Donc, il est encore avec sa femme, ils sont plus vraiment amoureux, mais ils s'aiment toujours bien. C'est The Good Place. C'est exactement côté, ça. C'est ça. À côté de ça, il a une maîtresse, qui est jouée par Valérie Lemercier. Sa femme le sait, tout le monde lui dit qu'il va devoir choisir l'une ou l'autre, mais il prend pas de décision, parce qu'il peut pas prendre de décision. Il aime pas sa belle-mère, mais sa belle-mère, c'est elle qui paye... c'est elle qui est leur logeuse, en fait. Donc, il vire pas sa belle-mère. Et il prend pas de décision là-dessus non plus. Ah, putain. En fait, voilà, il est dans l'indécision perpétuelle. Et dès le début du film, dès la première scène, en fait, il reçoit un appel qui l'informe que sa grand-mère, qu'il avait un peu oubliée à la maison de retraite, vient de décéder. Et donc, vu que son père, qui est joué par Pierre Arditi, est devenu un peu zinzin, Pierre Arditi apparaît dans tous les films de Podalides. D'accord. C'est du coup à lui d'organiser de décider de l'enterrement. Voilà. Et donc ça le truc c'est que comme il presse. Prend pas de décision, en fait il va se peu à peu c'est tout le monde autour de lui qui va commencer à organiser ça, avec évidemment les gens qui lui demandent de se décider aussi par rapport à sa vie de famille, de choisir entre sa femme et sa maîtresse, surtout qu'il est en froid avec son fils, enfin avec ses deux enfants, mais par contre la fille de sa maîtresse l'adore, parce que lui est un peu magicien en fait, il préférerait être magicien que pharmacien. Mais il n'y a que auprès de la fille de, il y a que la fille de sa maîtresse auprès de qui ça marche, ce tour de magie. Enfin voilà, c'est... Et en fait, ce que j'adore chez Podalides, c'est que c'est un humour pas cynique pour un sou. J'ai rarement vu des films aussi peu cyniques, aussi peu ironiques que les films des Podalides. C'est super poétique, et leurs films sont vraiment un vrai éloge de l'indécision. C'est les personnages chez Podalides ne prennent jamais de décision, que ce soit dans celui-là où c'est aussi très frappant dans leur suivant, comme un avion. Ils prennent pas de décision, mais c'est limite valorisé en fait comme comportement. Ils se laissent porter par la vie, ils se laissent porter au rythme où les choses viennent. Ils agissent jamais vraiment, ils se contentent d'accepter ce qui se passe, et de continuer à rêver malgré tout. Et voilà, c'est la vie passe comme ça au fil des événements qu'ils subissent mais qu'ils accueillent. C'est super drôle, visuellement il y a plein de trouvailles parce que les deux frères Podalides, ils l'ont écrit ensemble, sont fascinés par la magie et par le monde du spectacle comme ça. Donc il y a plein de scènes où il y a des délires autour des tours de magie, une vraie imagination visuelle. Et voilà, c'est du feel-good movie avec des moments très drôles quand il se renseigne sur les différents trucs d'obsèques, il y a des publicités d'assez mauvais goût sur lesquelles il tombe. Mais voilà, même lui, il est devant ça, bon, il n'en a rien à faire, en fait. C'est un peu ta vie, en fait. C'est un petit peu toi. Il y a un peu de ça. Hein. Je me retrouve bien dans ces personnages. Il se retrouve finalement à faire confiance à un mec, qui est responsable d'obsèques, à une sorte de fossoyeur, qui est joué, du coup, par Bruno Podalides, donc par le Réal. Et le mec, en fait, il est à la fois fossoyeur pour des humains, mais il s'occupe aussi d'enterrer des animaux, de les empailler. Enfin, le mec, il est multifonction. Quand ils vont récupérer la grand-mère, ils doivent aussi récupérer un bois au passage. Enfin, voilà, il y a ce genre de truc. Son assistant, c'est le fils caché d'Armoutaziev. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, putain. Et tu passes des bonnes soirées, voilà, donc. C'est juste un univers, en fait. Très absurde, mais un absurde très grand public en fait. Podalides, c'est ça qui est cool chez lui. Il fait toujours des films qui peuvent être vus par beaucoup et qui font des bons chiffres au box-office. Ah ouais? Ouais, ça fait du 500 000, 1 million, je crois quand même. Donc c'est pas mal. Ça fait du 50 ans. Mais il a vraiment un univers hyper imaginatif. Quelque chose de très personnel et de très rafraîchissant dans le cinéma. Dans le cinéma français et même dans le cinéma en général, parce que ouais, vraiment cette douceur est rare au cinéma, je trouve. Donc grosse recommandation sur celui-là et en général sur ce qu'on fait les Podalides. Ils se revendiquent eux-mêmes comme héritiers d'Alain René. Ils le qualifient de dieu cinéma en dédicace d'un de leurs films. Et je comprends quel peut être le rapprochement entre les deux. C'est, dans les deux cas, c'est vraiment des mecs qui ont envie d'utiliser l'outil cinéma jusqu'au bout pour raconter des trucs assez légers. Donc voilà. Tu l'as bien vendu. Hein. Nous t'avons écouté avec un silence religieux. Ouais. Ou alors on est fatigué. Et à la fin, il meurt. Et il y a une super scène de coup de gueule de Valérie Lemercier qui est peut-être un de ses meilleurs moments d'acting de toute sa carrière. Voilà. Bah à la fin, c'est le fossoyeur qui les enterre tous. Mmh. Après les avoir empaillés. Voilà. Ouais. Et sodomisés. Non. Oh. Merci. Bah, ça, c'est ce qu'ils disent. Ça doit pas être confortable, la paille. Pendant ou après la... Après. Bonjour. petit moment de fraîcheur, d'humour. La paille. Non, ouais, pas la paille. La sodomie alors. Voilà, c'est une bonne sodomie. Petit moment détente, c'est gratuit. C'est. Bah, c'est. Parce que Bipolaïdes, même, ils ont même adapté en fait des Rouletabille. Ils ont fait le mystère de la chambre jaune et le parfum d'Adam en noir. Et même quand ils font ça, en fait, les personnages n'agissent pas. C'est Rouletabille qui se laisse porter par ce qui se passe autour de lui. C'est vraiment toujours leurs personnages sont inactifs, presque. D'accord. Donc à voir. Ok, d'accord. Et là, à ma connaissance, il prépare, d'après les dernières news, il prépare une adaptation de Bécassine, Bonaïdas. C'est ta cousine? Ah. Bécassine qui ne prend aucune décision. Et bah, du coup, je suis assez curieux de voir, hein, parce que je pense que ça peut donner un résultat assez mémorable. Et du coup, comment t'as décidé d'aller voir ce film? J'avais vu justement ces deux adaptations. T'étais pas obligé de répondre sérieusement. Ces deux adaptations de Gaston Leroux. D'accord. Et ça m'avait donné envie de voir le suivant. Je crois que t'allais dire ces deux adaptations de Gaston Lagaffe. Non. Mais pour le coup, il serait, c'est un mec qui serait génial pour adapter Gaston. Ah bah c'est con parce que c'est pas lui qui ont pris. C'est con, c'est pas lui qui l'a complètement. Enfin, ces personnages ont toujours le côté rêveur et un peu inventeur qu'a Gaston. Et en pailleur. Il serait parfait pour un Gaston Lagaffe. Avec sa mouette. C'est dans un album hors série, il empaille sa mouette et son chat. Non, mais voilà. Pardon. Ok. Merci Sam de nous avoir vendu ton dernier film. Mais je précise qu'il n'y a pas de sodomie hein, dans le film, des fois que vous avez confondu. Oh, dommage. Ça va. Il n'y en a pas non plus dans Godzilla. Dans Shin Godzilla. Il n'y en a dans aucun des films qu'on a parlé, hein, de toute façon. Je réfléchis. Des sodomies. Des sodomies. Non, il n'y en a pas. Non, non. Non, à mon côté, il n'y en a pas. C'est... Mm-hmm. Je réfléchis, non. On fera un podcast recommandation sodomie. Donc, les meilleures scènes de sodomie au cinéma. Les valseuses, hein, pour commencer. Oui. Bah, mais il y en a une. Oui. Bah, et puis, du même réal, d'oublier, il y a aussi tenue de soirée. Ah, mais on le fait maintenant, alors. Apparemment, on est parti. Bonjour et bienvenue pour votre numéro bis de la guerre des claps spéciale sodomie. Non, mais voilà, vous avez plein de trucs à voir, je crois. Ça vous fait 12 films. 12 chouettes films. Ouais, et puis en plus, tous ceux sur lesquels on a dégraissé un peu, donc du coup, bah, ça me fait beaucoup, beaucoup de films. C'est ça. Bon courage. C'est ça. N'hésitez pas à donner vos avis sur les films dont on parle. Si vous les avez déjà vus. Si vous les avez déjà vus. Ou à nous insulter si vous les voyez et que c'est nul. Et que c'est de la merde. Ouais, ouais, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez envoyer ça à isamsali @ je vous emmerde.fr ou l'appeler directement au 06. Ah non, tu donnes le numéro de la réception à l'hôtel. À l'hôtel. Ah oui. C'est bien. C'est bien. Ça occupera mes nuits. Ah, au connard. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de la guerre des claps. Nous, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro, d'ici un petit mois si tout va bien, ouais. Deux petits mois si tout va mal, jamais s'il y a des problèmes. Il y aura peut-être un cast sur table qui sortira entre-temps, donc podcast consacré aux comics et aux mangas, n'hésitez pas à écouter. C'est exactement ça. Issam, où est-ce qu'on peut te retrouver? La chaîne L'Archiviste du Cinéma, je parle de films, alors principalement de films asiatiques, en essayant de développer des thématiques autour. Mes deux derniers épisodes étaient consacrés aux excursions américaines de cinéastes asiatiques. Mon prochain va parler de cinéma punk japonais. Voilà. Tout un programme. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur ma chaîne YouTube, L'Archiviste du Cinéma. Non, bah, sur le Twitter de Casse sur Table, puis La Guerre des Claps. Voilà. Si vous avez des questions, des recommandations, des avis sur les podcasts, etc., on est à votre écoute. Nécro, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, moi, pareil, hein, donc au niveau du Twitter. C'est-à-dire que je suis de toute façon tout ce qui est tout ce qui est diffusé sur mon Twitter, mais sinon aussi ce qui se passe au niveau de la guerre des claps et casse sur table. Donc n'hésitez pas vraiment, hein, n'hésitez pas quand on sort quelque chose, n'hésitez pas à donner vos avis, on les lira, on en prendra compte, on les jettera et on passera. À la limite, si c'est moi qui les lis, je vous envoie un message d'insulte en plus. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est cadeau, ça fait plaisir. Mais toujours dans le respect. Hein. C'est la magie de Twitter aussi en même temps. Hein. Mais toujours dans le respect, on y tient. Toujours dans le respect. Dans le respect. Ah, mais ça, c'est parce qu'on est poli. Toujours avec dans le respect. Courtoisie. Avec courtoisie, avec beaucoup d'urbanisme. On massacrera, mais on mettra des gants blancs. Voilà. Cordialement. Non, n'hésitez pas à commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Chris ? Eh bien, là où nous enregistrons actuellement, au 44 du Jard, à l'Ivry, au Grébule, mais également sur Twitter, @Grébule, et les Twitter de nos différentes émissions, ainsi que sur la chaîne YouTube Gamer Bizarre Adventure. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro. On se donne rendez-vous pour le prochain. D'ici là, passez de très bonnes journées. Salut, à la prochaine. Ciao.